C'est la bombe absolue dans tous les clubs de France. Numéro 1 des clubs dans quasiment toute l'Europe. C'est numéro 1 des clubs en Norvège d'ailleurs ce soir. Et c'est numéro 1 une nouvelle fois de l'Eurodance 25 Avicii avec El Brazor, le top 5. On a retrouvé également le son de Dubs avec Tsunami, le son de Martin Garrix avec Animals, Tony Junior en 4 avec Toi Qu'on T'aime, et 5ème le son de Showtech avec Booya. Eurodance 25 sur Fun Radio. Belle soirée sur Fun Radio, bonne fin de week-end et bonnes vacances pour tous ceux qui ont la chance d'en prendre. Retour de l'Eurodance 25, ce sera dimanche prochain, mission spéciale. On se fera les 25 titres qui ont le mieux marché au cours de l'année. Donc je pense qu'on aura des surprises ce soir. Voilà, belle soirée à vous, partie fun des minuit avec Mademoiselle Luna de Fun Radio Belgique, une copine de Mickaël. Exactement, oui, tout à fait. Elle est de taf surtout, oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Non, j'ai pas parlé, je parlais pas plan cul, je parlais de relation. Nous n'avons jamais couché ensemble. Non, il a toujours essayé, beaucoup aimé, mais elle ne veut pas. Ça a toujours été un refus catégorique. Je vais être là minuit pour le passage d'antenne. Et toi, mais tout à fait, tout à fait. Mais tu peux. Bon, comment ça va les amis? Bah ça va, on est en direct des Bahamas là. Voilà. On est bien. On est en direct, on est en vacances, Noël, tout ça, pépère quoi. On est bien au bord de la plage. Ouais. On y croit tous. C'est la magie de la radio. Exactement. Voilà, tout à fait. Belle soirée à vous, on se retrouve dimanche prochain. L'Eurodance 25. Comment tu travailles dimanche prochain? Mais oui, l'Eurodance, le best-of de l'année 2013. Alors, est-ce qu'il y aura du Jean-Pierre Sauzère dedans? Je ne sais pas. Ah bah écoute, j'espère, parce que moi j'étais très déçu déjà qu'il n'y en ait pas eu ce soir. Bah super disco aurait pu rentrer. Et ah bah je te confirme. Je te le confirme. Bon bah bonne soirée à toi en tout cas. Et puis bah bon dimanche. Et puis bonne fête, hein, parce qu'on se... Ah bah si, on se reverra demain. On se verra demain à minuit pour Party Fun. Bon bah à demain alors. Salut. Allez, c'est parti, nous on est en direct jusqu'à minuit. 20h minuit. Mickaël. No limit. Sur Fun Radio. Et oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bonsoir. Et que les vacances sont bien commencées pour la plupart d'entre vous. Ce sont les vacances. Mais oui, on est encore là. Bah parce qu'on a décidé de pas vous laisser tomber pour Noël. Ouais. Non, parce que c'est vrai, il y en a plein. D'ailleurs, tout le monde vous a laissé tomber. Hein, ouais, regardez sur n'importe quelle autre radio. Tout le monde a dit, j'en ai rien à branler, moi, de vos têtes de con. Je pars en vacances. Voilà. Donc nous, on partira. Mais après, on passe Noël en famille, quoi. Voilà, tout simplement. Donc 24 décembre, on sera avec vous dès 20h sur Fun Radio pour passer ce réveillon, cette fête familiale, eh bien, en famille, avec vous dès 20h. On sera là aujourd'hui, donc on est là déjà de 20h à minuit. On sera là demain de 20h à minuit. On sera là mardi également, soirée de Noël de 20h à minuit. Ce soir, vous pouvez être sûr effectivement qu'il n'y a qu'ici qu'il se passe quelque chose. Entre 20h et minuit, ce sera comme ça jusque mardi soir, comme je le disais, puisqu'on est la seule émission à être restée avec vous en direct. Pas de best-of, pas de cinéma. Ouais. On est là en live. Pour tous les nouveaux qui viennent de débarquer, qui ont été abandonnés par d'autres radios, là, ils sont arrivés à 20h, ils sont vus qu'ils étaient seuls comme des cons. Eh ben, soyez les bienvenus sur Fun Radio, on est en direct. Moi, c'est Mickaël. Et puis, bah, si vous voulez passer à l'antenne avec nous, vous êtes les bienvenus hein, pour délirer, pour taper un coup de gueule, bref, pour prendre le contrôle de l'émission. Il suffit de nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Et puis, vous nous rejoindrez comme Charlie qui est avec nous là. Salut Charlie. Charlie. Ah, c'est Charlie, d'accord. Moi, je me suis dit, cool, une fille. Hein, Charlie, je me suis dit, peut-être mal écrit ou quoi, je sais pas. Ah non, c'est un mec, hein, c'est un homme. Ouais. Oh, déception totale. Ah ouais, je me suis dit, une fille pour la première, ça serait cool. Enfin, la première de la soirée, de la semaine en l'occurrence. C'est pas grave, Charlie, sois quand même le bienvenu. T'as 26 ans, toi. T'appelles du 91. Ouais. T'as passé un bon week-end? Ouais, très bon week-end, ouais. Quoi de prévu pour les fêtes? Ah bah, on va faire le nouvel an avec ma grand-mère et tout. Ah ouais. Donc tu vas probablement recevoir une paire de chaussettes? Peut-être une télé crompla. Ah, sympa! Allez, rock'n'roll, mamie! Ah, bah, elle a craqué le portefeuille, hein! Ah, c'est bien ça! Pas mal! Bon, bonne nouvelle! Je rappelle également que mardi soir, comme c'est soir de Noël et qu'on sera là avec vous, on va également échanger les cadeaux. Hein. Donc, si vous avez reçu des cadeaux de merde et que vous voulez les échanger contre des cadeaux qu'on aura en stock, il y aura des tablettes, il y aura des consoles, etc., etc., eh ben, il faudra pas hésiter, hein, surtout. Hein. Voilà. Par contre, il va falloir vraiment nous envoyer votre cadeau pourri. Hein. On vous envoie pas juste un cadeau gratos, il faut nous envoyer. Ouais. Si vous avez reçu une paire de chaussettes de merde, vous nous envoyez la paire de chaussettes. On vous enverra le cadeau derrière. Ouais. Normal, ça c'est paraît normal. Normal, oui, c'est honnête. Si jamais tu veux échanger ton écran plat contre autre chose, n'hésite pas, c'est possible aussi. Hein. On sera ravis de recevoir un écran plat pour en mettre dans le bureau. Ce sera cool, très très cool. Bon, Charlie, on parlera de quoi avec toi tout à l'heure? Enfin, ce soir. De mon ex qui m'appelle tous les jours. Ah, du harcèlement. C'est vrai que ça arrive souvent, ça. Hein. Mais oui, c'est. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont relous, ces ex. Non, attends, ils peuvent pas aller voir ailleurs. Non, mais arrête, les mecs le font aussi. Hein. Oui, c'est ça. Il y a des mecs qui font pareil, voire probablement même un petit peu pire. J'ai envie de dire. Bon, donc si vous voulez, si vous êtes déjà fait harceler par vos ex filles ou garçons, appelez-moi maintenant. On va en parler avec Charlie. Tu vas nous expliquer en détail ce qui s'est passé chez toi. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ne bouge pas, Charlie. Il y a Sandro qui est là également. Elle a fait les courses de Noël. Bah toujours pas. va. Ah bah, il va falloir se manier maintenant. Il va falloir que je me bouge un peu. Ah, mais ouais. Ça va, Noël, on a encore le temps. Ah, bah oui, c'est dans deux jours, donc on a encore le temps. Je me rends pas compte, foutu. Moi. Je me rends pas compte, dans deux jours, c'est Noël. Mais ouais, moi, c'est vrai, moi aussi, je capte pas. C'est comme il fait pas spécialement froid, que. Je sais pas, j'ai pas l'impression que dans deux jours, c'est Noël, en fait. Ouais, ça manque de neige. Bah ouais, ça manque un peu de neige. Bonne tempête de neige, 10 cm à Paris. Là, voilà. Si, mais si, mais ça, c'est la vie. Là, ça, c'est la vie. Ah, si, il peut y avoir une tempête de neige. Ah ouais, bon, pas pour ton départ, en revanche. Bon, et Toff et Polo qui ont passé leur soirée aussi en amoureux vendredi. Ah oui, c'était mignon. Ah ouais, il y avait la soirée. Il y avait la soirée Noël Fun Radio. Oui, c'était super sympa. Non, on l'a pas passé en amoureux. C'est-à-dire qu'on s'est installé à une table. Il y a plein de gens qui s'y ont mis. Ouais. Et en fait, on devait être avec Karima, avec tout ça, et en fait, on s'est retrouvé tout seul, en fait, comme de baltringue, comme si on avait la peste sur le côté. Voilà. Et Polo qui a reçu des tickets à gratter. Ouais. Et il a gagné 7€. Du sous-chef. Du sous-chef, ça, exactement. Ouais. Oui, tout à fait. Et toi, il a reçu quoi? Moi, j'ai reçu du sirop de caramel. Oh, génial. Pour faire des crêpes. Et on embrasse JB la nuit qui a reçu un god. Ah, bravo à lui. Ça tombe bien. C'est tellement normal. Avec passagedudésir.fr. Bien entendu. Bon. Et puis, on saluera également tous les amis de Toff cette semaine, hein. Ah oui. Tous les amis Toff. Cause toujours enculé. Voilà. Est-ce que pourriez intérioriser votre connerie? Ah bah voilà, l'intériorisation de la connerie. Bon, on a eu pas mal de nouveaux amis cette semaine avec des nouveaux appels qu'on a eu l'occasion de faire à des gens un petit peu partout en France, en Belgique. Et c'est vrai qu'on se reste en France, en Belgique. Non, on a été au Canada aussi la semaine ouais, dernière. C'est vrai qu'on a essayé au Canada aussi. Ça a pas bien marché, mais on avait essayé au Canada. Et puis on a aussi du son ce soir avec le son d'Eminem. Eminem avec Rihanna et Monster. Je vous cale aussi Alesso et Calvin Harris. Under Control. Il y aura aussi Deoro avec Ye. Ça, ce sera tout à l'heure sur Fun Radio. Et puis bien sûr mon son préféré. Voilà, on est avec vous sur Fun Radio jusqu'à minuit. On est en direct, cherchez pas ailleurs. On est seul à la radio à être en live avec vous 20h minuit ce soir. Donc ne recherchez pas ailleurs, hein. Et puis on a aussi des cadeaux de ouf à vous offrir ce soir. Il y aura la colle dans quelques minutes avec Guillaume. Et c'est pour gagner une Xbox One. Et j'ai aussi une tablette à vous offrir. En plus on l'a là dans le studio, la Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous la gagnez ce soir, je m'engage. Il s'engage. Je m'engage. Il s'engage à ce que Sandro l'envoie demain. Wow. Voilà. Ça paraît pas mal. Ouais. Bah écoute. Bon, elle partira. Elle partira demain. Elle partira demain. Donc alors avec le jour férié de mercredi, bon pas sûr que vous l'aurez mardi, mais peut-être jeudi. En tout cas avant la fin de l'année vous l'aurez. Oui. Avant le 31 décembre, obligatoirement. Si on ne se trompe pas dans l'adresse. Oui, si Sandro se trompe pas dans l'adresse, effectivement. Ouais, ou que les auditeurs ne se trompent pas dans leur propre adresse. C'est vrai, quand elle balance. Bon, donc si vous voulez gagner votre Samsung Galaxy Tab 3, il suffit de venir nous rejoindre sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel. Vous faites un like et un partage de la photo où je suis avec la Samsung Galaxy Tab 3. Et puis, parmi les likes et les partages, on fera un tirage au sort. Vérifiez bien votre numéro, votre boîte à message Facebook, car on vous demandera votre numéro de téléphone via la boîte à message. Et si vous êtes appelé en direct à l'antenne, eh bien, vous repartez avec votre Samsung Galaxy Tab 3. Ce sera tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Et puis comme tous les soirs on offrira un sextoy dans le top tweetos. Et avec les vacances on peut avoir des petites surprises dans le classement. Donc si vous voulez, si vous pensez pouvoir le faire, il suffit d'envoyer un maximum de tweets dès maintenant avec le hashtag Mickaël. Et puis à la fin de l'émission on donnera le classement des 5 meilleurs. Et ce soir c'est le numéro 3 qui partira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, on salue également Christopher qui dit je peux enfin vous écouter jusqu'au bout puisque ce sont les vacances. Et oui, DJ Kobak aussi qui dit mange ta bite Toff, le prince Nadia qui dit okay, oui Mickaël, lui ne nous abandonne pas à Noël, au moins l'animateur vraiment proche de ses auditeurs, même en période de fête. Bah oui, c'est la famille, c'est normal. Dédé aussi qui dit demain j'envoie mon slip demain, arc-en-ciel à Toff, il sera ravi. Bah, oui, avec c'est plaisir, sûr. Je le porterai avec plaisir. Voilà, Adam aussi, salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez voir que vous allez bien, vous êtes géniaux, merci Adam. Et Jojo Play aussi qui dit heureusement vous êtes là, vous sauvez mes soirées. Bah oui, c'est normal puisque vous avez été abandonné par tout le monde. Let's be freaks, bonsoir la team, salut à toi. Et Devers45 qui dit salut l'équipe, comment allez-vous ce soir? Avez-vous passé un bon week-end? Moi, super. Ouais, franchement, plutôt pas mal le week-end. Hein, non, c'était bien. C'est plutôt bien passé, Bon, Guillaume également qui est avec nous là pour la colle. Salut Guillaume. Salut l'équipe. Hey, salut, comment ça va? Bah bien et vous? Eh bah tant mieux. Très bien, écoute, plutôt pas mal là, Guillaume, tranquille, t'as passé un bon week-end? Ouais, ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être mieux pour vous? C'est passé quoi? J'ai rien foutu en fait. Ah d'accord, ouais, gros week-end. Ouais, bah ça aurait pu être pire, t'aurais pu bosser. Ouais, tu vois, faut voir le côté positif. Bon, Guillaume, on va jouer ensemble. Tu vas pouvoir repartir peut-être avec la Xbox One. Ce serait plutôt cool pour les fêtes. Ouais, ce serait cool. Ah bah plutôt bien, ouais. Bon, Guillaume, tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et passe à l'antenne, il gagne et tu perds. Si personne ne trouve la bonne réponse ou que quelqu'un trouve la bonne réponse, mais qu'il décroche pas quand on l'appelle en direct, eh bah forcément, c'est toi qui gagneras la Xbox One, Guillaume. Ouais, je sais. Bon, c'est tout ce que je te souhaite. Vas-y, fais péter la colle. On t'écoute. Si l'on me partage, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? Bon, alors attention, si vous avez bien écouté la colle de Guillaume, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. La clé. Qui suis-je ? La clé. L'acné. Ah, de l'acné, pardon. Ah non. Non, c'est pas ça. Les gâteaux de Sandro. Les gâteaux de Sandro. Non. Non plus. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres suivies de votre message. Vous envoyez ça au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique, bien évidemment. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, je vous offre tout simplement votre Xbox One. Tranquille. Ouais. C'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, voilà. C'est cool. C'est pas plus compliqué que ça. Tirage au sort tout à l'heure aux alentours de 22h. Et puis, je vous rappelle également que vous pouvez jouer et lire la colle, je viens de la mettre maintenant, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Comme ça, vous pouvez lire la colle, y répondre. Et puis, si vous êtes tiré au sort aussi aux alentours de 22h, 22h30, et bien vous repartirez avec votre Xbox One. Voilà, j'ai failli oublier. Moi, je perds mes mots ce soir là. Ah bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, je sais pas. Pourtant, j'ai rien fait de spécial, mais je perds mes mots quand même. Bon, allez, bonne chance tout le monde. La colle de Guillaume, je vous la rappelle. Si l'on me garde en soi, j'existe. Mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je? Je vous souhaite bonne chance. Guillaume, on te récupère tout au long de l'émission jusqu'à 10h. Et puis, on donnera la bonne réponse, en tout cas je l'espère, pas pour toi mais je l'espère, avant 10h, ok? Ouais, ok. Allez, à tout à l'heure Guillaume, on va récupérer Charlie aussi avec son ex qui l'appelle tous les jours, qui le harcèle, ça le rend ouf, ça le rend ouf. Il y a Maxime qui voulait réagir aussi par rapport à ça, et dites-nous vous aussi si vous êtes déjà fait harceler par vos ex là, si ils vous lâchaient pas la grappe. Appelez-nous maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. C'est parti, Mickaël No Limit, prenez le contrôle et nous en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio. Avec dans quelques minutes le son d'Eminem et Rihanna, c'est de Monster. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est déjà de retour sur Fun Radio en direct dans toute la France. Et bonnes vacances si vous êtes sur le point de partir, si vous êtes peut-être déjà parti d'ailleurs en vacances. On va se marrer jusqu'à minuit avec tout à l'heure le chéri, je peux te faire cocu, qui va débarquer. On aura eu le canular également de jeudi qui était plutôt pas mal. Let's Be Freaks aussi qui dit, je tiens à dire que j'ai attendu Toff toute la journée d'hier pour la journée de l'orgasme, il n'est jamais venu. Bah, mais moi c'est pareil, je l'ai attendu toute la journée. Arrête, il n'y a aucune parole, aucune parole. Attends, moi j'étais à la radio, il y avait des mecs qui m'ont dit je vais venir vous montrer tout, ils sont pas venus quoi. Ouais, oui, pour ça, ouais. Pour heureusement ça, qu'elle gagne souvent au top suite au sein du. Ah, bah je te confirme, du coup là c'est sextoy, effectivement. Bon, il est 20h13 sur Fun Radio, je vous rappelle qu'il y a toujours la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur Fun ce soir. Vous allez simplement sur le Facebook de l'émission pour tenter de la gagner. Vous faites un partage et un like sur la photo où je suis avec la Samsung Galaxy Tab 3 et je vous tire au sort avant minuit sur Fun Radio. Facebook.com/MIKL officiel. Venez, on va parler avec Charlie dans quelques minutes, avec Maxime, avec Stéphane, et puis on va s'écouter le son d'Eminem et Rihanna, c'est de Monster. On est les seuls en direct jusqu'à minuit sur Fun Radio, soyez les bienvenus. I'm friends with the monster, the son of my bed. Eminem et Rihanna sur Fun Radio avec The Monster. Bienvenue si vous arrivez 20h18. Il y a Let's Be Freaks qui dit bah parce qu'en plus c'est à moi de venir jusqu'à la radio. Quel non-gentleman ce Toff. Je rigole, je t'aime. Oh là là, quelle horreur. DJ Coma qui dit pour fêter la journée de l'orgasme, je suis masturbé 6 fois. Mickaël à se demander ce que Toff a fait sur sa croix. Bah, oh, bah alors là, je préfère pas savoir. Enculé. Bah oui, Giovanni qui dit un message de bienvenue, s'il vous plaît, bien sûr. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà, et Coralie aussi qui dit continue, t'es super animateur, bonne fête de fin d'année. Emmanuel aussi. Une fille qui dit Mickaël, Fun Radio, c'est terrible grâce à toi et je t'adore. Merci beaucoup Manu. Et puis gros bisous à toi, à tous ceux qui écoutent ce soir. Tous les nouveaux également, là, tous ceux qui ont été abandonnés, les orphelins des autres radios, des autres émissions qui vous ont tous lâchés comme des merdes. Eh bien, nous sommes là en direct avec vous. On est là jusqu'à mardi, soirée de Noël également. On sera là avec vous quand même pour passer Noël en famille, c'est-à-dire avec vous. Bon, on va également récupérer notre ami Charlet maintenant. Là. T'es là, Charlet? Ouais, je suis là, ouais. Très bien, parfait. Bah, bienvenue à toi, Charlet. Toi, tu nous avais appelé parce que donc ton ex t'appelle tous les jours, il te harcèle et t'en as plein le cul. Ouais. C'est bien ça. Donc tout est noté, parfait. Alors, c'est-à-dire, explique-nous peut-être un petit peu plus en détail. Là. Qu'est-ce qu'elle fait de spécial? Depuis quand vous êtes plus ensemble, etc., etc. Bah, on n'est plus ensemble depuis la colo de l'année dernière. Depuis la colo. Comment ça, depuis la colo? On s'est rencontrés, on avait 21, 22 ans. Ouais, d'accord, ok. Mais c'est-à-dire à la colo. T'es animateur ou... Non, il était en vacances, on était encore en vacances en Corse. D'accord. Mais en camping itinérant, quoi. D'accord, ok. Bon, donc vous êtes rencontrés il y a 5 ans, c'est ça? Du coup, plus ou moins? Voilà, 5 ans, ouais. Bon, ok. Et alors? Et du coup, elle m'a avoué, elle, qu'elle s'était trouvée un autre copain dans le nord, à Lille. Ouais. Et bah, du coup, j'ai quitté à cause de ça et... Oui, ce qui en souhaite une bonne raison. Ouais. Ouais, parce que dans l'absolu, elle se trouve un autre mec, bon, t'as bien raison de la virer, quoi. Ouais. Oh, il aurait pu la garder. Mais non. Ah, oh. Si, c'est ce que fait Toff. Bah, oui, Toff, c'est différent. Toff, c'est différent. Bon, et donc tu l'as viré. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'elle te trompe, tu la vires, et après, c'est elle qui vient ramper. Eh oui, c'est la faute de sa sœur Océane que j'ai retrouvée cet été à Montpellier. Quel est le rapport? Parce que là, tu nous expliques un truc, genre, on est censé être au courant, mais moi, j'ai rien compris. Hein. La carte de France, ouais, ouais. C'est sa sœur Océane qui a rongé un coup avec elle et moi. D'accord, donc c'est elle qui vous a rencontré, qui vous a fait rencontrer. Ouais. Et quel est le rapport avec la sœur, là? Je comprends pas. Parce que j'ai retrouvé sa sœur à Montpellier cet été. Ouais, quand t'allais acheter du pain. Non, on était en vacances avec les éclaireurs de France. Où ça? À Marseille? À Montpellier. Ah, à Montpellier. Mais vous avez été... est-ce que vous avez pris un petit déjeuner un moment ou un autre à Toulouse? Non. Ah, parce que c'est qu'à 200 bornes, c'est dommage. Et t'as été comment à Montpellier? On était en car. En car, d'accord, ok, très bien. C'est important. Non, mais vous êtes passé par où? Vous avez passé par où? Non mais sérieux, sinon on va jamais y arriver. Bon, et donc pour en revenir au problème principal, donc c'est elle qui te harcèle. Ouais, je m'appelle, là je viens de m'appeler 3 fois en inconnu. Bah est-ce que t'es sûr que c'est elle? Non Charles, c'est moi qui t'ai appelé. Ça se trouve c'est Sandro. J'essaie de te joindre plusieurs fois, tu réponds jamais. Ah, parce que sur mon 07 là, c'est elle qui m'a appelé en inconnu sur mon 07. Je suis pas ton ex. Ouais, mais est-ce que t'es sûr que c'est elle? Parce que ça se trouve c'est Sandro, effectivement, quand t'as l'appel de la radio c'est en inconnu. Oui, c'est elle sur mon 07, je viens d'entendre son réponse. Ah, parce qu'il a son 07 et son 06. Ah d'accord, ok. Parce que moi j'aimerais bien prendre le 08. Mais on va pas me le donner apparemment. Parce que maintenant que j'ai dû changer de numéro, je me suis dit tant qu'à faire autant prendre 08. Mais non, bah ça n'a pas fonctionné, c'est dommage. Bon, et donc tu lui as pas dit les choses à un moment? T'as pas dit écoute arrête un peu de me saouler là maintenant, c'est bon, t'avais qu'à pas aller voir ailleurs, absolu. Je lui ai dit plusieurs fois en appel et par SMS, mais elle comprend pas. Bah essaye par mail pour voir. Ouais, essaye, tu veux toujours essayer. Il y a So qui dit Mickaël, si son ex l'harcèle et qu'il en a marre, pourquoi il répond à ses appels? Surtout que c'est quelqu'un qui cherche la rupture. Oui c'est ça. Non mais en plus c'est vrai, t'as qu'à changer de numéro de téléphone et tu lui donnes pas le nouveau, c'est tout. Ouais. Hein? Tu gardes le 07 et tu la laisses appeler sur le 06. Voilà, ça paraît un bon plan ça. Bon, attends une seconde, attends une seconde, il y a également Maxime avec nous de Montbéliard. Salut Maxime. Salut tout le monde. Comment salut. Ça va? Salut. Salut vous. Bon oui, ça va bien, tranquille. Il y aura aussi Stéphane, là, 22 ans de Révigny. Salut Stéphane. Salut. Ça va bien? Et toi? Tranquille Steph, reste avec nous, il y a Maxime qui voulait donner son avis aussi par rapport à Charlet là. Bienvenue à toi Maxime. Alors toi aussi tu t'es fait harceler ou t'as des conseils à donner? Ou les deux? Ouais. Bah en fait je sortais avec une fille donc il y a 2 ans. Ouais. Et je suis sorti un an avec elle. Et donc on s'est quitté et elle a toujours été à fond. Et du coup elle faisait que de me harceler, elle m'envoyait des messages, tout ça. Moi j'avais pas la possibilité de changer le numéro. Et donc du coup j'ai essayé d'esquiver les messages, je répondais pas, tout ça, après j'avais des appels, après ça finissait pas quoi. Ouais. Et à la fin j'ai quand même j'ai réussi à changer le numéro, mais elle l'a quand même retrouvé. Et donc du coup soit le conseil c'est soit ma copine elle lui a parlé et a mis les choses au clair, mais après je sais pas si lui il a une copine, je sais pas. Mais je viens de partir en colo là. Toi t'es à fond sur la colo toi apparemment. Donc t'as une autre meuf que t'as aussi qui est aussi en colo, c'est ça? Ouais, Clémentine, ouais, je l'ai rencontrée il y a, ça va faire 2 ans que je suis avec elle. D'accord, ok. Ah oui, d'accord, ça et fait 2 ans. Et pourquoi quand elle appelle, tu lui passes ta meuf directement? Ouais, je sais, c'est méchant, mais... Bah, c'est difficile, mais elle parle pas. Ah, tu lui passes quand même et elle répond pas, elle... Enfin, Clémentine, elle parle pas, quoi. Elle est muette? Ouais, elle répond par signe, ouais. Ah, d'accord. Ah, ouais, vraiment merde. En plus? Ah non, d'accord, je faisais une vanne. Je savais pas qu'il était vraiment muet. Ah ouais, c'est difficile de lui passer au téléphone. Je peux pas savoir. Bon, sinon, tu lui passes une autre meuf. Hein. Oui, ça aussi. Ouais, mais sinon. C'est ta sœur et puis on en parle plus. Mais sinon, on l'appelle. Comment elle s'appelle la meuf là? Parce qu'au final, on connaît le nom de la sœur, on connaît le nom de ta meuf, ta mère, tout le monde, mais pas la meuf. Elle s'appelle comment? Olivia. Bon, attends, bouge pas. Maxime, reste avec nous. Il y a Stéphane qu'on va récupérer aussi dans quelques minutes. Et puis, et oui, tiens, justement, est-ce que vous avez des choses à cacher dans votre téléphone? Non, par rapport au fait qu'il y ait des ex, ça peut parfois partir là-dessus. Dans votre téléphone, des trucs à cacher? Bon, Toff, dis pas non, parce qu'à mon avis, ça doit être la folie chez Louis. Ah, bah là, c'est la folie. Ah, bah j'imagine, ouais. Polo? Non, pas en même temps, il a rien dans son téléphone, puisqu'il ne mémorise rien, parce qu'il a peur que. Il a peur de tout. J'efface tout, il n'y a rien. Sandro? Bah non, j'ai pas de vie, ma vie est pourrie, donc j'ai rien à cacher. Bon, Jean, elle a pas des sextapes sur son téléphone. cacher. N'importe quoi. J'ai rien à cacher parce que j'ai pas de mec. Oui, c'est ça, oui, voilà. Parce que quand elle a un mec, par contre, oh là là, il y a la photo cochonne. Non, mais c'est ça, c'est ça. Non, je vous lance ça parce qu'en fait, ils ont fait un sondage aux États-Unis. Il y a 13% qui ont répondu qu'ils avaient peur qu'on trouve des photos d'eux nus. Et 15% qu'on découvre l'historique des sites de cul qu'ils fréquentent. C'est dingue. Le mec fait des photos de lui nu et il va les mettre sur son téléphone. C'est quand même complètement idiot. Après, il les envoie, j'imagine. Non, mais c'est encore pire. Donc, du coup, je voulais savoir, venez nous dire si vous avez des trucs compromettants dans votre téléphone portable. Voilà, vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On va en parler dans quelques minutes. On va faire aussi le chéri, je peux te faire cocu là dans quelques minutes également. Et puis, on va récupérer Guillaume là tout de suite pour la colle. Toujours là, Guillaume? Ouais, je suis là. Très bien, je rappelle qu'il y a toujours la Xbox One à gagner si vous avez la bonne réponse à la colle de Guillaume. Guillaume, vas-y, fais péter la colle. Alors, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? Voilà, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien, vous de jouer, vous allez peut-être repartir avec votre Xbox One avant les fêtes. C'est plutôt bon esprit. Vous envoyez M-I-K-L, les 4 lettres par SMS, suivi de votre message. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et puis, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vers 10h, hein, vous repartirez peut-être avec votre Xbox One. Vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikaelofficiel, et il y a Gabi qui proposait une cigarette pour la colle. Non. Il y a Dylan qui proposait la fidélité. Non. Un Kinder Bueno. Non plus. Du sperme. Bon. un cœur ou un paix. Non plus. Le mensonge. Non. La virginité pour la colle. Non. Eh ben tant pis. Bon, si vous avez la bonne réponse, on donne la réponse à 10h. Vous avez encore un petit peu de temps. Donc, si l'on me garde en soi, j'existe. Mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? Bonne chance tout le monde pour envoyer vos réponses. Et Mickaël, suivi du message, enfin de la réponse en l'occurrence, au 64 900 ou au 63 22 depuis la Belgique. A tout à l'heure, Guillaume. Et puis, on va faire les appels maintenant, là. Les appels, dernier rapport. Quand est-ce que vous avez eu votre dernier rapport sexuel ? On avait fait ça cette semaine. Oui. Puisque je vous rappelle que tous les soirs, pour tous les auditeurs là qui viennent de débarquer parce qu'ils ont été abandonnés par les autres émissions de radio à la même heure, puisque tout le monde est en congé, hein, tout le monde est en best-of, tout le monde est normal, en rien, il y a que nous qui sommes là avec vous. Voilà, et donc du coup, eh ben si vous ne connaissez pas l'émission, soyez les bienvenus. Et donc tous les soirs on appelle avec Tof des gens au hasard pour leur poser des questions, pour les prévenir d'un sujet important, ou simplement pour vérifier des sondages. Qui peuvent changer leur vie. Qui peuvent changer leur vie. Et donc là c'était la date du dernier rapport sexuel. Oui. Voilà. Et donc on avait appelé chez des gens très sympathiques au demeurant. Bah tous, toujours. C'est toujours. Je n'appelle que des gens charmants. La preuve. Allô ? Oui, bonsoir madame. Je vous écoute. Oui, voilà, en fait, je voulais savoir à quand remontait votre dernier rapport sexuel, madame. Oh, bande d'abrutis. Ça vous regarde, ça ? Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle, madame. Oh, espèce de connard. Voilà. Donc ça, c'était Mémé avec son petit espèce de connard. On l'avait rappelé, bien évidemment. C'était parti, hop là. Allô ? Oui, excusez-moi madame, mais c'est pas gentil ce que vous dites. Non, mais vous êtes une ordure, ça ne m'intéresse pas. Et à côté de chez moi, il y a des flics, je vais leur dire. Alors vous arrêtez votre cinéma. Non mais c'est moi qui suis intéressé par votre réponse. Oui, mais enfin là, elle veut pas répondre. Hein. Donc on l'avait encore une fois rappelé une dernière fois. C'était mardi, si je m'abuse. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Oui, j'étais en communication avec votre femme, mais on a été coupé. Oui, qui êtes-vous ? Moi je m'appelle Tof, monsieur. Oui, ah bon, je ne connais pas. Non, on ne se connaît pas en fait, et je voulais juste savoir quand est-ce que vous avez fait l'amour pour la dernière fois avec votre femme. Écoutez, vous emmerdez, hein. Vous emmerdez, je vais déposer une plainte, c'est vraiment pas mal, hein. Bah, pourquoi vous voulez déposer plainte, monsieur ? Eh ben parce que vous nous dérangez, là. Mais non, pas du tout. Et puis c'est indiscret, enfin écoutez. Mais non, monsieur, vous êtes un humoriste de la télé, sûrement. Mais non, pas du tout, je veux juste savoir quand c'était la dernière fois, c'est tout, monsieur. Il est à quelle heure il a bandé aujourd'hui? Et vous, la dernière fois vous avez bandé, c'était quand? Ah bah ce matin, monsieur, j'avais une petite gaule ce matin. Très bien. Oui. Eh bien, continuez. Continuez, c'est très bien. Allez. Oui, et donc vous, alors c'était quand la dernière fois? Bah écoutez, laissez-nous tranquille. Va, hein. Société de merde, on n'en a rien à foutre. Voilà, très gentil l'appel. On en a d'autres, on vous les passera tout à l'heure. On a aussi le chéri, je peux te faire cocu, qu'on va vous mettre d'ici quelques minutes sur Fun Radio. Restez bien là, il y a Stéphanie qui dit: moi j'ai des photos de Tof nu dans mon téléphone. Ah, envoie Stéphanie, je peux échanger contre un cadeau. Ouh. Pauline qui dit: je passe mon permis demain, est-ce possible d'avoir un gros merde de toute l'équipe à l'antenne? Eh ben merde, yeah. Pauline, voilà. Et Magda qui dit: moi j'ai rien à cacher dans mon téléphone. Et Shippers Baby qui dit: oui, mon Twitter, je t'explique pas comment ce matin je me suis fait insulter. Bon, on en parle dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis on va se faire le son de Jason Derulo. matin, c'est Marry Me sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde, il est 20h30. On est les seuls en direct jusqu'à minuit, c'est Mickaël No Limit sur Fun Radio. 105 is the number that comes to my head. Jason Derulo sur Fun Radio avec Marry Me. Et je vous rappelle que si vous voulez choisir un titre ce soir, si vous voulez écouter un son en particulier, bah n'hésitez pas à demander aussi, hein. Hashtag Mickaël, vous balancez vos messages sur le Twitter, sur le Facebook également. Ajoutez-moi sur Twitter, hein, si vous ne l'avez pas encore fait. Vous tapez Mickaël underscore officiel, c'est le petit tiret en bas. Mickaël underscore officiel. Et puis bah vous m'ajoutez, je vous suivrai également avec plaisir. Il y a Stéphanie qui dit la meuf est vraiment muette, mort de rire, forcément c'est pas facile pour le téléphone. Ah bah ça c'est sûr. Et Dédé qui dit il y a les SDF et il y a les SRF sans radio fixe. Sachez que Mickaël accueille tous les SRF. Ah bah ouais, totalement ouais. Et GTA 5 qui dit aussi ce sera de quelle heure la spéciale Noël. Bah écoute, ça commence à 20h, après on verra bien quand ça finit, hein. A priori minuit, mais on ira peut-être jusqu'à minuit, 1h, 2h, j'en sais rien, on verra bien. Ça dépend de vous aussi, hein. Ça dépend de vous si vous êtes là, tout ça, machin, sans ouais. problème. Il y a Train Lover aussi qui tu peux passer Mutton Heads avec Dancing with the Stars, s'il te plaît, fais-moi plaisir au moins une fois dans ma vie. Alors attends, parce qu'il faut que je le note. Mutton Heads avec Dancing with the Stars. Voilà, bon, faut juste que je le trouve, mais on l'a pas loin, donc t'inquiète pas. Eh ben, je te le mettrai tout à l'heure, voilà, tout simplement, avant la fin de l'émission, Train Lover, sans problème. Et merci Train Lover aussi, Ayoub, pour les petits dessins que t'as envoyés. Bon, allez, c'est parti, on continue maintenant avec bah, les appels encore de Tof dans quelques minutes. On va les continuer, évidemment. Et puis dites-nous aussi si vous avez des petits secrets dans votre téléphone, là, parce qu'on est tombé sur un sondage, c'est Ricain, apparemment, il y en a 13% qui ont répondu qu'ils avaient peur qu'on trouve des photos de nus et 15% qu'on découvre l'historique des sites porno sur lesquels ils vont. Et toi, Charlotte, t'as des trucs. Des trucs secrets dans ton téléphone, Charlet? Les joueurs du Stade Français, ouais. T'as les joueurs du Stade Français? Ah oui, c'est pas ouais. mal. Mais pourquoi? Ah bah, je les ai pris en photo. Non, mais d'accord, mais... On a cru que t'avais le calendrier d'eux à poil, ouais. en fait. Mais c'est pas louche, non, grave. Si t'es fan, tu peux les avoir. Mais t'as rien, ah, bah ouais. je demandais si t'avais des trucs un peu tendancieux. Genre toi, à poil, ou des trucs comme ça, non? Non, aucun. D'accord, non, j'ai une vidéo d'une meuf en train de me sucer, tu vois, ouais. des trucs un peu. Mais c'est vrai, exemple. Moi un jour, il y avait un type comme ça, je le connaissais à peine, tu vois, et il monte son téléphone, il me dit regarde. Et tu sais, je l'avais croisé dans un bar, on parle vite fait. Et il dit t'as vu ça? Et il monte une photo de sa meuf à poil. Ça et moi, je lui dis mais. Et tu sais, je me dans ma tête, je dis il est sérieux là? Et il me montrait plein de. Bah, meufs il était en train de fier, poser. Ça se trouve, t'es super à bonasse et. Non, mais c'est scandaleux, déjà, tu fais pas ça et tu le montres pas. Ça dépend si eux sont ouverts et tu sais qu'ils font des trucs sur internet et tout, il va pas être choqué parce qu'il te montre ça à une personne. Mais moi, j'étais choqué. Bah, sinon, il va la montrer à toi, lui, il sera content. Ah ouais, moi, grave. Ah bah, moi, ouais, je demande s'il peut partager. Hein. Bah voilà, ça lui fera la bonne affaire, hein, ça lui fera la bonne soirée, même effectivement, ouais. Bon, alors attends, il y a Maxime également qu'on avait eu tout à l'heure là. Max, t'es là? Ouais, je suis là, ouais. Est-ce que t'as aussi des trucs un peu bizarres dans ton téléphone, des trucs secrets que t'aimerais pas que ta meuf tombe dessus? Ouais, beaucoup de numéros cachés, ouais. Ah, l'enculé. Ah. Numéros cachés pourquoi? Numéros cachés de quoi? Bah, d'autres meufs, de machin. Ah, d'autres meufs, d'accord. Mais pourquoi? Parce que c'est des maîtresses ou En gros, ouais, ça doit être ça. Ah oui, d'accord, ok, oui, donc là, effectivement, c'est des trucs cachés, ça c'est clair. Et toi, Stéphane? Non, j'en ai pas. Ah, toi, t'en as pas. D'accord, ok. Bon, bah, Stéphane, puisque t'es là, on va parler avec toi de Charlet, là. Hein. Donc, qui, avec sa meuf qui le harcèle. Stéphane, t'as déjà été harcelé par un mec ou une meuf? Par une meuf. Ah, par une meuf. Alors, vas-y, explique. Bah, en fait, moi, elle m'avait envoyé des messages, tout ça. Donc, après, ça, j'en avais tellement marre. Et du coup, j'ai changé mon numéro et tout. Je lui ai filé le numéro de la ligne anti-relou. Ah, bonne idée, ça, tiens. Ouais. Et du coup? Et du coup, elle a appelé, tout ça, puis après, j'étais tranquille, et puis j'ai changé aussi mon numéro de portable, et puis j'ai porté plainte. D'accord, mais t'as bien fait. Non, mais tu vois, Charlie, c'est quand même pas compliqué. C'est-à-dire que quand t'as un truc comme ça, tu changes ton numéro. Si la meuf, elle passe son temps à t'appeler, bah, tu changes de numéro, et puis après, t'es tranquille. Regarde, ce week-end, j'ai reçu des milliers d'appels. Enfin, jeudi, en l'occurrence. puisque ce connard de carré, il a donné mon numéro. Donc, du coup, je vous le dis, hein, samedi, j'ai changé de numéro, parce que c'était invivable. Vendredi même. C'était invivable, le truc sonnait tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'était pas gérable. Donc oui, j'ai changé le téléphone. Et voilà, bah, ça, le numéro est changé, c'est plié, Charlet. D'accord. Bah voilà. Bon attends, on va l'appeler. Reste avec nous, Maxime et Stéphane. Hein. On va appeler Olivia maintenant, la okay. l'ex de Charlet dont il n'arrive pas à se débarrasser. Tu veux que je lui parle ou tu lui parles? Je veux que tu lui parles, ouais. Mais elle a quel âge? Oui, quel âge elle a? Elle doit avoir le même âge que moi. 26. Ah bah attends, si tu veux lui parler alors. Je peux lui parler, ouais. Bah oui, Tof va l'appeler alors. Mais oui. Ouais. Alors, attends. Dans le respect, Tof. Bah toujours. Dans le respect et la sodomie. Oh non, pas 20h37. Enfin, il avoue. Ouais, c'est ça. Oui, oui, sur sa croix, ouais. Sale chien, va. Bon, allez, on appelle. Par contre, ça n'a pas l'air de téléphoner des masses, là. Qu'est-ce qui se passe avec le standard? Oui. Oui, allô? Pour Qui est quoi qui... Allô? Qu'est-ce que c'est? Allô? Ah, on a perdu le signal. Ouais, on a perdu le signal. Bon. Allô, la NASA? Charlet, c'est quoi ce truc là? Ah, c'est ton message répondeur. Ah, c'est ça? Mais moi, je le ferai encore plus bas. Tu vois, pour être sûr qu'on n'entende rien, tu vois, c'est pratique. Bon, écoute Charlet, on va te garder, on va essayer de l'appeler d'ici un petit quart d'heure, parce que là c'était le répondeur direct, donc son téléphone est coupé ou il est déjà en communication. Donc on va te garder au chaud. Charlet, bouge pas de là. Maxime et Stéphane, encore un truc à ajouter? Non. Alors attendez, chacun son tour. Vas-y Maxime, à une seule personne hein. Pour tous ceux qui viennent de débarquer, je rappelle c'est la règle hein. Une seule personne pour la dédicace, choisissez la bonne. Vas-y. Y'a pas de soucis, je fais une dédicace à Kevin, mon petit chéri, et puis à Kiki, sa copine, et puis voilà. Ok, message passé, et toi Steph? À tous ceux qui me reconnaîtront. D'accord, et bah écoute, message passé également. Alors ça roule, salut vous deux, à bientôt. Bonne soirée. Ciao à vous, bye bye. Ciao, et Charlet, bah reste avec nous, du coup, on va te reprendre dans quelques minutes. Et je vous rappelle qu'il y a toujours le Samsung Galaxy Tab 3, c'est la tablette que je vous offre de chez Samsung, c'est la dernière en date. Et pour la gagner, il suffit d'aller sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel. Faites un like et un partage sur la photo où je suis avec la tablette. Et puis on fera un tirage au sort parmi ceux qui auront liké et partagé. Avant la fin de l'émission, il y en a un de vous qui repartira avec la tablette. Et promis, comme on l'a en stock pour le coup, vous avez pu le voir, je vous l'envoie demain matin. Enfin demain, c'est beau. Peut-être pas le matin parce qu'il faut qu'on dorme. Mais je vous l'envoie demain, donc vous serez peut-être livré mardi ou alors fin de semaine après les fêtes, puisqu'il y a le pont, il y a le jour férié au milieu. Donc voilà, vous serez livré hyper rapidement, donc je vous souhaite bonne chance. Facebook.com/MIKAELOfficiel, tout simplement, bonne chance tout le monde. On va récupérer Guillaume et Lacolle dans quelques minutes. Avant ça, il y avait William de Fontainebleau. Salut Will. Salut. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bah ça va bien, ça va bien. Tiens, il y a un message de Sceaux qui... Aussi bah l'équipe va bien aussi. Bah ouais, oui. Ça va. L'équipe va bien. Les auditeurs sont taquins. Il y a Sceaux sur le Twitter qui est Mickaël. J'imagine pas à quel point tu vas devenir dingue d'entendre sonner ton téléphone. Ah non, mais en ce moment j'avais coupé la sonnerie, mais ça faisait bzz, bzz, bzz, bzz, 6000 messages. Ah bah on était à... Oui, plus de 6000, ouais, t'es arrivé, ouais. Il y a Dédé qui dit dans mon iPhone, j'ai les photos de deux fois où j'ai été voir Mickaël dans les studios de Fun et les perdre serait un désastre. Oh. Bah, sauvegarde-les alors Dédé, on sait jamais. Ou alors tu repasses, hein, après c'est pas un problème. GTA qui dit message de bienvenue, je vous adore. Pousse toujours, enculé. Voilà. Anaïs qui moi dit de aussi, best... message de bienvenue, j'en ai jamais eu. Attends, je vais t'en mettre un là. Anaïs qui disait aussi sur le Twitter de best présent même lors des réveillons. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vrai Anaïs, merci beaucoup en tout cas d'être là tous les soirs, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Bon, tu veux un message de bienvenue toi? Tu veux un quoi? Un message de bienvenue comment? Lâche-toi, fais-toi plaisir. Ah, tu veux que un je me lâche? Un sale, un crade. Un dirty. Il te défie. Alors, une carte et une croix. J'ai peut-être celui-là, attends. Franchement, c'est que tu es une grosse merde. Des mecs comme toi, j'en chie tous les matins, enculé de ta mère. Bon, enculé de ta mère, voilà, c'est ça. Oui, il était pas mal. Bon, alors, William, toi, tu voulais parler par rapport au téléphone. Est-ce que t'as des secrets, comme les Américains? 13% ont des films de boules. Ont des photos de nus et 15% ont peur qu'on aille découvrir l'historique des sites de boules qu'ils fréquentent. Et c'est quoi, toi, ta peur? Et moi ça peut pas me faire flipper parce qu'en fait comme j'expliquais, j'ai une application sur mon téléphone, en fait elle est bloquée. Tu vois, dessus je peux mettre toutes les photos, les vidéos que je veux, il faut un mot de passe en fait pour rentrer dans cette application. Ouais mais c'est encore plus louche parce que si tu vois que t'as des trucs et qu'il y a un mot de passe, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à cacher. Ah bah oui, mais oui. Mais il s'en cache pas qu'il a des trucs à cacher. Ouais, c'est ça. Quoi les trucs que tu caches alors? Moi je suis célibataire, personnellement je m'en fous. Ah d'accord, parce que pour ta meuf, bon là t'en as pas, mais pour ton éventuelle meuf, c'est-à-dire que t'as le code pour rentrer dans le téléphone, puis t'as un code dans la partie privée du bordel là, tu vois. C'est ça, et t'as même des codes en fait pour bloquer les dossiers même en fait. Mais attends, mais t'as vu tous ces codes? Comment tu dois le code? Il est fou. Trop de codes, tu le codes. Bah oui, comment tu t'en souviens de tous ces codes? Bon, ça va. C'est toujours le même. Ah bah bravo. C'est ça qui est pratique, c'est-à-dire si tu l'as une fois, tu as accès à tout. C'est open bar. Open bar. Bon, et t'as des photos, qu'est-ce que tu veux cacher en fait, Sandro demandait tout à l'heure? Bah c'est des petites photos d'ex ou de filles de rencontrées en soirée, des trucs comme ça quoi. D'accord. Des photos coquines et cochonnes. Mais est-ce que t'as des photos de toi, Walpé? Non. Ah ça non. J'en avais pendant un temps mais j'en ai plus. Bah oui, il vaut mieux. J'ai changé de téléphone et il n'y a plus alors. Mais c'est marrant ça quand même. Pourquoi? Je vois pas l'intérêt de prendre en photo toi-même et de les garder sur ton téléphone. Selfie de ta bite. Ah, bien sûr. T'envoies jamais des photos de ta bite. Rigolo, tu vois. Ouais non mais c'est. Le fond bah forcément tu le fais. Oui. Oui bah c'est bizarre mais pourquoi pas. Après c'est caché hein, on voit rien du tout. Non bah encore heureux. Encore en vrai. C'est caché, c'est des trucs un peu taquins quoi, tu vois. Ouais, non, bah après il manquerait plus que ça, tiens. Bon, bah William, attends, reste avec nous, il y a Christophe qu'on va récupérer dans quelques minutes. Et avant de faire le chéri, je peux te faire cocu, il y a la colle de Guillaume. Guillaume, t'es là? Ah ouais, je suis là. Allez, fais péter la colle pour gagner la Xbox One, vas-y. Si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. La bite? Non. Ce n'est pas la bite. Ah bon, si vous avez la bonne réponse, il y a une Xbox One à gagner. Si l'on me garde en soi, j'existe. Mais si l'on me partage, je n'existe plus. Vous envoyez votre réponse. Vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On proposait l'énigme. Non. L'amour ou un vœu. Non plus. Un bébé. Non. La connaissance. Non. La vie. Non. Ou l'orgasme. Non, c'est pas ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, et Mickaël, suivi de la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique, et vous pouvez aussi jouer gratos sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Il suffit d'aller répondre, c'est pas plus compliqué que ça. Bonne chance tout le monde, on va s'écouter dans quelques instants le son de... Qu'est-ce qu'on va se mettre? D'Euro avec Yi, voilà, c'est ça, c'est ce qui va arriver dans quelques minutes sur Fun Radio. Bonne soirée tout le monde. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Nos limites. 20h minuit. Fun. C'est Mickaël, Nos limites. On Fun Radio. Ouais, et on est en direct sur Fun Radio. Bienvenue à 20h48. On est en direct sur Fun Radio. 01 42 48 5000 pour nous appeler. On est en direct dans toute la France. Il y a Hugo Réau qui a envoyé son message. Là, franchement, je suis deg. Laissez-moi une place dans le standard pour écouter Fun demain. Big up. Bah, t'as qu'à appeler, hein, Hugo. Il n'y a aucun problème. Megumi qui dit je suis là, malade, mais là. C'est bien, Megumi. Et garde tes micros pour toi, par contre. Et Denis aussi qui dit un coucou à tous. Demande à Karima pour le téléphone de Karel pour te venger en direct. Non, t'inquiète pas, je ne m'abaisserai pas à ça. Ce sera vachement plus drôle. Je réfléchis à ma vengeance, j'ai déjà une petite idée, mais je la garderai pour plus tard. Parce que là, il s'attend à une vengeance. Alors, ouais, je vais laisser pisser le dossier. Et ouais, quand il s'attendra pas, paf, paf. De toute façon, j'ai pas le choix là, il est parti 15 jours en vacances. Donc c'est pas comme si je pouvais réagir tout de suite là. Justement, c'est peut-être cela que c'est plus drôle. Ouais, c'est vrai. Non, mais je vais garder le numéro là. J'attendrai ses vacances, on l'appelle tous les jours. J'attendrai pour un prochain coup. Je rappelle qu'il y a la Samsung Galaxy Tab 3 aussi à gagner sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. N'hésitez pas si vous voulez la gagner. C'est pas compliqué, le jeu est gratuit en plus. Il suffit simplement de vous rendre sur le Facebook de l'émission, faire un like et un partage de la photo. Et si vous êtes tiré au sort à la fin de l'émission, je vous offre votre Samsung Galaxy Tab 3. Voilà, bonne chance tout le monde. On va s'écouter également dans quelques minutes le son de D'Euro. Le son de D'Euro dans quelques minutes avec Yi sur Fun Radio. Et puis avant cela, évidemment, avant cela, il y a le chéri, je peux te faire cocu. Ah. Le chéri, je peux te faire cocu, qui était juste énormissime lundi. Oh là là, d'une violence. Ah, d'une violence sans nom. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, c'était avec Sabrina que ça se passait. Et c'est tous les lundis, hein, Sabrina qui est avec nous, donc pour faire le chéri, je peux te faire cocu. Bonsoir Sabrina. Bonsoir. Comment ça va Sabrina, va bien? Mais très très bien. Bon, tant mieux. Très bien, parfait. Alors, Sabrina qui appelle de Waterloo, donc tout près de Bruxelles, et qui voulait faire un petit chéri, je peux te faire cocu. En voilà une bonne idée. Mais en voilà une très très bonne idée même, j'ai envie de dire. Chéri, je peux te faire cocu, donc t'es avec ton mec depuis combien de temps? Bientôt un an et demi. Bientôt un an et demi, d'accord. C'est okay, long, très c'est bien. Long, faut changer. Ouais, non, on va peut-être pas tout de suite, hein, mais... Et est-ce que... Je te sucerai le sang et tout. Est-ce qu'il aime bien? Ouais. Ouais, bah écoute, tant mieux, hein. Non, mais c'est bien. Oh, arrête, tu me fais manger. Bah oui, non, mais Gilou est toujours au taquet, évidemment. Bon, alors, on va l'appeler maintenant, il s'appelle comment, lui? Antonino. Ouh là là. Comment? Un italien. Sicilien. Oh putain. Oh, c'est bon ça. Antonino, parfait. Ah, je l'entends déjà crier. Bon, on va l'appeler. Ouais, va. Alors, je suis censé, donc le principe est simple, hein, donc on va l'appeler. Mm-hmm. Tu vas lui dire que t'as rencontré un mec, en l'occurrence moi, que on a un peu discuté, on a fait connaissance, et qu'en gros, je t'ai proposé de coucher avec toi juste un soir, et que toi, tu lui demandes simplement l'autorisation. Voilà. Ok. Donc, on est censé s'être rencontré où, dis-moi? Chez ma copine, hein. Chez ma copine, t'es le voisin. Ah, qui est la voisine? De ma copine. D'accord, donc, ok. Ta voisine, ouais. Ok, très bien. Donc on est voisins, enfin on est voisins avec la copine. Elle s'appelle comment la copine? Elle s'appelle Coraline. Coraline. Allez, c'est parti. Bonne chance. On y va, okay. On appelle Antonino. Allez, c'est parti. Allô? Oui, allô, chouchou? Chouchou. Ça va? Ouais, pourquoi tu m'appelles en privé? Ça va? Ouais, c'est quoi ce numéro? Non, mais c'est un problème avec mon téléphone, t'inquiète. Dis mon chouchou, j'ai un petit truc à te dire, tranquille, hein, mais tu sais que je suis allée chez Cora, tu vois, et tout, et donc en fait, je suis encore, hein. Mais j'espère que ça va. Ouais, ça va, tranquille. Et donc, en fait, elle a invité son voisin, voilà. Mm-hmm. Un mec sympa et tout, on a discuté, machin et tout, bon ben... C'est qui ce gars? C'est qui ce gars? C'est le nouveau voisin de Cora en fait, et tu vois, l'invité, il est passé et tout, tu vois, et... Je

Les larmes aux yeux. Oh, il faut pas, minou minou, alors tellement que je m'énerve. Ah oui, d'accord, oui, non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, cela dit, toi, ferais bien mis une cartouche éventuellement à, grave. À Sabrina. Sabrina, d'ailleurs, ah oui, c'est vrai d'ailleurs. Combien mesures-tu, Sabrina? Sabrina, combien mesures-tu? Je mesure 1m67. Combien pèses-tu? 54 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 85B. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 36. Ah ouais? Oh putain, on est vraiment sur fun quoi. Oh putain. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Ah, je comprends que t'aies été un peu énervé que quelqu'un d'autre profite. Hein. Ouais. Effectivement, c'est normal, c'est normal. Bon, ça va, Antonio? J'ai des crampes, pardon. J'ai les larmes aux yeux. Oh, mais ça va bien. Mais au moins, tu seras content de la retrouver tout à l'heure. Mais oui. Mais voilà. Hein? Oh, putain. Ça va, c'est passé, là? Quasi. J'ai toujours mal au ventre, mais ça va. Bon, allez, tranquille, pépère, mec. Tranquille, tranquille, tranquille. Allez, on respire. Je crois que je vais accoucher là. Très bien, très bien. Bon, allez, Sabrina et Antonino, bah, vous allez repartir avec les cadeaux, vous allez gérer ça avec Sandro au standard. Il y a deux, trois trucs, vous allez choisir parmi ce que vous voulez. Il y a notamment une... Alors, soit tu peux... T'es plutôt sportif ou pas, Antonino? Ou Sabrina, c'est pour qui le cadeau? Sabrina, moi, je suis pas très sportif. Et toi, Antonino? Je l'étais, mais... Bon, alors, vous mais il a arrêté. Non, vous verrez bien. De toute façon, cette semaine, il y a des GoPro, il y a les casques aussi qu'on vous offre, les focales. Vous voyez ça avec Sandro au standard, je vous la repasse maintenant, d'accord? Ok, ça salut, va. Salut, merci beaucoup en tout cas d'être passé. À bientôt. Ciao. C'est pas mal, merci. Écoute, je t'en prie avec plaisir, Antonino. Ciao à toi. Ciao, ciao, ciao. Bon, et si vous voulez aussi faire un petit chéri, je peux te faire cocu, on remet le couvert demain, hein, si vous voulez, lundi, comme tous les lundis soirs. Demain, on sera à 20h à minuit et mardi également pour la soirée de Noël. Hein, on sera avec vous. Il y a Nico qui dit « J'allais mourir par ma salive à cause de votre chéri, je peux vous faire cocu. » Fabienne aussi qui dit « Gilou qui intervient dans un chéri, je peux te faire cocu, c'est juste parfait. » Célia également qui dit « Franchement, j'en peux plus. » Arthur, il y a mon père qui est là aussi, il m'a tué le Michel. Et Fabienne qui dit « Je m'appelle Michel Michels avec un S à la fin. » Oui. Ouais, c'est comme ça, j'ai eu l'idée, cette improvisation. Max de 7 qui dit Michel Michel et Nathanel qui dit salut Mickaël, désolé pour le retard, 1 heure. Il est tout simplement épique ce chéri, je peux te faire cocu lol. Et Vince aussi qui dit même un chien articule mieux. Qu'est-ce qu'il en sait? Il parle au chien ou quoi? J'ai pas compris la vanne. C'était dans le chéri, je peux te faire cocu? J'ai pas capté, oui. Autant pour moi. Et Maxime qui dit énorme émission, le chéri, je peux te faire cocu, juste énorme, merci beaucoup. Bon, bah merci, ça vous a fait kiffer, tant mieux. On mettra le canular également de jeudi dans quelques minutes sur Fun Radio. Donc, restez bien avec nous et puis on va se refaire la colle avec Guillaume là maintenant. Tiens, puisqu'il est là, Guillaume, t'es là? Ouais, ouais, je suis là. Tant mieux. T'as entendu le chéri, je peux te faire cocu? Tu l'avais entendu quand on l'avait passé lundi? Non. Non, ah bah tu l'as découvert ce soir, alors très bien. Bon, le canular tout à l'heure, hein, dans moins d'une heure sur Fun, donc restez bien là. Alors, Guillaume, fais péter la colle. Alors, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je? Voilà, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si on me partage, je n'existe plus. Si vous avez la bonne réponse, il faut envoyer M-I-K-L, espace la réponse. Vous envoyez ça tout simplement au 64-900 par SMS ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez aussi aller d'ailleurs jouer et répondre à la colle sur le Facebook de l'émission. Et comme ça, vous pourrez même lire la colle, hein, ce sera peut-être plus facile. Facebook.com/M-I-K-L officiel. Je vous souhaite bonne chance. On proposait la fidélité. Non plus. Il y a Thomas qui proposait le téléphone. Non. Stéphanie qui proposait un fantasme. Non. Et la fumée on proposait également. Non. Bon bah t'as toutes tes chances a priori là Guillaume pour gagner la Xbox One. En tout cas je te le souhaite, bonne chance. Si vous voulez tenter de gagner justement votre Xbox One, vous envoyez M.I.K.L. et la réponse à la colle de Guillaume au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique par SMS. Si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Guillaume, tu restes avec nous, on donne la réponse avant 22h et on aura Sarah aussi dans quelques minutes. Bonsoir Sarah. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Eh ben tranquille, stéphanoise Sarah. Voilà, très connu. Bien. Bon, tu vas réagir aussi à Charlet. On va essayer de rappeler sa copine, enfin son ex-copine, qui le harcèle justement. Donc toi aussi, tu t'es déjà fait harceler. On en parle dans quelques minutes. Oui, mais en fait, non, c'est le contraire. J'ai harcelé moi. Ah toi, parfait, parfait, une parfait. Emmerdeuse. Bon, alors bouge pas, Sarah. On aura Anderson aussi de Toulouse. Salut, Anderson. Salut. Hey, Anderson, how are you, motherfucker? Yes. Yeah, bah parfait. Ah, you speak so good English. Yes, perfect, perfect. Bon, alors, shame on you. Anderson, on va parler de quoi dans quelques minutes avec toi? Botte de niche. de boîte de nuit. Bon, très bien, tout un programme. On en parle juste le temps d'écouter Asie avec Born Again dans quelques minutes. Donc restez bien là, c'est Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est en direct sur Fun Radio. Pendant que les autres sont partis en congé sur toutes les autres radios, ils vous ont abandonné comme des merdes. Ouais. On est là, 20h minuit aujourd'hui, 20h minuit demain. Et même 20h minuit, ce sera mardi, soir de réveillon de Noël. On sera quand même avec vous, car on ne vous lâche pas. C'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. Bougez pas, il y a Asie qui arrive juste après avec Born Again. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limit. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël. Mickaël. No Limit. Le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. On est en direct sur Fun dans toute la France. Je vous rappelle également qu'il y a l'application Mickaël No Limit qui est sortie là depuis 3 semaines maintenant, que vous pouvez télécharger gratuitement sur l'Apple Store, sur iTunes. Vous tapez simplement M-I-K-L No Limit et vous la téléchargerez gratos. Hein, si vous avez un iPhone, un iPad ou même un iPod, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Voilà. Voilà, n'hésitez pas et faites passer le message également. Vous pouvez écouter l'émission en direct. Vous pouvez également participer en direct à tous les jeux. Vous pouvez même aussi voir tous les messages Facebook et Twitter. Et vous pouvez aussi écouter les podcasts et être tenu au courant de tout ce qui se passe dans l'émission. Donc si vous la voulez, l'application, elle est gratos. Elle est disponible donc sur le Facebook de l'émission. Facebook.com/ sur le l'automatisme. Sur iTunes, pardon, tapez Mickaël officiel. Je vais y arriver. Il y a Phoenix qui dit le chéri, je peux te faire cocu de tout à l'heure, était trop excellent. J'étais explosé de rire. Alex aussi qui dit coucou l'équipe, c'est la première fois que je vous écoute et j'adore déjà. Eh ben, sois le bienvenu Alex. Et GTA qui dit un message de bienvenue pour Dorian et un pote de mon collège qui se reconnaîtra. C'est GTA qui avait envoyé le message. Bah écoute, pas de problème, j'ai le même que tout à l'heure. Attends. Cause toujours enculé. Voilà, j'en remettrai d'autres tout à l'heure, vous inquiétez pas. Et puis Mandy qui dit j'adore votre émission. Et Kevin qui dit j'aime bien, t'es avec nous et les autres, ils nous ont lâchés comme des merdes. Oui, exactement, c'est exactement ce qui se passe. Allez, on écoute Asie avec Born Again. On revient juste après avec vous toutes et vous tous en direct. Born Again, c'était Asie sur Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez là, 21h13. On est en direct sur Fun Radio, on est en direct tous les soirs là, évidemment. C'est 20h minuit le dimanche, 23h-2h la semaine, sauf cette semaine où on est là de 20h à minuit ce soir comme tous les dimanches. Et on sera là également de 20h à minuit demain et mardi. Mardi pour le réveillon de Noël, on sera là avec vous. On vous accompagne puisque c'est une soirée familiale. On a donc décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous. Pas plus compliqué que ça. Voilà, donc si vous êtes seul pour Noël, sachez que on vous tiendra compagnie. Et puis si vous n'êtes pas seul pour Noël, mettez quand même genre sur la table, là vous mettez, s'il y a une chaise de libre, vous mettez un haut-parleur avec nous, hein, comme ça on se sentira moins seul également. Donc je compte sur vous, soirée Noël, réveillon Noël, on sera là avec plein de cadeaux et on échangera les cadeaux également. Donc si vous avez reçu des cadeaux pas terribles et que vous voulez les échanger contre des tablettes par exemple, ou des ordinateurs portables qu'on aura également à vous offrir, peut-être bien aussi une petite Xbox One ou une PS4, on va voir. Et bien rencard mardi 20h minuit, le 24 décembre, on sera en direct sur Fun Radio avec vous pendant que tous les autres vous auront abandonné comme des merdes. Il y a Mylan qui dit vous êtes mortels les gars, merci Mylan. Il y a le prince Nadia, on a toujours des secrets bien cachés dans son téléphone. Et Christopher qui dit bonsoir toute l'équipe, vous pouvez passer Asie avec Born Again. Ah bah voilà, tu vois, je viens de le mettre. Je vous écoute dès que je me lève jusqu'à ce que je me couche. Et Let's Be Freaks qui dit oh oui, j'ai toute ma vie dans mon téléphone, moi perso. Bon, continuez avec vos messages, hein. Hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Ajoutez-moi également en mettant Mickaël _ officiel. Est-ce qu'on fait un petit top tweetos maintenant à 21h14 Si tu veux. Ah bah ouais, je veux bien, ouais, hop, comme ça on voit un peu où ça en est. Je rappelle que c'est le troisième ce soir qui repartira avec le sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, donc attention, on y va et on fera le tirage au sort. Enfin, le tirage au sort, non, c'est pas un tirage au sort. On appellera le troisième pour lui offrir son sextoy, donc celui qui sera troisième au top tweetos. C'est le principe, et donc envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Bon, allez, c'est parti, numéro 5. Si on arrêtait tout maintenant, ça se passerait comment? Alors, ce serait DreadKiller31. Le numéro 5? Oui. Numéro 4? Dame Snertic. Numéro 3? Cédric. Numéro 2? A Crazy Flower. Et numéro 1, Let's Be Freaks. Let's Be Freaks. Je suis inquiet parce qu'il y a Tom, normalement le petit auditeur de Nancy là, qui habite Nancy Metz quelque part par là. Oui. Bah, il fait une émission qui s'appelle Tom No Limit. Ouais. Et qui a dit qu'il essaierait d'être premier ce soir. Il est 8ème, c'est mal engagé. Il est 8ème, mec, Tom, il va falloir te manier le cul à un moment ou un autre, hein, pour être bon. Et puis il a du chemin pour attraper Let's Be Freaks. C'est Tom Smile, tiens, qui a envoyé son message là, qui dit cool, je vais pouvoir écouter Mickaël cette semaine. Ah bah oui, effectivement, mais il faut être mieux dans le classement là. Hein. Allez, on t'attend en tout cas. C'est Fun Radio. Bienvenue si vous arrivez. Mickaël No Limit donc, avec la tablette aussi, j'en parlerai tout à l'heure pour la gagner. Pareil aussi pour la colle avec Guillaume. Et puis Anderson qui veut nous parler de boîte également, là, de Club Discothèque. Anderson, il s'est passé quoi en deux mots? Parce que ça me perturbe ça depuis tout à l'heure là. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Anderson, Hier soir j'étais en boîte de nuit. Ouais. Et j'ai embrassé une meuf. Et c'était la copine à mon frère. Et mon frère m'attendait chez moi. Parfait. Alors ne bouge pas, on va en parler dans quelques minutes. Ça m'a juste mis l'eau à la bouche comme il faut. T'as pas été déçu là, hein? Non, là, j'ai pas été déçu. Tu nous as mis bien là. Non, là, on s'est plutôt bien mis là. Et avant de prendre Charlet également, toujours là, Charlet? Oui, je suis là, ouais. Bon, Charlet avec sa meuf qui le harcèle, enfin son ex-meuf qui le harcèle, Sarah qui voulait réagir également. Et alors, bon, normalement, vous connaissez les teubés de la télé qu'on fait à minuit en règle générale? Oui. Enfin, nous, on connaît. Ouais, mais Charlet, tu connais toi ou pas les teubés de la télé? J'ai entendu parler, ouais. Bon, bah, c'est des extraits de la télé où il y a des trucs à la con, des phrases idiotes, des réflexions débiles, des fautes de français, grosses comme des maisons. Et donc, normalement, on fait ça dans les teubés de la télé, mais là, fallait que je vous fasse écouter un contrôle de police. Ça se passe en Belgique, donc, hein, tout ce que vous allez entendre est vrai. Attention. C'est passé dans une émission qui s'appelle Enquête, qui passe sur RTL TVI. Et, Enfin, c'est le jeudi soir, hein, pour ceux qui veulent éventuellement regarder. Donc là, c'est un mec qui se fait arrêter pour faire un contrôle de routier, en fait. Mm-hmm. Et là, il pète une durite. Débile profond, man. Viens, stopper, viens imbécile, man. Le contrôle anti-alcool et anti-drogue mené par les agents de la police boréenne tourne mal. Cet homme n'accepte pas les paroles visiblement violentes d'un agent. Monsieur se prend pour un dur. Et monsieur menace de frapper les gens. Mais il faut mieux manger des épinards avant de frapper les gens. C'est pas son petit costume qui fait peur à certaines personnes, vous voyez. Il fait peut-être peur aux gamins à mobilette, mais pas à moi. Voilà, c'est ça. Le mec, donc, il faut savoir que le gars est en train de parler à la police là. Hein. Débile profond, man. Viens, stopper, viens. Viens, imbécile, man. Donc là, il parle aux flics. Et c'est des carottes râpées qu'on mange pour rendre aimable. Oui, c'est pas des épinards. Non, mais les épinards, c'est pour la musculature. C'est pour la musculature. Ah, c'est Popeye. Ah, c'est Popeye. Oh, dis donc, t'es vraiment. Débile profond, man. Viens, stopper, viens. Donc là il parlait à la police. Donc voilà, je trouvais ça quand même pas mal. Donc si vous avez déjà vu des mecs péter les plombs comme ça sans raison, venez nous raconter un peu ce qui s'est passé, qu'on rigole un peu. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 ou 02 851 4x0. Bah nous on en a vu pas mal, hein. Polo, ça lui arrive souvent. Ah ouais, ça lui arrive souvent de péter les plombs, effectivement. Mais est-ce qu'il ne parlait pas à Toff? Débile profond, man. Viens, taper, viens. Viens, imbécile, man. Les mecs que j'appelle parfois, ils peuvent me dire ça. Ouais, pourrait. On va d'ailleurs se faire un petit quelques appels dans quelques minutes avec Toff, justement, pour ceux qui ont raté le coche cette semaine. On vous remet les meilleurs appels tous les dimanches soirs. Bon, Charlet, Sarah également, qui est avec nous de Saint-Etienne, là. La Stéphanoise va toujours bien? Oui, ça va toujours. En pleine forme, tant mieux. Oui. Oh, mais ben vous, ça va? Ah bah écoute, nous on va plutôt bien là, hein, tranquillement, là ça se passe plutôt pas mal. On est en forme, tout roule, bientôt les vacances et puis on sera là pour Noël. Tu fais quoi pour le réveillon de Noël, toi? Bah en fait, je vais partir à Amsterdam avec mon copain et ça va se faire en fait parce qu'il arrête pas de me prendre la tête par rapport à toi. Par rapport à moi? Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? C'est de ta faute, Michel. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Responsable. Hein? Parce que t'as donné ton numéro et en fait moi je dis non, non, je n'ai pas donné mon numéro, que ce soit clair. Non, c'est vrai qu'il a donné. Voilà. Donc moi je l'ai noté comme je pense qu'on plusieurs l'ont fait et en fait sur moi je t'ai envoyé un message. Désolé, je lui ai probablement pas répondu parce qu'il était noyé dans les 6000 autres. Hein. Pas que je veuille pas vous répondre, hein, mais bon, voilà. Oui, mais ça, je m'en doute. Ah, donc du coup, il a vu le message et donc du coup, il a dit, mais c'est qui lui encore? Je lui ai dit, mais c'est bon, c'est un animateur de radio et tout, faut que tu t'inquiètes. Il m'a dit, mais arrête de me prendre pour un con. Et du coup, là, on a tout annulé. Oh merde! Oh, il est con! Tout ça pour ça, tout ça pour rien. Oui, pourquoi il a fait ça? Tu pouvais pas lui expliquer, il avait qu'à appeler, moi, tu me diras en même temps. Ah mais de toute façon c'est tout ce qui est Twitter, Facebook et tout, c'est mort, je me fais insulter, donc je cherche même pas à voir. Ah ouais, donc il est jaloux, en même temps t'as l'air chiante puisque tu nous as dit que c'était toi qui harcelais. Oui mais moi je l'ai harcelé, après c'est lui et au final on s'est remis ensemble. Ah oui c'est ça, tu me harcèles, nous harcelons. Ouais hein. C'est ça, et ouais, vous harcelez. C'était quoi le message que t'as envoyé à Mickaël? C'est ça aussi, ça dépend ce que t'as écrit. Oh, je me rappelle plus, j'en envoyais pas mal. Parce qu'en fait après autre chose, parce qu'en fait j'ai vu qu'il répondait pas. Je m'en doute. Après, tu vois, il y a tous les rageux de Facebook et Twitter qui ont dit oui, c'est un fake, patin couffin. Et toi, en plus, Mickaël, tu m'as traité de Colombo. Ah oui, c'est toi sur le Facebook, là. Non, sur le Twitter, en disant oui, mais en fait, c'est un faux. Ils se foutent de notre gueule, c'est un faux numéro. Et donc, j'ai dit ouais, okay, c'est parti, là, les Colombos qui vont commencer à mener l'enquête. Ouais. Donc, c'est ça, c'était toi, en fait. Non, moi j'ai pas dit c'est un fake, j'ai dit c'est ton numéro pro. Parce que c'est vrai que c'est pas ton numéro privé, ça pouvait pas être ton numéro privé. Bah si, puisque j'ai deux numéros, j'en ai un français et un belge, donc voilà. Là en l'occurrence. Après j'ai compris, après donc du coup moi tu m'as dit Colombo et après. C'est ça. C'est un gros débat, machin. Et d'accord, et c'est tous les gens qui sont arrivés en disant ouais, c'est quoi? Genre, t'as un iPhone 3G. Oui, bah oui, c'est-à-dire que j'ai le nouveau pour mon numéro pour principal et l'autre, je vais pas garder de 5S, ça a pas de sens, quoi. Donc voilà, mais les Colombo, ils sont arrivés, ils ont commencé à faire l'enquête, etc. Ils m'ont bien fait marrer ce week-end, alors, je vous jure. Ceux qui m'ont le plus fait rire, c'est ceux qui ont dit non, il est pas chez Orange et c'est SFR. Oui, ouais, c'est surtout que j'ai jamais été chez SFR, donc. Enfin, c'est bien de comme ça, d'être en mode Colombo. Beau d'Eric, voilà, vous êtes bien amusé, j'espère. Bon, et donc du coup, Sarah, qu'est-ce qui se passe avec ton mec alors? Donc en fait, tu veux, on signe un appartement à Lyon. Donc, parce que tu vas emménager avec lui? Oui, mais moi, enfin oui, ça fait un moment. Ah bah, vu comment c'est parti, ça va être bien. Non, mais c'est compliqué en fait. Déjà, quand on s'est mis en appart, c'était déjà un bordel parce qu'en fait, tu veux, il avait fouillé de mon téléphone et il avait eu des messages. Pour un qui tout particulier, il a regardé dans mon portable à moi, il a fouillé dans mon téléphone, il a vu des messages d'un collègue de boulot qui me courait après, donc du coup il a appelé ma patronne, il a dit quoi qu'il arrive, Sarah elle va démissionner, vous la reverrez plus. Donc du coup j'ai dû le suivre, j'étais obligée de le suivre à Lyon. D'accord, c'est un peu compliqué ton histoire, hein. C'est pas le bordel, ouais. Compliqué. Donc du coup je l'ai suivi à Lyon, j'ai mis un appartement, tout s'est bien passé, tout nickel pendant la première année. Et la deuxième année, j'ai commencé donc à fouiller dans son téléphone. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de filles en fait qui lui écrivaient. Ça l'a énervé, j'ai pris mes affaires et je suis partie. Et en fait, pendant que je suis partie, j'ai voulu revenir. Et en fait, j'ai été harcelée pendant nuit et jour. C'était du 500 messages, 500 appels, tout le temps. Quoi? Tu rigoles pas toi comme meuf. Ah ouais, en fait, mon numéro de téléphone, quand il a été donné jeudi, c'est-à-dire les 5500 appels, c'est-à-dire que les 5500 SMS, en fait, il y avait 4 auditeurs et tous les autres, c'était toi. Non, quand même pas. T'as envoyé combien de messages, que je sache? 3. Ah bon, ça va, 3 c'est raisonnable. D'accord. 3. Après, donc du coup, du matin au soir, c'était j'arrivais pas à dormir, c'était de 8h du matin jusqu'à minuit, c'était du chantage, des menaces, du harcèlement, ça durait pas mal de temps. J'ai emménagé, je me suis mis en colocation avec un mec exprès sur son coup de vent. Mais t'as pas autre chose à faire, Sarah, oui, par pitié. Ça va loin. Non mais oui, après, c'est ça. Je me suis calmée. Ah bah oui, tiens, heureusement. Après, donc, j'ai commencé à faire ma vie, enfin... essayer de l'oublier malgré moi, parce que je voulais pas. Donc du coup après c'est lui qui a commencé à m'écrire, à me dire qu'est-ce que je fais, machin, je voulais pas répondre. Quand je répondais pas, c'est lui qui venait en bas de chez moi, de ma coloc et tout. Il rentrait de force. Après c'est lui qui m'harcelait pendant pas mal de temps et du coup au final on s'est remis ensemble. Et vous vous êtes remis ensemble, c'est quand même exceptionnel, c'est-à-dire que, je sais pas, moi j'aime pas les conflits, donc tu vois, dès qu'il y a un conflit, ça me saoule, quoi. Et mais là, il y a mieux. Du conflit, ouais, en bah, permanence. Ah bah oui, ça a l'air, ça va mieux, là, vous avez annulé vos vacances de fin d'année parce que tu m'as écrit en SMS, c'est ouf. De toute façon, c'est de sa faute aussi, j'ai mis grave à découvert, je lui dis que je suis pas Conchita, c'est vraiment qui a payé. Ouais, mais, non mais là où t'insistes, c'est bien, ça va mieux, hein. Mais non, mais ça va mieux. Franchement, on le sent. Ouais. En plus, on le sent, ça va après, mieux. Après, c'est toi qui paye tout, tu nous donnes. Ouais. Pas une carotte, on est d'accord. Non, bah, bien sûr. Bon, donc, voilà. Très bien. Écoute, Sarah, reste avec nous encore. Il y a Charlet. On va appeler ta copine, Charlet. Ouais. Bon, on fait ça juste après le son de Pharrell Williams avec Happy. Ça va? C'est bon? Ouais. Allez, parfait. Ouais. Bah, bouge pas, Charlet. Sarah, reste avec nous. Anderson également. Et puis, on se fait la colle également avec Guillaume, là. Toujours de retour. Guillaume, toujours là? Ouais, je suis là. Parfait, allez, fais péter la colle là. Maintenant, on donne la réponse d'ici une grosse demi-heure, trois quarts d'heure pour être plus ou moins précis. Allez, vas-y, Guillaume, fais péter la colle pour gagner la Xbox One. Si l'on me garde en toi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Voilà, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. La Xbox One est à gagner. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22. Pour la Belgique, on proposait une âme. Non. Un lit. Non. La virginité. Un débit. Oui, c'est en plus. On proposait le cerveau pour la colle. Non. Le canapé. Non. Il y a Thomas sur le Facebook qui proposait du maquillage. Non. Bon, bah si vous avez la bonne réponse, et Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, toujours par SMS. Et vous pouvez aussi jouer sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Guillaume, tu restes avec nous, la réponse dans trois quarts d'heure. Et puis on va se faire, je l'ai promis, le son de Pharrell Williams maintenant sur Fun Radio. C'est Happy, ça va mettre du bien ça dans les oreilles là. 21h25 sur Fun. Pharrell

Et ben voilà, il avait raccroché, hein, ça y est, c'était fait. Hein. Bon, bah du coup, on sent que Toff n'est pas le bienvenu en Corse. Ouais, hein, ça, c'est une certitude. Je suis pas prêt de partir en vacances. Non, merci pour les numéros d'ailleurs que vous envoyez tous les soirs de plus en plus d'ailleurs. Hein. On en a tellement là pour l'instant. Mais continuez, continuez. Sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, tous les soirs on appelle des gens au hasard avec des questions à la con. Et puis bon, on voit un peu comment ça se passe, quoi. Hein, en gros, c'est ça. Il y a Amélie qui dit parisienne de merde, mange merde. C'est ça. Et Megumi qui dit je suis choqué, c'est vrai que toutes les autres radios sont désertes. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Et Marine qui dit, bah on est là, voilà, tout simplement, on est les seuls à rester avec vous. Marine qui dit je vous aime, je peux pas arrêter de vous écouter, je vous adore. Merci Marine, gros bisous à toi, il y a tous les nouveaux aussi qui viennent de débarquer, bah puisque forcément ils sont tous abandonnés, orphelins hein, pour ceux qui écoutaient d'autres radios éventuellement. Bah vous êtes les bienvenus, c'est Mickaël No Limit, on est là tous les soirs sur Fun Radio, 20h minuit le dimanche, 23h, 2h la semaine, sauf évidemment demain et après-demain où on sera là également de 20h à minuit. Bon, on va récupérer Charlie maintenant, on va terminer là avec l'appel à l'ex, parce que tout à l'heure on avait essayé, ça n'a pas marché. Charlie qui voulait qu'on appelle son ex, donc parce qu'elle le harcèle tous les jours. Et Sarah également, qui est elle, une harceleuse, c'est ça, hein? Oui, mais je l'ai été, mais non, je ne le suis plus. Oui, bah non, pas du tout. Maintenant, effectivement, elle est juste relouée avec son là, mec. Depuis tout à l'heure, c'est lui qui m'appelle, qui me bip, parce que dit pour savoir où je suis, je ne vais pas lui répondre, vu que je suis en ligne avec vous. Vu que quoi? Depuis tout à l'heure, c'est lui qui m'appelle pour savoir où je suis, je ne peux pas lui répondre vu que je suis en ligne avec vous. Ah oui, bah forcément, oui. Bon, évidemment. Bon, alors, bah tant qu'à faire, reste un petit peu avec nous, Sarah. Oui, Charlie, on appelle Olivia maintenant, Charlie. Enfin, toi, va l'appeler, parce que tu vas essayer la braguette, tant qu'à faire. Hein. Bah oui. Une pierre de coups, on ne sait jamais. Bon, tout à l'heure, c'était le répondeur. Répondeur le plus improbable du monde. Écoutez bien, si jamais on tombe sur le répondeur, ça vaut le détour. Hein. Voilà. Bah, alors, par contre, mettez bien la radio un peu plus fort. Ah, merde. Non, ça... Ah, vas-y. Allô? Allô, Olivia? Ouais. Ouais, ça va, je te dérange pas? C'est qui? Moi, je m'appelle Toff. Toff? Ouais. Et en fait, c'est Charlie qui m'a donné ton numéro. Ah, ça va, Toff? Bah oui, ça va, et toi? Ouais, et toi? Bah cool. Et dis-moi, je voulais savoir si t'avais le temps qu'on se voit là pendant les vacances pour aller prendre un verre. Quoi? Non, je voulais savoir si t'avais le temps qu'on aille prendre un verre ensemble pendant les vacances. Bah quand? Bah je sais pas, qu'est-ce qui t'arrange? Christophe, comment? Déjà, est-ce que je m'en souviens? Robert. Que tu me connais? Bah oui, je te connais, c'est Shirley qui nous avait présenté. Tu peux m'envoyer une photo de toi? Bah bien sûr, je t'envoie ça sans problème. Tu me donneras... De quoi? Tu me l'envoies tout de suite? Bah je te l'envoie là, dans 5 minutes je te l'envoie sur Facebook. Non, j'ai pas Facebook, moi. D'accord. Bah, je te l'envoie par mail. Je te l'envoie par... Ouais. Je te l'envoie et je te fais un MMS. Ok, voilà. Allez, on fait comme ça, hein. Ouais, ok, top. Ça va, allez, je t'embrasse, hein. Ouais, je t'embrasse aussi. Bisous. À tout de suite. Eh ben voilà, Charlie, là, c'est bon, là, t'en es débarrassé, ah maintenant. Bah ouais, c'est bon, hein. Ah ben voilà, très bien. Eh ben voilà, merci d'avoir appelé. Écoute, si on peut rendre service, la solution minute. Ah oui. Mais voilà. elle est bonne au moins, parce que. Ah bah complètement. Que j'avais pas rencontré un cajot, quoi. Non, mais là, t'es tranquille, là, je pense. Hein. Bon, tu nous tiens au jus, Charlie? Ouais. Bah, attends, tu vas la rappeler de toute façon après l'émission. Ah bah grave, moi je vais lui envoyer la photo. Et puis, bah bien sûr. Là, t'as vu comme je suis beau gosse. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Bon, salut, Charlie. Ouais, juste pour savoir, est-ce que t'as vraiment donné ton numéro à Carly Rae Jepsen? Si je donnais mon numéro à Carly Rae Jepsen. Ah oui, sur la scène du Starfloor. Oh putain, tu me donnes des trucs. Oui, je l'ai vraiment donné. Bah, par contre, elle m'a jamais appelé. Bon, maintenant, elle m'appellera plus, j'ai plus le même. Bah... Donc, parce que Karima, vous étiez formidable là-bas. Non, Starfloor. C'est gentil, merci beaucoup. D'ailleurs, on est passé sur M6 vendredi. Ah, ouais, parce que je vous ai vu, ouais. Voilà, ouais. Donc c'est passé sur M6 vendredi, ouais. Bon, ben bah, merci, ouais, Charlie, en tout cas, d'être passé. Merci beaucoup, tu reviens quand tu veux et bonne fête, hein. Salut à toi, Charlie, bye bye. Sarah, merci à toi d'être passé également. Bonne fête aussi. Je peux faire une dédicace? Eh ben vas-y, profites-en à une seule personne, hein, choisis la bonne. Non, par contre, c'est trois personnes. Non, c'est une. C'est une comme non, tout le monde. Bien sûr, c'est comme. Non. Tu m'as dit Colombo. Non, ben j'en ai rien à foutre, hein. J'aurais pu t'appeler Derek, ça aurait été une quand même. Allez, vas-y, une personne, choisis la bonne. Alors, je fais des gros bisous à ma petite team qui est sur Twitter. Qui d'accord. Qui vont me reconnaître. Eh ben voilà, très bien, tu vois, t'as fait la team comme ça, t'as fait plusieurs personnes d'un coup, voilà. C'est quand même vachement plus pratique. Bon, salut Sarah. Salut, bah allez, bonne soirée. Mais moi aussi, toi aussi, et puis bonne fête aussi, Sarah. Bon, sur Fun Radio, allez, la suite dans un instant. Je rappelle qu'il y a toujours la tablette à gagner hein, sur le Facebook de l'émission, la Samsung Galaxy Tab 3 que je vous offre. On vous la livre demain si vous gagnez ce soir, évidemment. On vous l'envoie demain, vous serez livré soit après-demain, soit après Noël. Hein, ça dépendra de la poste, hein, pas vraiment de nous. Donc si vous voulez la gagner, il suffit d'aller faire un like et un partage sur le Facebook de l'émission. Si vous allez voir la photo où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3, vous partagez, likez cette photo et je fais un tirage au sort parmi ceux qui auront fait un partage et un like. Donc allez-y, on appelle le gagnant en direct à l'antenne avant minuit. Voilà, comme ça vous savez tout. facebook.com/mikl officiel. Je vous souhaite bonne chance. On vous a demandé aussi si vous étiez déjà tombé sur des gens qui avaient pété des plombs. Rapport à notre ami en Belgique dans le Borinage qui avait pété un câble sur la police. Hein, donc c'était lui. Hein. C'est plus profond, hein. Viens stopper, viens imbécile, hein. Ah le contrôle voilà. Anti-alcool et anti-drogue mené par les agents de la police boraine tourne mal. Cet homme n'accepte pas les paroles visiblement violentes d'un agent. Monsieur se prend pour un dur et monsieur menace de frapper les gens. Mais il faut mieux manger des épinards avant de frapper les gens. C'est pas son petit costume qui fait peur à certaines personnes, vous voyez. Il fait peut-être peur au gamin à mobilette, mais pas à moi. Voilà, pas à moi, exactement. Oh, le gamin à mobilette. Eh bah ouais, mais pas à moi. Voilà, donc si vous étiez déjà tombé sur des gens comme ça qui avaient pété un câble, eh ben on allait en parler ce soir. Et justement, il y a Mickaël avec nous de Bordeaux là. Salut Bordelais. Salut Mickaël, c'est toute la team. Comment ça va? Salut. Mais ça va, ça va. Bon, alors, dis-moi Mickaël, qu'est-ce que t'as prévu pour Noël déjà toi? Réveillon de Noël, tout ça, t'as prévu un truc en particulier? Ouais, je prends l'avion mardi soir. Et tu vas où? Aux States, aux États-Unis. Oh, oh yeah, tu vas où? De quoi? Tu vas où? Washington. En Washington, ok, très bien. Et tu vas faire quoi là-bas, en famille ou tu vas pour visiter? Boulot. Ah, pour le boulot? Oui, c'est. Là, c'est moins d'amour par contre. Ah, d'accord, ok. Tu tiens pas les barres à striptease, sinon pour lui, il vient. Hein. Non, faut pas. Ah merde, oh, c'est comme si c'est son kiff. Si jamais vous êtes tenancier de boîte à striptease. Je viens tout de suite. De par le monde. Voilà, peu importe l'endroit. Polo, vous. Billet. Oui, Polo vient, hein, y a aucun problème. Bon, alors, Mickaël, t'as déjà vu des gens péter une durite, toi? Il s'est passé quoi? Pourquoi? Comment? Explique-nous tout. C'est plus profond, moi. Alors vas-y, on t'écoute. Que jeudi dernier, je me suis fait gentiment choper par un bleu, on va dire. Ouais. Ah, par qui? Par les flics. Ouais. Et c'est eux qui ont pété les plombs, mais complètement, j'ai pris deux heures de garde à vue. Oh, ah, c'est oui. Bon ça. Quand même. Mais pourquoi, il s'est passé quoi? Je sais toujours pas. Ils ont complètement pété un plomb parce que je roule avec parce que je suis patron de la société. Ouais. Et je roule avec une grosse berline française avec marqué Renault Sport dessus. Je vous laisse deviner. Une Renault? Une Twingo? Une 3RS. Ah oui, oui, d'accord, oui, une grosse caisse quoi, enfin un truc qui va vite. Voilà. Ouais. Et donc ils ont complètement pété la durite sur la voiture et j'ai pris deux heures de garde à vue. Ils sont quand même. Pourquoi ils étaient jaloux parce qu'ils étaient avec une 107? Non, tu vois, c'est ce que parfois tu peux, le mec qui pète un plomb, tu vois, c'est possible. Non, je sais pas pourquoi ils ont pété je sais vraiment pas pourquoi ils ont pété un plomb. Au départ, j'étais en excès de vitesse, oui, voilà. Ah. J'ai reconnu le truc et après en repartant du oui moi. Bah, j'étais un petit excès de vitesse, hein. J'étais à 280 quoi, je comprends pourquoi ils se sont énervés. Leur 107 s'est retrouvé sur le toit, j'ai pas compris pourquoi non plus, hein, juste avec le vent. 60 au lieu de 50, voilà. Oui bon. Voilà, j'étais pas non plus. Toff peut après, le faire, hein, 60 au lieu de 50 avec son autolib. Hein. Ah ouais, je suis pas sûr. Oh si, 60. 50, et après 55. En fait en repartant j'ai fait un tout petit burn et ils ont pété un câble, ils m'ont rattrapé un peu plus loin. Et c'était sortir l'arme du. Leur arme de service. Ah ouais, carrément, pour rien en plus, parce que tu les as pas menacés quand même. Ah mais non, je les ai pas menacés. Ah ouais, tiens, c'est marrant ça. Enfin, c'est marrant sur le moment, mais c'est pas marrant, mais. Ah mais j'étais sur le cul, j'ai fait. Ah ouais, ok, il s'est dit, écoutez, votre journée est foutue. Alors qu'en fait, les mecs, ils voulaient juste faire un tour avec ta voiture. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, attends, reste deux secondes, tu vas raconter la suite dans un instant. Il y aura Chloé aussi dans quelques minutes. Anderson, la colle avec Guillaume. Et puis, Guillaume, tant que t'es là, tu la répètes encore un coup, puisqu'on va donner la réponse dans quelques minutes. Ok, alors... allez, vas-y. Si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je? Voilà, il y a Arthur qui proposait la solitude. Non. Une cigarette ou être célibataire? Non plus. Et Léo qui proposait l'oxygène? Non. Non, bon allez, dernière ligne droite là pour choper votre Xbox One. Si vous avez la réponse à la colle de Guillaume, vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et sur le Facebook, ça marche aussi, facebook.com/Mickaël officiel. La colle de Guillaume, c'est la suivante. Si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je? Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. On donne la réponse dans un gros quart d'heure. Prenez le contrôle.

Mais si, c'était drôle. Oh, si. Parce que regarde, maintenant, tu vas être content, tu vas être contente. Il va rentrer, il va revenir avec sa virilité, etc. Ouais, etc. On verra s'il va rentrer. Hein. Avec Eric, il va mieux. On verra, il va peut-être dormir 2-3 jours dehors. Ouais, ouais, bah, tira dormir chez Eric, Christophe. Hein. Ouais, au pire. Hein. Bah, voilà. Fais-le disparaître dans le maquis, Marina. Exactement, ouais. Hop, tu fais péter le bordel et tu lui mets. Tu lui plastiques le cul. Voilà. Il y a mon père qui va s'en charger, il y a pas de parfait. Ouais, dis-le à ton père que le beau-fils a fait de la merde et qu'il a failli virer sa cutie, je pense qu'il va apprécier. Oh, ah ouais, il adore ça en plus. Oh putain. Il y a pourquoi pas de soucis. Très bien, on fait ça alors. Bon, on va vous filer le numéro. Je peux pas avoir le numéro de son père parce que je crois qu'il y a moyen de s'amuser. Ah ouais, je pense ouais. Bon, je peux vous le donner. Ah ouais, avec plaisir. Ah bah très bien, bah, on prend note, ne bouge pas. Bon, bah Marina et Christophe, on va vous filer le casque focal de 200€ comme promis. Vous restez bien au standard et je vous fais des gros bisous à tous les deux. Allez, gros bisous, ciao. Allez, si vous voulez faire un petit canular, on remet le couvert aussi, hein, y a pas de problème. Vous m'appelez maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Y a Tom qui envoie un message, il est trop mort de rire le canular. Il y a Kikel aussi qui dit c'est énorme le canular, excellent. Et il y en a plein des nouveaux là. Enfin pas des nouveaux, mais des auditeurs qui peuvent pas écouter d'habitude parce que voilà, comme il n'y a pas école demain, tout ça, ils sont là. Fabienne qui dit Marina a un sang-froid parce que malgré tout elle reste cool. Ouais, c'est ça, je crois que je lui faisais peur. Je crois que c'est pour ça qu'elle restait cool. Élise aussi qui dit waouh, ça fait du bien de vous écouter. Enfin les vacances, je vous kiffe trop. Toujours des fous rires avec vous. Au passage, big dédié à Toff que j'aime. Oh, quelle horreur. Ah non, je déconne. Toff, si t'as toujours pas trouvé quoi t'acheter pour Noël, achète-toi une tête. Oui, c'est une idée, ouais, mais il est réfléchi. J'allais dire merci, mais en fait non. Non, Alexou qui dit putain, je suis plié tellement énorme ce canular. Phoenix aussi, juste trop énorme le canular. Kikel qui dit c'est énorme celui-là. Trend Lover qui dit je vous écoutais pendant que j'étudiais en période d'examen. Résultat, tout réussi sans aucun échec. Merci à vous. Ah bah c'est cool ça, c'est pas comme ma nièce. Dédé qui dit dans ce canular, Mickaël et Toff imitent à la perfection les homos. Et Megumi. Bah non, attends, là c'était quand même le. Je suis allé, mec. C'est la caricature de la caricature. La caricature hein. De la caricature. Et Megumi qui dit la cage aux folles ne limite. Ouais, voilà, plutôt ça alors. C'est plutôt la cage aux folles en effet. Et Quentwoo qui dit j'ai acheté le casque focal hier, je peux vous dire que c'est une tuerie. Ah bah évidemment, c'est pour ça qu'on vous l'offre. On a déjà filé pas mal des casques focales. On en aura d'autres aussi à vous offrir l'année prochaine. Donc restez bien à l'écoute de Fun Radio. Alors, on va récupérer Nono, Chloé, Mickaël aussi pour le pétage de plomb. Et puis, on va donner la réponse aussi à la colle de Guillaume. Alors, Guillaume. Oui. Ah, bah voilà, puisque t'es là, on donne la réponse à la colle juste après le son de Drake avec Hold On, We're Going On. Donc, profitons-en, tu répètes la colle une dernière fois. Vas-y. Si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? Voilà, donc si... Si on me garde en soi, j'existe, mais si on me partage, je n'existe plus. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L, espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On t'y ressort dans 5 minutes maintenant. Tu restes avec nous, Guillaume ? Ok. Parfait. Alors, reste là. On donne la réponse dans 5 minutes. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Si on me garde en soi, j'existe, mais si on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je ? À vous de jouer et vous pouvez aussi bien sûr lire la colle et y répondre sur le Facebook de l'émission facebook.com/mikaelofficiel. Et restez là puisqu'on va chiller dans quelques minutes. Ce sera avec Drake, Hold On, We're Going On. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Foutre le bordel le dimanche soir. Tu me dégoûtes. No limit. Fun Radio. Mickaël, No Limit. On Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio dans toute la France comme tous les soirs, il est 22h08, bienvenue si vous venez d'arriver, toutes les radios vous ont abandonné, et eh bien rassurez-vous, nous sommes là en direct sur Fun Radio ce soir, demain, mardi également, mardi pour le réveillon de Noël, hein. Comme c'est une soirée familiale, on a décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous, en direct dès 20h sur Fun Radio. Voilà, il y a Alexou qui a envoyé un message qui dit putain, que vous m'aviez manqué Mickaël entre les études et la grosse fatigue, j'avais plus trop le temps de vous écouter, ça mérite un petit coup de pelle. Ah bah oui, je te le confirme, effectivement, beaucoup de pelle. Voilà. Là, tu l'as eu en pleine gueule là comme ça, tu l'as bien entendu j'espère. Bon allez, on va se faire dans quelques instants la réponse à la colle pour gagner la Xbox One, la colle de Guillaume. On fait ça dans quelques minutes sur Fun Radio. Et puis ce sera avec Guillaume, on va parler également de boîte. Ce sera dans quelques minutes aussi avec Anderson, du pétage de plomb avec Mickaël, Chloé et Nono. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours la Tab 3, la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur le Facebook, c'est gratuit la participation. facebook.com/mikaelofficiel. On écoute le son de Drake maintenant sur Fun, Hold On, We're Going On. I got my eyes on you. Drake sur Fun Radio. Hold on, we're going on. Il y aura les appels de Toff qu'on va faire dans quelques minutes. Tout à l'heure aussi, on joue ensemble. Hein. On va jouer avec ce grand nouveau jeu que nous avons lancé il y a quelques semaines maintenant. C'est le match d'impro. Donc si vous voulez jouer avec nous au match d'impro, n'hésitez pas. C'est tout à l'heure vers 11h. Il y aura des cadeaux à gagner évidemment. Hein. Si vous voulez jouer, vous appelez Sandro maintenant. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Miller aussi qui dit Grenoble vous écoute. Il fait froid ici. Merci les gars, ça réchauffe un peu le moral votre émission. Mais merci Miller, merci d'écouter surtout. Il y a Isnoki qui dit peux-tu appeler ma mère pour dire qu'elle ne laisse qu'elle ne me laisse changer de chaîne. Ça dépend sur quelle chaîne t'es. Si t'es sur Fun, je vais pas l'appeler, tu vois, c'est ça que je veux dire. Mais en même temps, là, comme tu n'es pas en train de nous écouter, je suis en train de parler dans le vent quoi. Ouais, si je calcule bien. Donc ouais bah tant pis quoi. Bon continuez à venir nous appeler, continuez à appeler Sandro au standard 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. On donne la réponse à la colle maintenant, je l'ai promis, on y va, c'est parti. Guillaume, t'es là? Ouais, je suis là. Allez, c'est parti, on y va, on appelle maintenant le gagnant, la gagnante éventuelle de la Xbox One. Allez, c'est parti. Si la personne qu'on appelle maintenant a la bonne réponse, elle gagne. Si elle ne décroche pas, eh ben c'est toi qui gagne. Allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Flavien. Salut Flavien, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun, ça va? Eh ben ça fait plaisir. Eh ben attends, t'as pas gagné encore Flavien là, il y a d'abord notre ami Guillaume qui a une collette posée là, vas-y Guillaume. Alors, si l'on me garde en soi, j'existe, mais si l'on me partage, je n'existe plus. Qui suis-je? Alors? Un secret. Ouais. Eh ben voilà. Eh ben ça fait plaisir. Bravo à toi Flavien, c'est gagné, la Xbox One est pour toi. Eh ouais Flavien, félicitations. Bon ben voilà. Noël, ça fait plaisir. Eh ben t'as vu, c'est plutôt bon esprit, plutôt bon esprit. Malheureusement Guillaume, toi c'est perdu hein, ça c'est bah c'est une chance sur deux hein. Bah oui, la prochaine fois sans problème, tu rejoues avec nous quand tu veux Guillaume. Bon, ça roule. Salut Guillaume et bonne fête, on va quand même te filer un pack Fun. Est-ce que je peux passer une petite dédicace? Allez, vas-y, vas-y. Alors, grosse dédicace à Jeanne. À qui? À Jeanne. À Dame? Non, Jeanne. À Jeanne, d'accord, ok, très bien. Bah, message passé, pas de problème. Salut, Guillaume. Salut. Allez, bonne fête à toi. Et puis, bah, bonne fête aussi à toi, Flavien. Bah, merci à vous aussi. Tu fais quoi pour le réveillon, là? Je sais pas encore. D'accord, bon sinon on est là à partir de 20h hein. Tu peux nous écouter si tu veux. Ah bah je serai toujours là. Eh ben voilà, super, on sera là le soir de réveillon 20h minuit, enfin 20h et plus. Je sais pas si on s'arrêtera à minuit, on verra bien. Mais en tout cas dès 20h on sera en direct sur Fun Radio pour la soirée du réveillon. Pendant que toutes les autres radios vous auront lâché comme des merdes à mettre des best-of ou des émissions qu'ils ont enregistrées au mois de juillet comme à la télé par exemple À la télé quand vous allez regarder le réveillon le nouvel an là, ça a été enregistré en juillet. Enfin j'exagère hein, je sais pas si c'est en juillet. Mais en tout cas ça a pas été enregistré là tout de suite quoi. Ah bah début septembre, c'est pour vous dire. Bon ben salut Flavien, à bientôt. À bientôt, merci. Allez, ciao à toi. On va parler des boîtes avec Anderson. Et avant ça on va récupérer Mickaël qui nous avait appelé là pour parler des pétages de plomb, puisqu'on était tombé sur une émission de télé sur RTL TVI. Donc c'est en Belgique qui c'est enquête hein, pour être précis. Et donc c'est des flics, en fait ils suivent des flics hein, toute la journée, la semaine, peu importe. Et donc ils voulaient arrêter un suspect et le suspect a pété une durite. Voilà, donc là il parlait aux flics, hein, faut le savoir. Et on vous demandait justement ce que vous aviez déjà vu éventuellement comme pétage de plomb, ou est-ce que vous avez peut-être déjà vous-même pété un plomb. Et toi Mickaël, tu nous avais expliqué que t'avais eu aussi un problème avec les flics, puisqu'il t'a mis 2 heures de garde à vue, parce que t'étais en excès de vitesse de 50 à 60. En tout cas, c'est ta version. Faut toujours se méfier quand on appelle les deux versions. Et donc du coup, on en était où dans l'histoire? Et qu'après j'ai pris 2 heures de garde. Au départ, les flics ils m'ont gentiment vous dit, bah, écoute, ta journée elle est foutue. Elle est foutue, ouais, ils t'ont arrêté, ouais. Voilà, ils m'ont ramené au poste. Mais c'est sympa, ils t'ont ramené, tu vois. Ils m'ont ramené au poste, et le petit gag, quand je suis arrivé au poste, ben, en fait, je suis tombé sur le père d'une des stagiaires que j'avais formé moi dans mon taf, qui m'a reconnu et qui m'a gentiment écourté la garde à vue de 24 heures en 2 heures. Non, mais c'est déjà ça de prix, heureusement, t'as eu de la chance au final, dans ton malheur. Ouais, tout à fait. Dans ton valeur, t'as eu de la chance. Alors attends, il y a Nono aussi qui est avec nous de Chartres. Salut Nono. Salut les gars. Comment Salut, ça va Nono. Bah ça va, sauf que j'ai un peu le seum. Ça fait 1 heure que j'envoie le message pour dire que c'est un secret la réponse à la colle. Ah bah oui, mais il y en avait plein. En fait, on tire au sort parmi des bonnes réponses et après il faut passer l'antenne. Non, mais je me doute. Ah voilà. Bah oui, bah du coup la Xbox One t'es passé sous le pif, hein, je te le dis direct. Un peu, ouais. Complètement sous le nez là. Bon, j'ai vu, ouais. Mais c'est pas grave Nono, le plus gros cadeau c'est de parler avec nous. Oh bah oui. Bon, allez, vas-y Nono, on t'écoute. Bah moi je restais un peu sur le thème des flics parce qu'il m'arrive à peu près la même chose, sauf que moi j'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui me connaissait et qui était à la garde à vue. Ouais. Mais donc du coup tu connais bien le mec qui était dans la cellule. C'est ça. Non, mais j'étais tout seul, moi. Mais en fait, je dommage. Partais de boîte et je me suis retrouvé en fait au milieu d'une querelle de mecs. J'étais vraiment pour rien. Moi, je retournais à ma bagnole, en fait. Et en retournant à ma voiture, les flics ils m'ont arrêté. Ils m'ont fait, ouais, tout, vous nous suivez, machin. Je suis pourquoi, en fait. J'ai réussi à me barrer parce que, du coup, ils ont tourné l'attention. Sauf que en me barrant, bah, y en a deux qui ont pris leur voiture et qui m'ont suivi. Et comme ils n'ont pas réussi à me suivre, bah, ils ont appelé une patrouille qui était à un rond-point plus loin et qui, eux, m'ont arrêté. Et ils n'ont pas du tout, mais pas du tout aimé le fait que je me sois barré. Donc, en fait, ils ont essayé de me mettre des lits de fuite et tout sur le dos. Ah bah oui. Tous ces trucs là quoi, mais bon voilà, j'avais les boules, je vais pas me laisser faire, alors qu'en fait j'étais pour rien, mais je savais très bien qu'ils étaient pas décidés à me laisser, donc et en fait bah l'officier supérieur a carrément pété un câble, il m'a sorti de la voiture, m'a mis sur le capot, mais on se serait écrit dans les films américains quoi. Tu m'étonnes. Ah, j'avais déjà eu ça aussi moi un jour, j'avais cramé un feu orange, donc il était pas rouge, il était orange, je sais ça toi, ça se fait pas mais bon. C'est mal. Et je suis tombé sur la vague, putain pas de bol. C'est-à-dire que ils m'ont pris la tête là, ils m'ont sorti de la voiture, les mains sur le capot, tout le bordel, j'ai mis qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez brûlé un feu rouge. Puis évidemment comme un con je dis bah non il était orange. Vous vous foutez de ma gueule. Oh là là là là là là. Heureusement j'étais avec un pote qui était aveugle et donc du coup ils ont eu je peux pas dire de la peine mais ils ont été attendris ou j'en sais rien. Mais en tout cas ils m'ont pas trop pris la tête pour ça, finalement ça s'est bien passé. Mais je pense que si j'avais été seul, ouais ils m'auraient saoulé. Enfin ouais. Bon, moi on était trois dans la voiture, ils nous ont saoulé quand même. Hein. Ouais, c'était ouais, la mais douane. Ouais, mais toi c'était la douane. Non, c'était la douane. Faut quand parce même... que l'autre c'était un mongol, le mec. Oui, parce que, en fait, parce que le flic au départ il était super. Enfin, il s'était pas relou et tout, c'est juste qu'on roulait un peu vite sur le périph, avec des plaques étrangères. Donc forcément, la douane nous voit, elle nous arrête. Ah tiens. Et les mecs, ils étaient pas vénères et tout, ils étaient plutôt. Oh, attends, est-ce que je peux dire le secret du truc ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y. Il y en avait un des trois qui avait des substances illicites. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Donc, ouais, ça sentait le shit là-dedans. Ouais, c'est ça. Voilà, donc c'est ça. Ah, donc c'est... Moi, je le sais pas. Moi, je le sais pas. Bah à ce ouais. moment-là. Ah non, mais alors, je rejoins pour cette fameuse personne qui avait des substances. Il ne prévient jamais personne. Ouais, jamais. Merde. C'est arrivé qu'on prenne le train ou voir l'avion avec cette personne-là. Que cette personne-là ne savait pas qu'elle en avait sur elle-même. Il avait oublié de vider les poches, quoi. Et donc on se fait arrêter par la douane et le flic qui n'a pas de mauvaise composition mais il dit pas bonjour. Et donc le pote en question qui était avec moi lui fait un scandale parce qu'il a pas dit bonjour. C'est ça, ouais, on dit bonjour, etc. Bon bah du coup forcément ouais, ça fait et la donc merde. Lui, le flic voulait qu'il mette les mains sur le tableau de bord, quoi, tu sais, truc de sécurité. Et donc il lui dit non, je mettrai pas les mains sur le tableau de bord tant alors que. Alors que lui sait que l'autre derrière a des substances. Voilà, donc sur lui. Ferme ta gueule et ouais. Fais profil bas, quoi. Donc du coup le flic il s'énerve un peu, il ouvre les portières comme un barbare, donc on a fini tous les quasiment par terre, tête au sol. Parce que voilà, il avait énervé le flic. Bah, c'est et, donc, et l'autre, il continuait à l'engrainer. Mais surtout, si vous avez une grandiole, fermez-la. Vous c'est savez vrai. Que les flics auront ouais. toujours raison. Donc bah, mettez-la en veilleuse. Et puis bah voilà, pas sur surtout là, c'était la douane, ils étaient 8. Donc c'est-à-dire qu'on aurait rien oui. fait quoi. Mais voilà, surtout c'est moi avec ma carrière d'athlète. Oh bah tu parles, et quelle carrure. Ouais, et le coup de bol qu'on a eu, c'est qu'ils ont rien trouvé dans la voiture. Bah ouais. encore heureux. Il y a Chloé aussi qui est avec nous dans le jeu là. Salut Chloé. Salut. Comment ça va? Bah bien et toi? Bah ça va, tranquille Chloé. Bienvenue à toi. Toi aussi t'as vécu un pétage de plomb en direct? Ah oui, c'était énorme. Alors vas-y, explique. Bah en fait j'étais avec mon père à Nantes. Et puis à un moment, bah on est entré dans un magasin pour voir ce qu'il y avait. Ouais. Et on regardait un peu. Alors, il nous a dit vous avez besoin de quelque chose? Et bah on a répondu non. Et là en fait il s'est complètement énervé. Il a dit ouais, mais je t'ai posé une question. Il nous a montré son bras et il a fait « Tu vois, je me shoote là. » Ah bon? Et qui a dit ça? Chloé. Ah, elle a disparu. Elle s'est fait griller par ses parents, je pense. Chloé est décédée. C'est le vendeur, en fait, qui a pété un plomb dans le magasin. Mais nous n'aurons pas la suite de l'histoire, c'est bien malheureux. Il leur a fait un speak de un quart d'heure en disant « Tu vois là, mes bras, je me shoote, alors me faites pas chier, tout. » Ah, genre, c'est un... Il a pété un plomb, le vendeur. C'est un ouf. Ah oui, d'accord. C'est un vendeur qui a pété un plomb. Ouais, visiblement. Bon, on n'aura pas la suite de l'histoire, c'est dommage. Bah, merci Nono et Mickaël. Je sais pas si vous avez encore un truc à ajouter. Ouais, ça marche. Je peux passer un petit big up. Allez, vas-y, passe, Mickaël. Je fais un gros bisou à ma chérie qui me manque. Oh, c'est mignon. Bah voilà. Pour Toff, pour qu'il s'amuse et je pense qu'il va bien rigoler. Ah bah avec plaisir. Ah bah oui. Bon, salut Mika, à bientôt, merci salut. Beaucoup, bonne fête. Salut. Merci à toi. Et Nono, tu voulais rajouter un truc? Ouais, je voulais passer une petite dédicace aussi. Eh bah vas-y, une seule personne, vas-y. À mon meilleur pote Aurélien là, qui est en train de m'écouter dans la bagnole et qui devient se poêler. Très bien, et bah message passé, on l'embrasse. Salut à vous et puis bonne fête hein. Ça marche. Salut. Salut. Mec, bonne soirée. Allez, ciao. B, on va prendre Anderson également maintenant là au standard. Salut Anderson. Salut. Bon alors, Anderson, tu nous avais appelé toi pour parler des boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, t'es sorti en boîte, tu t'es tapé la copine de ton frère. On ne sait que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est déjà pas mal. Et c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Alors, j'étais en train de danser tranquillement et là, je vois une fille derrière moi. Attends, tu dansais quoi comme style? Comment ça? C'est quoi? Tu faisais du zouk? Je dansais. Mais quoi? Du R&B. Ah, okay, du R&B, bah voilà. D'accord, ok. Je dansais et là je vois une fille derrière moi qui commence à me toucher le dos. Alors je me retourne. Qui commence à me toucher le dos. Je me retourne et je dis bah, qu'est-ce que tu veux? J'étais complètement bourré quoi. Ouais. Et là je commence à l'embrasser et tout. Elle commence à me dire viens on sort de la boîte. D'accord. Alors, je sors de la boîte, on commence à s'embrasser encore. Et là je dis bah, viens on va chez moi. Et arrivé chez moi, mon frère m'attendait devant la porte et j'étais avec sa copine. Oh. Mais toi, tu savais pas que c'est sa copine, si? Non, je savais pas du tout. Bon bah voilà, après, tu peux pas savoir si la meuf, c'est une connasse, tu sais, genre, elle le trompe et tout, tu peux pas le suivre ton pouce. Ah bah là, oui, c'était une grosse connasse, ouais. Mais après, tu sais, la meuf, elle vient de draguer, tu la connais pas, la meuf, ta copine, donc ton frère, rassure-moi, il t'en veut pas quand même. Ah bah il m'en veut un petit peu parce que je l'ai quand même embrassé. Non, ah je peux pas savoir. Tu l'as embrassé, tu l'as pas démonté, c'est déjà ça. Mais non mais tu peux pas savoir. Non. Imagine ouais, que tu l'aurais ouais. démonté à la maison, là ça aurait été bon. Non mais même pas. Si. Non mais c'est à dire que si ton frère t'a pas présenté la meuf et que la meuf s'est pas présentée à toi en disant voilà je suis la copine de ton frère, tu peux pas savoir, tu dragues une meuf, Bah ouais. Ah bah non, moi je suis pas d'accord avec ton frère pour le coup. Hein. Moi si ça m'arrive, bah t'en veux à la meuf, évidemment. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? T'es pas au courant. Tu vois une meuf qui te drague, toi tu vas, hein, c'est normal. Ah oui. Ah bah j'attaque direct. Hein. Bah non mais ouais. T'as raison, mais non qui mais. Qui l'attaquerait pas? Bah voilà, c'est ça. Non mais il faut y aller. Faut vraiment y aller. Bah ouais. Mais, et donc du coup? Et du coup, quand elle est arrivée chez moi, mon frère m'attendait devant. Et là, bah, il a dit Coralie, qu'est-ce que tu fais là? Et j'étais gêné et Coralie était gênée aussi. Ah bah oui forcément, et tu m'étonnes. Mais je pense que même Claude il voit sa meuf bah dis donc tu fais quoi là? Bah je sais pas, écoute, j'étais là, je passais, j'ai vu de la lumière. Et je me suis arrêté, voilà. D'accord. Ouais mais c'est ça en fait, tu t'es arrêté. Bah de là il t'a bien mis un stop. Hein. Et je suppose que s'il n'avait pas débarqué, il t'aurait mis. S'il n'avait pas débarqué, tu lui aurais mis une cartouche. Je l'aurais ramené direct dans mon lit, oui. Mais au moins c'est ça qui est bon, ce qui est bien dans l'histoire, c'est que ton frère sait que sa meuf était une salope. Exactement. Parce ouais. que si elle ramène le premier mec qu'elle trouve comme ça en boîte. Bah oui. Est-ce que vous êtes déjà tapé justement votre des meufs, mais genre des meufs ou des mecs, mais de connaissance, tu vois, mais sans le savoir non. évidemment. Hein. Venez nous en parler là. Appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et pour la Belgique le 02 851 4x0. Bon Anderson, reste avec nous, ne bouge pas. Il y aura Jean également qui est avec nous là. Salut Jean, comment ça va? Jean, ça va et toi? Bah tranquille, t'appelles du Gard, Jean, ça se passe bien là-bas? Ça va. Bon, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi, dis-moi? Moi j'ai un petit problème d'érection avec ma copine. Bon, ah bah bouge pas de là, on va en parler aussi dans quelques minutes. Tiens, reste là, si vous avez aussi des problèmes de d'érection, hein, si vous aussi ça vous est déjà arrivé de bander mou, de pas bander du tout. C'est un truc, ça m'est jamais arrivé. Je comprends, en fait parfois j'ai du mal à concevoir que t'es avec une bombe de meuf ouais. et que ça monte pas. Bah Tof, ça lui arrive souvent de bander. Ouais, ah, non ouais, mais lui c'est parce qu'il est pas avec des bombes de meuf. Oui mais ça m'arrive quand même de temps en temps, ouais. Ouais. Bah en fait il y a des... Attends, on va en parler après, reste là, ne bouge pas, hein. Il y a des histoires, tout ça. Je peux préciser un truc, ce con Tof a mis un ballon vert juste en face de lui. En fait moi j'ai l'impression de parler qu'un ballon. Oui mais moi c'est bien parce que je vois plus sa gueule du coup. Voilà, tu vois, c'est parfait, le ballon il est en top. Service et voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. Allez on s'écoute Zid maintenant, je l'avais promis. Et allez Williams, on va s'écouter Stay the Night tout de suite sur Fun Radio. C'est Fun Radio avec Zid à l'instant, Zid et Ali Williams, c'était Stay the Night. Je vous cale aussi tout à l'heure le son de Demi Lovato. Ce sera Neon Light sur Fun Radio. Voilà, je vous cale ça tout à l'heure. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, bah vous demandez, hein, y a pas de problème. Hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore suivi sur le Twitter, là, n'hésitez pas, hein, vous m'ajoutez Mickaël underscore officiel. Le underscore, c'est le petit tiret en bas. Donc Mickaël underscore officiel, vous m'ajoutez et je vous ajouterai également. Donc on se suivra mutuellement. Je vous attends. Y a Megumi qui dit ah bah ça donne. Attends, c'est quoi? Ah bah ça se danse le R&B, je pensais qu'on le gerbait, c'est tout. Les Biflix qui dit moi aussi j'embrasse mon chéri Toff. Il y a Kalash qui dit bonsoir, je découvre votre libre antenne. Bah bienvenue Kalash, bienvenue à toi. Isnoki, Mickaël et ton équipe, vous êtes énormes, vous êtes. Attends c'est quoi? Vous êtes les meilleurs de la radio, franchement nous faire passer des soirées comme ça, merci beaucoup. Bah c'est grâce à vous aussi, hein, sinon on fera pas grand chose pour le coup. Et donc je rappelle qu'on sera là le 24 décembre également, soirée de Noël, soirée familiale, et donc nous avons donc décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous. 24 décembre, on sera là de 20h à minuit, et demain aussi d'ailleurs. Magda qui dit mon mec s'est fait arrêter dans la rue avec son PC portable, les flics l'ont arrêté, ils sont mis autour avec des flingues et tout, le gros délire, putain c'est clair. Cédric qui dit moi je serai présent le 24, je vous ferai découvrir à certaines personnes de ma famille, avec plaisir. Et puis appelle-nous aussi, hein, le prince Ney qui dit j'écouterai bien un petit bout de Jean-Pierre Sauzère moi ce soir. Bon on essaiera de l'avoir au téléphone Jean-Pierre Sauzère aussi tout à l'heure, faut que je lui parle d'Itunes. Ah oui. Et Zédéric qui dit vous êtes trop fort, je vous adore, et Raphaël qui dit au moins une radio qui nous lâche pas, fin de radio vous êtes la meilleure, et Alexou qui dit putain merci Mickaël pour le coup de pelle, ça remet les idées en place. Écoute je t'en prie avec grand plaisir également, vraiment. Bon, il y a les encore un petit, tiens, t'es le meilleur, moi je trouve que sans vous je passerai ma soirée en déprime. Oui, bah ça dépend après, hein, parce que ça tu pourras regarder des trucs à la télé, faut voir, hein, c'est pas forcément toujours la folie, mais bon. Bon, Jean est avec nous là, t'es là de retour Jean? Je suis là. Parfait. Jean, est-ce que t'as écouté cette semaine l'émission ou pas? Enfin la semaine dernière plutôt. Ouais, très bien. Est-ce que t'as entendu quand on avait fait les appels par rapport à la circoncision? C'est pour voir si les meufs préféraient les mecs circoncis ou pas. Non, j'ai pas écouté. Non, eh ben écoute, ça tombe bien, on va les remettre maintenant. Hein. C'était les appels de Toff grâce au numéro que vous nous envoyez tous les soirs sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle maintenant, donc c'est parti. Enfin, on appelle, on vous diffuse plutôt l'appel de la semaine dernière. C'était sur la circoncision. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonjour. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme, elle préférait les hommes qui étaient circoncis ou pas. Ma femme, ça dépend de quel côté. C'est-à-dire ? Si vous êtes circoncis le cul peut-être, mais bon, en même temps, je sais pas moi. D'accord. D'abord, la moindre de politesse, espèce de je sais pas quoi, tu te présentes d'abord. Oui, je m'appelle Toff, monsieur. Tu t'appelles Toff quoi? Toff. Toff comme Toff, monsieur. Ah bien sûr, faute Toff à la mer, ça fait faute, alors faute moi la paix, bonsoir. Quel homme sympathique. En tout cas, il arrive à faire des jeux de mots, et ça c'est beau. Oui, bon, c'était beau. On l'avait rappelé. Allez. Allô. Oui, non, parce que vous avez raccroché, monsieur, mais je crois que j'ai pas bien compris votre réponse. Dis-moi, tu vas un peu te faire enculer, oh. Mais non, pourquoi vous voulez que j'aille me faire enculer, monsieur? Pas parce que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben rien, je veux juste savoir si votre femme... Ben, dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Ben rien, monsieur, c'est juste pour savoir, c'est une question. Une question, ben toi, ben, une question, tu te la mets où tu le penses, la question, hein. Et vous pensez où, monsieur? C'est à qui tu parles, là? Non, je sais pas, monsieur. Je sais pas, le numéro, tu as pris où, le numéro? Ah, bon, au hasard. Au hasard comme ça, alors oui. Je sais pas, tu parles à un grand-père, à une grand-mère, à un vieux, à un jeune, je sais pas qui tu parles. Non, je sais pas. Et tu oses poser des questions comme ça? Bah oui, y a rien de particulier. Y a rien de, franchement, n'importe quoi. Toi, tu es avec ta femme, tu es marié, toi? Non, moi je suis tout seul, monsieur. Ah, tu es tout seul? Ben, ça m'étonne pas. Bah oui, mais je vois pas le rapport, monsieur. Ben ça va, allez, bonne nuit. Oui, mais pour alors le... Ah bah non, il a raccroché. Et on l'avait encore appelé une dernière fois, hein, tout à l'heure, on fera la journée de l'orgasme. Ah, ça c'était jeudi ça, journée d'orgasme. Alors c'était bon. Ah oui, c'était pas mal. Pourquoi tu mets pas ton numéro de téléphone? Non mais parce que, en fait, vous avez raccroché... Pourquoi tu mets pas ton numéro de téléphone quand tu appelles? Mais vous voulez mon numéro, monsieur? Oui, mets-le ton numéro, après je te rappelle juste pour voir un peu si c'est toi. Alors, donc c'est le 01... Oui. Donc 01 42 48... Ouais, 01 42 48... 50 00. Ça va. Ça va? Je mais pour votre femme, alors, elle préfère ou pas? Elle préfère, bien sûr qu'elle préfère. Ah, elle préfère les circoncis, d'accord. Pas par toi. Non, ça d'accord, mais c'est juste dans l'absolu, monsieur. Non, dans l'absolu, non, dans l'absolu, il n'y a rien du tout dans l'absolu. Comment ça, dans l'absolu? Elle me préfère, moi, je ne suis pas circoncis. Ah ben voilà, donc elle préfère les pas circoncis. D'accord, voilà. Ben je vous remercie, allez, monsieur. Voilà, donc tout ça pour arriver à... Elle préfère les pas circoncis. Bah voilà. C'est dingue, ça, quand même. Il aurait répondu directement, on aurait gagné du temps. Mais toujours faire du cinéma. Mais toujours. C'est dingue. C'est dingue. On va répondre tout de suite. Exactement. Tout à l'heure, on fera également le jeu qu'on a lancé il y a 3-4 semaines, je pense à peu près. Hein. C'est le match d'impro. Donc, si vous voulez jouer avec nous, alors on vous donne un thème et il faut improviser. Vous êtes deux auditeurs et nous. Et donc, il faut improviser. Et après, les auditeurs votent pour le meilleur des deux. Le match d'impro, on va faire ça aux alentours d'11h. Donc, si vous voulez tenter votre chance, allez-y. Vous appelez maintenant 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, le 02. 851 4x0, on vous attend. Bon, Jean, de retour? Ouais. Alors, très bien. Bon, on y va. Donc, Jean, tu nous as dit que tu avais des problèmes de d'érection avec ta meuf. Voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire ? Ben, ça fait 6 mois que je suis avec elle et ça fait déjà deux semaines que c'est très, très, très compliqué. Je sais pas comment dire ou comment faire. S'il faut que j'aille voir un docteur ou un spécialiste. Ah ben, ça dépend, oui. Mais dans l'absolu, à mon avis, oui. Mais après, c'est quoi ? Tu dis que c'est très dur. Parce qu'en l'occurrence, ça ne l'est pas. C'est tout mou quoi. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a bien marché à un moment ou à l'autre ou ça a jamais marché avec cette meuf là ? Si, bien, bien. Et ça fait pas très très longtemps. Bah, deux semaines là. Voilà, et maintenant c'est mou quoi. Mais tout le temps ? C'est-à-dire que si elle te branle, si elle te suce, si tu te branles, il se passe rien ? Rien du tout. Ah, c'est marrant ça. Et quand, ah oui, enfin, là, c'est il pas marrant, il est mais. S'inquiéter, hein. Ah ouais, ouais. Et quand tu te branles, il se passe rien quand tu regardes un film de boule ou quoi, non ? Bah si, là si, mais... Si, ah là oui. Ah bah voilà, donc ça va, tout n'est pas perdu. Ah ouais. Mais c'est marrant ça. Tu prends, ça veut dire que... Peut-être que t'es trop amoureux de ta meuf et du coup t'es comment dire, tu vois, allez, pas en ouais. stress, mais t'es un peu paniqué, t'as peur de mal faire, etc. Du coup t'es en stress, du coup ça vende plus. Bah je sais pas du tout. Elle t'a fait une réflexion à un moment, tu sais, quand genre la dernière relation que vous avez eue qui marchait bien, elle t'a pas fait une réflexion, genre un truc c'était pas bien ou c'était si ou ça, je sais pas. Bah si, elle m'a dit c'est quoi qui se passe et... Non, avant qu'il est. Avant hein, ton problème hein. Ah non, avant c'était nickel, il n'y avait pas de problème ni rien. Et là. Elle criait, elle grimpait au rideau, elle leur demandait. Parfait, mais là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, c'est marrant ça. Bon, dites-nous si vous avez déjà eu des problèmes d'érection. Appelez-moi là maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Ça vient un truc qui m'est pas arrivé, c'est ça. Ah oui. Jamais de problème de goût. Jamais, même pas. Ah, jamais, non. Ah putain, t'as de la chance. Hein. Ah non, jamais, Polo. Jamais, bah le ça. Membre est dur, complètement ouais, c'est dur. C'est une machine de guerre, ça. Voilà, alors que Toff, on voit bien que c'est une machine en bois, quoi. Tu ouais, vois bah ah. oui, c'est une merde. Ça, ouais. ça sent la merde, regarde cette gueule. Non, mais genre, ouais, le matin, c'est direct. Mais le matin c'est pas vraiment une goal, c'est en fait c'est parce que je dois aller pisser hein, c'est... Oui, non mais c'est ça que je veux dire, c'est que moi par exemple le matin, si même si j'ai la goal, en fait au bout d'un moment ça va retomber bah et, oui. et j'arriverai plus à rebander. C'est fou ça. Bah ouais, c'est marrant ça. Oh, non, et moi, donc problème, tant que j'aurais pas été pissé, ça va plus remonter. Une fois que j'aurai pissé, ça va remonter. Ah non, moi j'ai aucun souci. Hein. DJ Coma qui dit message de bienvenue pour ma pote qui vous écoute pour la première fois. Attends, je vais t'en mettre un. Et puis on va reparler de tout ça là. Hop là. J'ai dit ça à mes têtes, Non, merde, c'est pas celui-là que je voulais mettre, autant pour moi. Ferme ta gueule, connard. Voilà, et bienvenue au nouveau qui vient de débarquer, bien entendu. Bon, Jean, reste avec nous. On va demander aux auditeurs si ça leur est déjà arrivé. Même si c'est déjà arrivé, peut-être aux filles, de tomber sur un mec justement comme ça qui bandait pas, qui bandait plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Bah, venez nous en parler. 01 42 40 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. On en parle maintenant. On va récupérer Anderson là avec la boîte là. Enfin en gros on n'a pas vraiment parlé de boîte. Il a juste rencontré une meuf dans une boîte qu'il a ramené chez lui. Le frère, son frère à lui, est arrivé et là ils se sont rendus compte en fait que bah c'était la copine en fait tout simplement. C'était la copine du frère. Et forcément il l'a plutôt mal vécu. Bon, Pascal est avec nous de Corbeil. Salut Pascal. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va. Bon, tant mieux. Bienvenue, Pascal. Alors, toi, tu voulais réagir à Anderson ? Oui, c'est parce qu'en fait, moi, j'ai eu à peu près le même souci avec mon frère. Ah, vas-y, fais péter. Il a 2 ans moins que moi. Ouais. Mais en fait, lui, moi, quand je suis rentré chez moi, j'avais un peu trop bu. Et puis, lui, il a couché avec ma copine, quoi. Oh, c'est bon, ça ? Ouais, c'est bon pour lui, parce que maintenant, ils sont encore ensemble, quoi. Mais attends, une autre question, parce que chez Anderson, c'est pas vraiment pareil, dans le sens où lui, il s'est appelé une meuf, il savait pas que c'était la copine de son frère. Ah ouais, ouais. Alors que toi, il le savait, il l'a fait volontairement. Bah oui. Non, ouais. Il était bourré, il a glissé, il est rentré dedans, c'est pas pareil. Non, mais c'est ça, non, il le savait, il l'a fait volontairement, c'était pas un accident. Bah non, c'était pas un accident. Voilà, mais il était au courant que c'était ta meuf. C'était ma meuf à l'époque. Maintenant, ils sont encore ensemble, ils ont 2 enfants. Merde! Oh, c'est bon, ça doit être bien, la réunion de famille, c'est pas... Ah ouais? Ça pique. Et ça fait quoi de voir ta belle-sœur? Ça fait quoi? Ouais. Bah, c'est bonjour connasse, salut connard. Ouais, c'est ça, ouais. Je me dis que... Bah, en fait, j'ai rien loupé, quoi. Ah, pourquoi? C'est une conne? Ah, maintenant, c'est une conne, ouais. D'accord, attends, parce qu'il y a Anderson qui joue avec son téléphone là. Il se masturbe. Oui, peut-être. Et écoute, dans l'absolu, au moins tu t'es rendu compte que t'es tranquille quoi. Tu vois, t'as bien fait de rater le train. Dis-toi qui t'a sauvé la vie, tu vois. Ouais. T'aurais fini ta vie avec elle, deux mômes insupportables. elle en train de te faire chier pendant que tu regardes le foot. Alors que toi, t'as trouvé une meuf là ou pas? Ouais, j'ai trouvé une copine et tout, ouais, c'est bon, bien. Bon, bah, c'est nickel, c'est nickel. Bah, tant mieux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Pascal, d'avoir une panne d'érection? Non. Jamais de la vie? Non. Et toi, Anderson? Moi, jamais de la vie, non. Tu vois, il y a Katoff qui s'est arrivé, et Jean, en l'occurrence, hein. Donc, finalement. Hein. Mais Jean, quand vous le faites, genre, tu vois, tu le fais une première fois, et quand tu veux repartir, tu dois attendre un peu, tu peux pas y aller. Bien sûr, évidemment. Bah oui, mais donc là, voilà. Donc mais non, mais lui, il a une panne, ça ne marche pas du ça tout. Ça marche jamais. Ça, mais, c'est même ça, au début, ça marche pas. Non, ça, non, quand même pas. Bon, bah voilà. Mais, t'as vu, il essaie de se dédouaner, il essaie de se rattraper, là. Bon move. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah mais ferme-la, bande mou. Mais oui, c'est ça. Bon, qu'est-ce que j'allais dire? Anderson et Pascal, bah merci beaucoup d'être passé en tout cas. Et puis bah. Attendez, ça serait possible de faire une petite dédicace? Alors vas-y Anderson, à une seule personne, tu connais la règle, vas-y. Ouais, ce serait pour la team Caravane et la team du Garros. Très bien, eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut Anderson, à bientôt. Allez, à bientôt. Ciao, bye bye. Merci Pascal, à bientôt aussi. Bonne fête à vous deux. Salut, hop là, déjà parti, c'est très bien. On va prendre Malik aussi dans quelques minutes là, qui voulait réagir à Jean par rapport au problème de d'érection. Et justement les mecs et les filles, tiens, venez nous dire ce qui vous refroidit direct chez un mec ou chez une meuf. Genre, je sais pas moi, par exemple le mec il a un slip avec la poche devant, le Marcel, les ongles sales. Ça marche aussi pour les filles évidemment, hein, les ongles ou mal épilés, etc. Donc bah appelez-moi maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 pour la Belgique. Venez nous dire ce qui vous coupe l'envie. Pardon, ce qui vous coupe l'envie direct. Les poils direct. Ouais, les poils, ouais. Ah ouais, ça je peux pas. Qu'est-ce qui te coupe l'envie direct? Pour un peu de tout, mais là j'ai rien. Ça peut être tout, ça peut être les dents, ça peut être les cheveux, ça peut être les poils. D'accord. Après, moi je fais attention aux doigts aussi. Si la meuf elle se ronge les ongles par exemple, ça peut me bloquer. Non mais c'est vrai. Non, ah ouais, mais après, si, ouais, c'est pareil. La meuf qui a les doigts dégueulasses ou mal arrangés, ça peut me faire mal au cœur tout de suite. Hein. Ouais, je suis pas fan non plus de ça. Donc venez nous appelez-nous plutôt. Qu'est-ce qui peut vous rebuter directement avant une relation sexuelle chez un mec ou chez une fille? Appelez-moi maintenant donc 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Je vous l'avais promis, il arrive. Le son de Demi Lovato sur Fun Radio avec Neon Lights. Et attention également, puisque je vous offre votre Samsung Galaxy Tab 3, ce sera dans moins d'une heure sur Fun Radio. Si vous voulez jouer, rencard sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikl officiel. Vous faites un like et un partage de la photo où je pose avec la Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça. Donc bonne chance, ça ne se passe que sur Facebook. Donc le concours est gratuit. facebook.com/mikl officiel. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël nos limites. T'as que ça à foutre, tête de mort. Sur Fun Radio. Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Si je n'allume pas mon micro, ça ne peut pas marcher, c'est sûr. Alexou qui dit, putain, comment tu passes d'une érection régulière avec ta copine, mais du jour au lendemain, tu n'y arrives plus? Bah, c'est la question qu'on va se poser, et qu'on s'est posé d'ailleurs, justement, avec Jean. On aura Anthony dans quelques minutes aussi, qui voulait réagir. Et puis, les filles, je voulais savoir un peu comment ça se passe chez vous, là, justement. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui bandait plus, en fait, tout simplement? Et autre sujet également que je voulais lancer, les mecs, les filles, venez nous dire ce qui vous refroidit avant une relation sexuelle chez un mec ou une fille. Voilà, qu'est-ce qui vous refroidit? Qu'est-ce qui peut vous faire vous enlever votre excitation? Genre les ongles dégueulasses, les poils, je sais pas, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc appelez-nous, et si ça vous est déjà arrivé, bah, venez nous en parler. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. N'hésitez pas. Il est 22h48 sur Fun Radio. On est en direct, et puis on va se mettre aussi du son tout à l'heure. Hein, je vous cale. Il y aura un bon vieux souvenir des Black Eyed Peas, et puis on aura aussi le son comme promis de Demi Lovato avec Neon Lights dans quelques instants. Voilà le son de Demi Lovato que je vous cale dans quelques minutes sur Fun Radio avec Neon Lights. C'est ce qui va arriver dans quelques minutes. Voilà, donc patience, ne bougez pas, ça va débarquer. On va également jouer au match d'impro. Donc si vous voulez jouer avec nous pour gagner des cadeaux, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0 pour jouer avec nous. N'hésitez pas, vous êtes évidemment les bienvenus. On va reparler avec Jean maintenant, qui est toujours là, Jean. Ouais. Bon, Jean toujours là, donc qui n'arrive plus à bander, c'est ça? Ouais. Voilà, donc depuis deux semaines, il est avec sa copine depuis un peu plus longtemps. Ça s'est bien passé au début, et là ça se passe beaucoup moins bien, puisque rien, c'est rien, le drame. Rien. Sauf quand tu te branles. Quand tu te branles, ça marche. Et tu m'as pas dit, enfin tu m'as peut-être dit, mais j'ai oublié. Quand elle, si jamais c'est elle qui te branle, ou si ou elle te suce ou un truc comme ça, rien non plus. Rien. Mais moi j'ai une technique pour toi. Apparemment, ça te fait bander les films de cul, t'as dit? Ouais. Ouais, t'as un iPad ou pas? Non, iPhone. Et, ouais, prends l'iPhone, télécharge un film de cul, tu la prends en levrette et tu poses sur ton dos comme ça. Ouais, ça, c'est une bon idée. Ça. C'est pas bon ça? Ouais, c'est. Ça, c'est moi, je valide cette technique. Ouais, c'est une idée à tester. Ouais. Tu regardes le film de Hulk et tu limes, mec. Fort ou pas? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bon, Jean, attends, il y a Anthony qui est avec nous de Bretagne. Salut le Breton. Oui, bonsoir. Comment ça va? Ma foi, ça va et vous? Bon, oui, ça va bien, ouais, tranquillement, tranquillement. Bah, mieux que Jean, hein, parce que bon, moi, pour le coup, je sais que je vais bander. Hein. On bande tous. Ouais, bon, il n'y a pas de problème, nous, on peut lever la table de mix, là. Ou bon, la fendre ouais, en ouais, deux. On peut la casser en deux, tel un sabre. Bon, dis donc, toi, ça t'est déjà arrivé ou pas, Anthony? Bah ouais, c'était vu moi que j'étais avec ma copine, et elle en demandait trop, et il y a eu un petit problème, quoi. Ouais, mais elle en demandait trop, c'est parce que vous, tu devais le faire plusieurs fois par soir, enfin, plusieurs fois d'affilée, et du coup, tu n'y arrivais plus. Bah voilà, c'était au fur et à mesure. Ouais, mais ça c'est pas encore le un gros problème dans le sens où voilà, après plusieurs fois, il y a un moment où oui, bah voilà, ça il y a un moment ça monte plus quoi. Non mais voilà, il y a un moment ça marche plus. Là le problème de Jean est différent, lui il arrive pas même la première fois, ça il arrive plus à blander Il arrive plus à bander du tout quoi. D'accord. Ah ouais, ça c'est un autre problème. Et t'en as parlé avec ta copine Jean? Bah ouais, j'en ai parlé. Et qu'est-ce qu'elle dit? Enfin, t'as dit quoi? Elle m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un docteur ou que je fasse un truc. Ah ouais, je suis assez d'accord avec elle. Hein. Mais t'as pas peur de quelque chose au fond de toi? Quand tu sais, quand t'es avec elle, t'as pas peur d'être mauvais ou peur de la perdre? J'en sais rien, moi, tu vois. Bah sinon, injection de Viagra. Hein. Oh, super. Justement. Donc? Bah ouais, ouais, un petit peu quand même. Je pense qu'il faut aller voir un docteur. Hein. Ouais, je pense. Hein. Je pense que ça peut pas être. Je pense que de toute façon, ça peut pas être une mauvaise idée d'y aller, Anthony. Hein. Ça, c'est évident. Et les filles, je voulais savoir, est-ce que vous êtes déjà tombé sur un mec qui effectivement ne bandait plus? Enfin, tu sais, qui a arrêté de bander ou qui ça se passait bien et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, bah, comme Jean, plus rien. En fait, c'est complètement arrêté. Bah, appelez-nous donc 01 42 48 5000 et 02 851 4 x 0. On va prendre Malik aussi qui est avec nous de Lyon là. Salut Malik. Ouais, salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, tout le monde va bien? Bah écoute, ouais, tout le monde va bien, ouais, on est pas mal. On est pas tous dans l'archi. Ah, bah, ok, bien... bah j'appelle pour le problème d'érection du jeune homme là. Ouais Malik, bah bienvenue à toi Malik. Ouais, bah en fait moi j'ai eu le même problème, sauf que moi ça a duré plus que 15 jours, ça a duré pratiquement un mois et demi, deux mois. Ouais. Donc je commençais à paniquer parce que je pensais que c'était un problème de prostate. Ouais. Donc ce que j'ai été faire, j'ai été voir directement un médecin pour essayer de me renseigner, parce qu'en plus vu mon âge, bon je suis pas... Ça va, t'as 38 ans, Malik. Mais ouais, juste, mais je t'interromps juste un truc. Commencez pas non plus à psychoter, hein. C'est pas parce que vous avez un problème que d'office, je dis ouais, j'ai directement cru que c'était la prostate, etc. Ouais, voilà, ne vous faites pas non plus des films. Bah, c'est pas parce que ça arrive une fois que d'office c'est une catastrophe. Ah ouais, mais moi j'arrive pas à bander trois fois de suite. Je peux t'assurer que j'ai toutes les maladies qui me passent par la tête. Hein. Mais il va avoir le cancer de la bite. Ah ouais, toutes les maladies. Ouais, c'est dégueulasse. Bon, et vas-y, continue, Malik. Donc t'as été voir le médecin. Donc j'ai été voir le médecin. Donc pour voir si c'est la prostate, hein, y a pas 36 solutions, hein, ils te mettent carrément le doigt dans le cul, ouais. Et ils voient si t'as mal, donc si t'as pas mal c'est que tout va bien, et si t'as mal c'est que c'est un problème au niveau de la prostate. Donc après j'étais voir, donc il m'a conseillé à un autre médecin pour voir exactement si j'avais pas de problème urinaire, tout ça, parce qu'il m'a dit que ça pouvait être lié à ça. Et donc, à la fin, en fait, il m'a dit que ça arrivait de temps en temps d'avoir parfois quelques mois ou quelques semaines une sorte de lassitude en fait, psychologique qui fait qu'on n'a plus envie de notre femme. Quoi. Ah bon? Mais toi, t'es toujours en kiff, Jean, là? T'es avec elle depuis combien de temps, tu m'as dit? Bah moi, ça va faire 17 ans que je suis avec elle. Ah oui, ouais. Ah non, mais ça, c'est Malik. C'est Malik. Moi, je parlais de Jean. Jean, ça fait combien de temps que t'es avec elle, toi? 6 mois, non, parce que Jean il a 19 ans, je me dis putain, s'ils sont ensemble depuis 17 ans. Non, mais il faut pas qu'ils s'inquiètent, c'est psychologique en fait, ça arrive de temps en temps chez les hommes, et malheureusement, bah parfois ça arrive jeune, parfois ça arrive vers 30, 35 ans, et il faut vraiment pas qu'ils s'inquiètent quoi. Ouais. Parce que moi j'ai le même problème quand je regardais des films de cul ou quoi que ce soit, je sais pas, psychologiquement j'arrivais à bander, et quand j'étais avec ma femme, plus rien du tout quoi en fait. Elle devait être contente, ta meuf, tiens. Bah le problème c'est qu'elle croyait que j'avais une maîtresse et pourtant j'en avais pas quoi. Mais oui, mais oui. Voilà. Mais tu sais, t'as le même problème aussi quand tu sais genre par exemple t'as des problèmes pour je sais pas moi pour tenir, tu vois, t'es peut-être précoce. Bah du coup t'as plus envie de le faire parce que tu dis ouais je vais encore être précoce, ça va me faire chier, ça va la faire chier. Du coup tu le fais plus et du coup ta meuf croit que t'as une autre, tu sais que t'as une autre, t'as plus envie d'elle parce que t'as un autre plan, t'as une autre meuf, etc. Alors qu'en fait pas du tout, c'est juste qu'il faut en parler en fait. Voilà, c'est ça, mais il faut vraiment pas qu'il s'inquiète, il faut pas qu'il tombe dans l'optique comme quoi c'est à cause de la prostate ou les choses comme ça, c'est vraiment psychologique quoi. Bah on est d'accord, on est plutôt d'accord à ce niveau-là, ouais, effectivement. Bah écoute, bah, merci Anthony d'être passé, hein, tu reviens quand tu veux. Hein. Merci à vous, hein, et puis je vous laisse. Eh ben très bien. Salut Anthony, il y a également, bah reste avec nous Malik, il y a également Marc-Alexandre. Comment allez-vous cher ami? Bah ça va bien. Bon. Eh ben tant mieux, bienvenue à toi Marc-Alexandre. Alors, t'appelles de Metz toi, à la Moselle. Et tu voulais aussi donner ton avis toi. Est-ce que t'as déjà aussi eu des problèmes de d'érection? Ah ouais, j'ai eu un problème en fait, j'étais en stage. Ouais. Et en fait, j'ai eu quelques soucis d'érection avec une cliente entre guillemets. Le premier, parce qu'en fait j'étais maître d'hôtel et puis j'ai fait l'amour entre guillemets le premier soir. On était un peu bourras tous les deux. Et j'ai eu un problème d'érection sur le fêté le premier soir. Et je me suis dit, mais mince, c'est peut-être parce que je regarde trop de... Films de boules et des choses comme ça. Et je me suis demandé, mais et puis on a fait le deuxième soir et tout allait bien. Je me suis dit, hey, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Si c'est comme ça une fois sur deux, ça craint. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? À 23 ans, c'est quand même grave. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Non, mais après, ça peut arriver. Des bidons en berne, des choses comme ça, quoi. Bon, mais après, ça peut arriver. Et du coup, maintenant, t'en as plus les problèmes, là? Non, mais non, non, non, ça va, le matin, ça va super bien. Bon, bah, nickel. Il n'y a plus de problème, quoi. Mais bon, je me suis dit, arrivé à 23 ans, ou même j'avais quoi, 22 ans, c'est là, tu te dis que ça peut être grave pour là par la suite. Mais quand t'as les problèmes comme ça. Ouais, t'as un coup de flip, quoi. T'as peur, quoi. T'as un coup de flip. T'as peur, quoi. Et j'aimerais bien avoir l'avis de filles aussi, à croire ça arrivait à aucune fille, tiens. 01 42 48 5000, les filles, là, ou 02 851 4x0. Merci beaucoup, Marc-Alexandre, en tout cas, d'être passé. Tu reviens quand tu veux. Et un gros big up à tout Fun Radio. Hein, merci. Pas. Merci beaucoup et bonne fête à toi, à bientôt. Merci, à bientôt, à toi aussi, ciao. Ciao. Malik, encore un truc à ajouter? Non, plus rien à rajouter. Est-ce qu'il y a moyen de vous taxer un pack? Oui, oui, bah pas de problème, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse tout de suite. Je te remercie, allez, passez une bonne soirée les gars. A bientôt, ciao. Merci Malik. Jean, reste avec nous, il y a encore Guillaume et Alfred qui voulaient réagir, il y a Mickaël qui voulait réagir aussi par rapport au dégoût, et puis vous en direct, hein, si vous voulez nous parler, vous êtes les bienvenus. Tous les soirs, on est là sur Fun Radio, ça se passe de 20h à minuit le dimanche, 23h, 2h la semaine, sauf cette semaine où on sera de 20h à minuit demain et mardi également, soirée de Noël, 24 décembre, réveillon de Noël, soirée en famille évidemment, c'est pour ça qu'on sera avec vous, qu'on ne vous aura pas abandonné comme tous les autres. Donc si vous voulez, si vous n'avez rien prévu pour Noël, eh bien, on sera là. Il y a un message aussi du Prince Nadia qui dit « Bon, les filles, vivent les sextoys. Eux n'ont jamais de problème. À toute heure du jour ou de la nuit, ils sont fonctionnels. » Oui, c'est vrai. Il y a Sceau aussi. Ils ne disent jamais non. Ouais, Sceau sur le Twitter qui dit « Mickaël, si sa copine l'aime, elle devrait comprendre. Même si j'avoue qu'au bout de deux semaines, s'il n'y a rien, c'est chaud. » Ouais, deux semaines, ça va. C'est pas encore dramatique non plus. Mais c'est juste qu'il faut lui expliquer à la fille. Si elle le sait pas, forcément, c'est compliqué. Daoud Douida qui dit « La voix, il y a des filles. Tu veux les tarter à peine elles ouvrent la bouche. Alors, bandé, t'imagines. » Ludovic qui dit « Les poils et le manque de propreté. » Ça, c'est un truc qui peut me faire reculer directement. Il y a Mandy aussi qui dit moi ce que j'aime pas chez un mec c'est qu'il ait les dents tordues. Burke et Gloire aussi moi tout peut me dégoûter chez une fille. Oui mais si t'es une fille c'est normal à la limite, hein. Et Dom Falcao aussi qui dit des fois quand on boit trop d'alcool on bande pas pour baiser avec la fille. Ouais mais là ça fait deux semaines, il est pas bourras depuis deux semaines, j'espère pour lui en tout cas. Bon, on se met des mille vato, je l'ai promis. Eh ben allons-y. Eh ben c'est parti, Demi Lovato maintenant, Neon Light sur Fun Radio. Et puis rassurez-vous aussi, dans une heure on fait le tirage au sort pour la Samsung Galaxy Tab 3. Si vous voulez la gagner, c'est uniquement sur Facebook que ça se passe. Vous faites un like et un partage de la photo où je suis avec le Samsung Galaxy Tab 3. Et si vous êtes tiré au sort, eh ben je vous l'offre. C'est pas plus compliqué que ça, on joue dans une heure, le jeu est gratuit. Et en plus vous êtes livré dans la semaine. C'est-à-dire que celui qui va gagner celle qui va gagner ce soir à minuit, eh bien on va lui envoyer le cadeau demain. Et elle sera livrée soit mardi, soit jeudi ou vendredi. Est-ce que la poste fait le pont? Non, ils font pas le point, non. Non, ah, je vais pas demander. Et en fait, ils relèvent juste le courrier plutôt mardi, mais c'est tout. D'accord, ok. Bon, bah voilà, donc vous serez peut-être livré soit mardi, soit jeudi ou vendredi. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous serez livré avant le 31 décembre, et ça, c'est le principal. La Samsung Galaxy Tab 3 a gagné sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Demi Lovato, on écoute ça maintenant. Neon Lights sur Fun Radio, et le match d'impro, ce sera juste après sur Fun. Demi Lovato sur Fun avec Neon Light, je vous l'avais promis, il est passé. Il y a Let's Be Freaks qui dit: vu que toi aussi tu dis jamais non, tu es mon sextoy préféré, c'est top pour Toff. Ah bah oui, Let's Be Freaks évidemment. Bien sûr, moi je ne dis jamais non. Bah oui, ah. Et le prince Nadia qui dit: Mickaël, ce qui peut me repousser chez un mec, c'est que sa carte bleue ne soit pas présente lorsqu'on sort. Ça, c'est je bon. Plaisante, ouais, je suis sûr qu'il y a une part de vérité. Steven qui dit: ma femme me dit qu'un homme qui pue la rebute totalement. Pour ma part, une souillon me dégoûte tout autant sale ou puante. Bah oui, oh. Mais, ça, mais c'est normal. Megumi qui dit: quand on bande mou, j'ai entendu dire qu'il fallait être attaché sur une croix et s'introduire des objets. Je dis ça, je dis rien. Ah bah voilà, Toff qui avait peur de bander mou, bah voilà une solution qu'il pratique, écoute, déjà d'ailleurs. Hein. J'y pensais. Je rappelle, parce qu'il y a plein de nouveaux auditeurs qui débarquent ce soir vu qu'ils ont été abandonnés par les autres radios, soit il est bienvenu, que Toff nous a dit il y a deux semaines maintenant, hein, ouais, qu'il aimait se faire accrocher sur des croix dans des caves et se faire enculer. Ouais, ouais, voilà. Enculer et donc, à sec, comme ça, et ça c'est beau. Ouais. Il y a Gloire qui dit: easy pour une fois qu'on cite mon nom, message de bienvenue. Dis donc Gloire, t'abuses un peu là, hein, la raconte, que t'abuses un Gloire, petit peu là quand même. Bah du coup je sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais c'est bon. Un garçon je crois. Allez, petit message de bienvenue. Petite saloperie, va. Voilà, et je peux vraiment mettre un petit nouveau puisqu'on en a eu plein cette semaine des nouveaux là. Tu vas te faire un peu tâter l'arrêt du cul, d'accord mon gars. Voilà, il y avait celui-là. Non mais vous êtes une ordure. Bah oui, c'est ça, celui-là. Oh espèce de connard. Voilà, et enfin celui-là le meilleur. Je vais t'éjaculer à ta face de pédé, de gay, comme ça t'as pas de ride. Que tu es, t'as compris. Voilà, c'est de notre ami Corse quand on a eu l'occasion de l'appeler. Ah, il me manque. Oui. Ce serait bien qu'on le rappelle. Tu veux qu'on le rappelle. Mais oui, c'était tellement bien, c'était tellement cool. Bah oui, oh, qu'est-ce que tu veux. Bon, et puis DJ Comac aussi qui envoie un message de bienvenue pour ma pote qui vous écoute pour la première fois ce soir. Bah j'en ai mis plein justement, tiens, mais je t'en mets un spécialement pour toi là, attends. Eh bien, allez vous faire foutre, cher ami. Voilà, tu vois, comme ça on est poli. Hein, enfin plus ou moins quoi, on essaye de l'être du moins. On va récupérer Jean dans quelques minutes avec son problème là de bah il arrive plus à bander. Il y a Claire également qui voulait réagir à Jean, tiens, bon on va prendre maintenant, tiens, salut Claire. Salut. Comment salut. Ça va? Ça va. T'appelles de Leblanc toi? Oui. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe Claire? Il fait noir, pourquoi t'es essoufflé? Non tu vois, j'ai sauvé Polo, je lui ai évité de faire cette veine de merde. Je suis donné. De quoi Claire? Je vais donner de vos veines. Je n'ai rien compris à ce que tu me racontes. Qu'est-ce que tu fous Claire? Bah... Qu'est-ce qu'elle fait Claire? Tu te touches là? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi c'est dans mon lit. Bah... T'es dans ton lit et t'es au taquet comme ça, mais il y a un mec qui est en train de... Est-ce qu'il y a un mec entre tes jambes? Non. Ah bon? Peut-être qu'elle se fait... Est-ce qu'il y a un sextoy entre tes jambes? Oui. Non. Tes doigts? Non. Est-ce que le téléphone est entre tes jambes? Non. Non. C'est la colle. Ah, c'est la colle, ouais. Bon, d'accord, ok. Est-ce que tu as consommé des substances illicites avant de nous appeler? Non. Tu as bu, peut-être? Peut-être. Non. Non, d'accord, ok. Donc, t'es naturel, là? Oui. Bah, écoute, bon. Ça est très inquiétant. Bah oui, mais écoute, c'est très bien, quand même. Ah non, mais je suis un peu soufflé, là. D'accord. C'est peut-être à l'antenne. Ah, mais il faut pas, Claire. Regarde, on va pas te manger. Toi, t'aimerais bien, mais nous, on va pas te manger. Moi, bon, je... Non, mais... De quoi? Non, je voulais juste la brouter, mais pas la manger. Non, je peux lui manger la non, ça ira, la pomme d'amour. Elle n'est pas intéressée. Ah, tu bon. Es sûr combien mesures-tu, Claire? Non, elle n'est pas intéressée, je viens de te dire. Je vais faire 1m60. Combien pèses-tu, Claire? Oh, dans la soixantaine de kilos. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Oh, c'est bon, ça suffit. Non, mais non, allez, on est entre nous. Entre nous, allez, ouais. 84, et la 16 dans les pantalons que tu as acheté? 42. Brotte-minou ou pas? Brotte-minou. Bah oui, brotte-minou, oui. Non, bah... Ah, sauf... Et surtout, branlette espagnole. Ah bah oui, là, pour le coup, effectivement, il y a de quoi faire, hein, je confirme. Et, bon. Et je pense que la fessée doit bien rebondir aussi. Aussi. Oui, je peux pas y mettre tout le temps. Bah oui, ah, t'as un copain en plus. Ah bah dommage. Oui. Bah, dommage, tu le cette semaine, ouais. Ah bah voilà, bah très bien. Faut bien que ça arrive. Alors, bah, Claire, oui. Toi, tu voulais réagir. Est-ce que ton mec, du coup, a déjà une panne comme Jean, là? Il arrivait plus à bander? Mon ex, c'est... Ah, c'est ton ex, d'accord, ok. C'est pour ça qu'elle l'a viré d'ailleurs. Bah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Oui, mais ça allait plus, hein. Ça marchait plus. Mais ça allait plus, qu'est-ce qui n'allait plus? Bah, je prenais plus ses médocs, voilà. Attends, il devait prendre des médocs pour bander? Non, il prend des médicaments pour... Pourquoi? Pour autre chose. D'accord. Pour autre chose. Mais qui n'a rien à voir avec le fait de bander. Non. Bon, alors bah, très bien, alors, on s'en fout. Bon, et donc du coup, quel était le problème? Des fois il bandait plus. Ah, des fois il bandait, des fois il bandait plus. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Oui, c'est bizarre, hein. c'est bizarre quand même. Non, mais je trouve que ce qui est bien, c'est que t'es bien fait d'appeler Claire parce que ça a fait vachement avancer le débat. Ouais. et tu nous as vachement aidé et je pense que Jean est très heureux que tu sois venu pour ça. Complètement. Bon, et maintenant que ça marche. Maintenant que ça marche. Quand ça marchait pas plutôt, est-ce que vous en parliez ou pas? Bah oui. Oui, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Vous en disiez quoi? Parce que oui. Moi, c'est pas fait de débat, moi, je... Non, mais vous en disiez quoi quand vous en parliez? Moi, ça me plaisait pas. Non, bah, j'imagine bien que t'étais pas contente. Ah, sans déconner. Chérie, j'ai pas joué aujourd'hui, c'est génial. Mais pourquoi tu utilises pas un chausse-pied pour l'introduire? Hein? Un pied de biche. Un pied de biche. Tu rentres la bite avec le pied de biche et puis tu pousses. Non, mais c'est ça, ouais. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Voilà. Oui, tu peux le faire, ça aussi. Si tu peux le faire, ça m'arrange. Bon, et donc du coup, tu l'as quitté à cause de ça? Non, parce qu'il m'insultait et il venait me faire. Quoi? Il t'a fait quoi? Il m'a insulté. Il m'a insulté, il est méchant envers moi. Ah, il t'a insulté. Bon, bah écoute, alors t'as bien fait de le virer, en effet, ouais. Oui. Attends, reste avec nous. Il y a également donc Guillaume qui est avec nous, là, 30 ans de Nîmes. Bonsoir, Guillaume. Ouais, salut toute l'équipe. Ça va? Salut, Guillaume. Ça va, impeccable. Hein. Tranquille. Nickel. Bienvenue à toi. T'avais aussi un conseil à donner à Jean, toi? Ouais, parce qu'en fait, moi, ça m'est arrivé. Ouais. Déjà, en fait, je voudrais juste savoir un truc. C'est. Est-ce que lui, il est en surpoids ou pas? Parce que ça y joue un truc de fou. Ah, Jean, t'es en surpoids ou pas? C'est deux questions. Pas du tout. Pas du tout, merde. Parce enfin, moi, tant mieux, en fait, mais... J'explique, moi j'étais en surpoids, ça fait que j'avais de la graisse dans le sang. Savoir que ben, le sexe de l'homme, c'est un muscle et ça marche avec l'afflux sanguin. Non, ce n'est pas un muscle. C'est un corps caverneux. Voilà. Ouais, ça marche avec les afflux sanguins, ouais. D'accord. Oui, ça marche avec les afflux sanguins, ça on est d'accord. Et donc du fait, moi, les rois de la bite. Du fait, je me suis mis au sport, tu vois, la muscu, j'ai perdu 33 kilos. S'il a levé des haltères avec sa teub. Exactement. Voilà. Maintenant, je me tape des barres de Gaulle du matin jusqu'au soir. J'ai pas de problème là-dessus. Des barres de Gaulle, c'est bon, ah ouais. Ça. C'est pas parce que t'as perdu du bide que t'as l'impression qu'elle bande plus? C'est possible. J'ai l'impression qu'elle s'est rallongée, mais par contre, ouais, non, mais ça, c'est sûr et certain que je bande beaucoup plus parce que j'ai eu de gros problèmes d'érection, quoi. C'est même devant des films de cul ou quoi que ce soit. Donc, je bande moralité, zapper les Quick, McDo, Burger King et tout ça, quoi. Ah, mais... Exactement, manger du blanc de poulet, des œufs et la C'est flunt. Bah ouais, mais bon, écoute, il faut bien, hein. Voilà. Après, deuxième truc, j'ai un pote à qui c'est arrivé, avec qui on en a parlé. En fait, lui, il a subi un choc, en fait, dans sa vie, tu vois. Ouais. Et bon, malheureusement, il a perdu sa copine qui est décédée. Ah oui, bah, c'est normal après que t'aies des problèmes. Tu parles d'un choc. C'est plus qu'un choc, ça. Et la meuf avec qui il s'est remis derrière, quoi. En plus, c'était une cramée de sexe, quoi. Ouais. Et du coup, il avait de gros problèmes d'érection. Pareil, il avait peur qu'elle l'escampe, tout ça. Donc du coup, il est allé voir son médecin. Et il a expliqué un peu à son médecin que voilà, qu'il n'y avait plus rien, quoi. C'était suite à un choc. Et en fait, tu lui as prescrit des genres de substituts de Viagra, quoi, en gros. Ouais. Il a pris ça pendant un mois, je crois, quelque chose comme ça. Du fait, ça a relancé la machine. D'accord. Et voilà, comme il me dit aussi, pareil. Maintenant, et puis du coup, ça a marché. Voilà, maintenant, il se tape des barres de Gaulle. Sa femme, elle le viole 3-4 fois par jour. Bon, bah, tant mieux. Bah, si ça marche bien, c'est nickel. Mais écoute, Jean, pour le coup, va voir un médecin, hein. Est-ce qu'il se branle pas trop aussi tous les jours? Parce que des fois le fait de se branler 3-4 fois par jour, après quand t'es avec ta meuf, t'as épuisé le... Ouais, est-ce que tu vas le pistolet complètement déchargé, Jean? Non, bon alors c'est pas ça. Attends, il y a encore Alfred qui vient de débarquer aussi, là. Alfred? Ouais, je suis là, ouais. Salut Alfred de Cergy, toi aussi t'as un conseil à donner? Salut à tout le monde. Salut. Conseil, non, pas forcément de conseil, juste moi j'ai mon expérience et personnellement... Comment dire, quand j'ai trompé ma copine, j'avais du mal à faire l'amour avec elle, j'avais du mal à avoir la gaule. Ouais. Parce que je pensais à une autre qui était, on va dire, plus séduisante. Maintenant, j'aimais quand même ma copine, donc je lui faisais quand même l'amour. Mais c'est vrai que vu que j'avais une relation à côté qui était vachement plus épicée, on va dire, même deux relations en même temps, enfin bref. Même trois, coup, tu peux le dire, il n'y a pas de souci. Hein. Oui. On te jugera pas là-dessus. du coup, c'est vrai qu'au final, j'avais trois meufs en même temps, exactement. Mais là, maintenant que je suis célibataire, ça me fait bizarre. Tu m'étonnes. Enfin bref, voilà, tout ça pour dire, j'avais du mal à avoir une érection quand je venais de baiser une autre. Oui, ce qui dans l'absolu n'est pas forcément anormal, hein. Ouais, donc comme conseil, je pourrais dire, bah essaye de faire l'amour avec la fille que tu aimes. Ça se trouve, tu n'aimes plus cette fille. Bah oui, peut-être, mais apparemment, ça a l'air d'être bien. C'est juste que ça s'est arrêté du jour au lendemain. Mais Jean, je te conseille vraiment d'aller voir un médecin. Si t'es patient, on peut toujours te filer le numéro du doc, hein. Mais bon, là, il va falloir attendre qu'il revienne le 6 janvier. Hein. Ouais. Mais moi, je te conseille d'aller voir un médecin avant quand même. Hein. D'accord, Jean? C'est vrai qu'il essaie de trouver des petits grains de folie avec sa femme, bah oui. Qu'elle mette des dessous, des striptease, qu'elle excite un peu plus, qu'elle essaye de voir dans des coins solides. C'est quoi fouetter. Et si ça se trouve, c'est la femme le problème, Toff peut venir tester. Hein. Bien sûr, moi je peux. Si je peux rendre service. Voilà, c'est médical quoi. Bien sûr, moi je fais l'entretien, je vérifie que ça marche. Voilà, il va venir avec sa croix et ça va. Hein. Ouais. Voilà. ça va être une horreur. Merci Alfred, merci Guillaume, merci Claire d'être passé. Merci. Tu peux faire un petit big up. Allez, vas-y, Guillaume. Moi je passe un gros big up à tous les routiers de France. Très bien. Parce que c'est des travailleurs de l'ombre et sans eux, bah, franchement, il n'y aurait pas grand chose quoi. Très bien, bah, le message. Moi je veux un message de bienvenue si c'est possible. Le message est passé, Guillaume. Que je vous écoute, mais... Bah écoute, ouais, alors attends, t'en veux un comment, un message de bienvenue? Un salut. Alors attends. Bah, j'en avais un, mais je l'ai passé il n'y a pas longtemps là, attends. Laisse-moi réfléchir. Toujours celui-là, t'en vas voir. Ça va me faire fêter les plans là. Va toi faire enculer toi. Et je sais pas avec qui t'es, à tous faire enculer maintenant. Vous commencez à me bander là. Voilà, oui, c'est pas mal ça. Celui-là est pas mal. Celui-là, il était très bien. Ouais, il est pas mal. Franchement, j'ai kiffé. Bon, bah merci à toi, là, Alfred, d'être là. Et puis bonne fête à tout le monde. Hein. Gros bisous tout le monde. Merci à vous. Salut, à bon bientôt. Bon courage pour les fêtes. Merci Alfred, t'inquiète, on n'a pas besoin de courage, on fait ça avec plaisir. Jean, bah oui, c'est vrai, ouais, 24 décembre, il y a plein qui. Ah oh, mon dieu, vous travaillez non, on travaille pas, on va se marrer, vous inquiétez pas. Le seul truc un peu gênant, c'est la tête à Toff, mais ouais, sinon ouais, ça va. C'est vrai. Je la mettrai dans un sac pour son bon, plaisir. Jean, tiens-nous au courant quand t'auras été voir le médecin, d'accord? Ouais. Bon, allez, bonne fête quand même. Dédicace. Ouais, vas-y. Ouais, je passe. Merde. Vas-y. Tu dis? Je passe une grosse dédicace à Pekino. Très bien, eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. Salut Jean, et puis à bientôt et bonne fête, salut hein. Vous aussi. À bientôt, ciao à toi Jean, qu'on entendait très bien comme vous avez pu le remarquer. Restez là sur Fun Radio, je vous cale dans quelques minutes le son de Martin Garrix avec le nouveau, ce sera Wizard. Ça va débarquer dans quelques minutes et puis on va se faire le jeu également comme promis. Hein. Le jeu de l'impro. Le match d'impro, voilà exactement qu'on va faire dans quelques minutes si vous voulez participer. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mikael. Ferme ta gueule, gros bâtard. No limit. Sur Fun Radio. Et on est déjà de retour sur Fun Radio. Je vous rappelle que tout à l'heure, ce sera Party Fun avec Mademoiselle Luna à partir de minuit. C'est dans Party Fun sur Fun Radio Belgique. Et Mademoiselle Luna qui viendra donc mixer pendant une heure pour le plus grand plaisir de Toff qui restera du coup. Ah oui, je vais rester. Bah oui, c'est ça. Hein, ah, donc... Je vais la regarder toute la soirée. Ah bah oui. Et bah surtout que tu peux la regarder. Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Si vous voulez aller voir à quoi elle ressemble, c'est Mademoiselle Luna. Vous tapez ça sur Facebook et vous la verrez. Toff a été sur le coup. Il s'est malheureusement pris cassé plusieurs tôles dans la tronche. Ah oui. Un drame. Ouais. Une catastrophe. Bah j'étais en même temps j'étais à la limite. Hein. Ah bah oui. C'est la, ça. La limite d'âge. Donc. Bah oui, voilà. Bon, si vous voulez la rejoindre d'ailleurs, n'hésitez pas. Mademoiselle Luna donc sur Facebook. Elle mixera donc tout à l'heure à partir de minuit sur Fun Radio. Restez bien là puisque on va se faire péter maintenant le son de Martin Garrix avec Wizard. Et puis je vous rappelle qu'il y a toujours la Samsung Galaxy Tab 3 à gagner sur le Facebook de l'émission uniquement. Facebook.com/MIKL officiel. On fait le tirage au sort dans 3 quarts d'heure sur Fun Radio. On vous attend nombreux et nombreuses et on fait le match d'impro juste après sur Fun. Martin Garrix sur Fun avec Wizard. Et puis attention, bonne nouvelle dans quelques minutes pour ceux qui aiment bien les sons old school. Je vais vous mettre ça. Ah ah, il y en a qui se demandent ce que c'est. Hein. Ouais. Version un peu spé en tout cas au début. Allez. Bon, je vous l'annonçais tout à l'heure en speed, hein, vous n'êtes peut-être pas forcément écouté. En tout cas, c'est bien. Morceau qu'il y a quelques années, mais il est toujours très très bien, ça fait du bien par où ça passe. Black Eyed Peas. Avec Shut Up, chanson évidemment que je dédicacerai à Toff. Mais je n'en entendais pas moins. Voilà, Shut Up, ferme ta gueule, je trouve que... Ça lui va bien. Ça lui va comme un gant. Hein, on le mettra tout à l'heure, le son des Black Eyed Peas, donc restez bien là. Il y a Dédé qui dit, je viens d'aller voir une photo de Mademoiselle Luna et je comprends pourquoi Toff veut la pécho. Ah bah oui, oui, bah tu m'étonnes. Ah non, elle est très charmante. Hein. Ah oui, mais Toff a essayé, il s'est pris une tôle. Ouais, hein. Ah ouais, mais ça, on peut pas tout voir. Hein. Ah, c'est pour ça qu'il a une gueule de... Oui. Voilà. C'est pour ça qu'il est un peu moche, il a pris la tôle dans la gueule. Exactement, complètement. C'est tu vois ça là? Ah bah, il se l'est pris en pleine gueule. Et en plus, et ça aussi. Ah bah ouais. Voilà. Et puis toi, il a voulu essayer de partir en lâchant, mais ça n'a pas marché. Il y a Magda qui dit Mickaël, rentrer le pénis avec un pied de biche, j'ai jamais essayé. Bah écoute, peut-être à essayer, à voir. Veuillez intérioriser votre connerie, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Bien sûr, le prince Nadia. Nathanaël qui dit faut aller demander des conseils à Gilou. Ah bah oui, tiens, on va demander des conseils à Gilou, c'est une bonne idée. Et alors Julie et Marion qui dit vas-y Mickaël, mets-moi un message de bienvenue pour moi s'il te plaît. Message de bienvenue, deux filles qui veulent un message de bienvenue. Je serais tenté de mettre Un sale bien gras, bien gras. Un sale? Ouais bah oui. Un dégueulasse? Ah le pire. D'accord. On va laisser ta mère, hein. Je te fais bander moi. Je vais t'inculer. Je vais te montrer comment tu vas passer. Au grand chapitre. Voilà. Bon bah là vous avez eu un sale, hein, Julie et Marion les filles. Trop d'amour, trop d'amour. J'adore. Killer 09 qui dit la team, je vous kiffe, dédicace à Arnaud, il y a Florian, ben on les embrasse et on embrasse tout le monde. Venez, appelez-nous si vous voulez délirer avec nous. On est en direct sur Fun Radio pendant que tous les autres ont arrêté, vous ont abandonné, tel des merdes. Eh bien nous on est là avec vous sur Fun Radio. On sera là demain également de 20h à minuit. Et on sera là surtout le soir du réveillon. Ce sera donc le 24 décembre. Ouais. Et on sera là avec vous également de 20h à minuit. Après c'est vrai, on sera en vacances, mais on ne vous aura pas abandonné pour Noël. On va fourrer de la dinde. Exactement. Bah je sais pas qui va fourrer de la dinde. Bah nous. On va fourrer. On va fourrer. Ah Sandro, d'accord, ok, la dinde, j'avais pas capté. On va la fourrer plein de foie gras. Oh, génial. Bon allez, 01 42 48 5000 et pour la Belgique 02 851 4x0. Si vous voulez nous appeler, bien sûr, vous êtes les bienvenus comme d'habitude. Et puis on va accueillir. Maintenant, on va faire le match d'impro avec Dalia et avec Maud dans quelques minutes. Et puis on va accueillir maintenant Vanille qui est avec nous. Bonjour Vanille. Bonsoir. C'est mignon. Oh dis donc, c'est jamais eu une fille qui s'appelait Vanille. Oui, bonsoir. Jamais. Bonsoir. Comment ça va Vanille? Ça va bien et vous? Eh Vanille, t'aimes le chocolat? C'est drôle ça. J'adore le chocolat blanc. Eh bien si tu veux, je peux être ton chocolat. Non, ça ira, elle veut un bon chocolat, pas une merde. Tu vois, elle veut du Marcolini, tu vois, de la classe, de la classe. Pas du chocolat périmé là, dégueulasse. De quoi Vanille? Les fèves de Valrhona. Ah non. Non, vous connaissez pas? Ah non, c'est quoi? Non, mais tu vas nous envoyer pour goûter? Bah oui. Bah, je vous enverrai ça, ouais. Avec plaisir, Vanille. Bon, alors, bah, bienvenue à toi, Vanille. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais en fait, je voulais déclarer ma flamme à ma meilleure pote, mais... C'est mignon. Attends. À ta meilleure pote? Ma meilleure pote. Attends. Donc, tu aimes les femmes qui aiment les femmes? Non, c'est... Arrête. C'est quoi? Lui dire c'est ma meilleure amie, quoi. Ah, c'est tout? Oh, je suis déçu. Bah, t'as pas envie de plus? T'as pas envie d'un petit brout minou? À l'ancienne. Un petit léchage de sein. Hein? Non? Ouais. Alors arrête de me faire manger. Ah non, Gilou, écoute, ça n'a rien à voir. Ah non. Je te sucerai le sein et tout, tu verras. Bah oui, non, mais d'accord, ok. Mais enfin bon, je te présente Gilou, Vanille, je sais pas si tu le connais. J'ai entendu parler. Ouais. Ah d'accord, ok. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? Ah, je déteste. Est-ce que tu pourras me faire un baiser à la coque, s'il vous plaît? À la vanille, oui, c'est ça. En plus, j'adore la vanille. Bon, vanille, et donc du coup, tu veux faire... Bah, c'est marrant ça que tu veux faire une déclaration d'amitié. Ouais. C'est bizarre. C'est ouais. Pourquoi? Bah, en fait, je voulais plus, mais j'ose pas, quoi, parce que j'ai peur de... Bah oui, parce que moi, j'avais compris que tu voulais lui dévoiler tes sentiments amoureux. Voilà, donc oui, c'est ce que je te dis, tu aimes les femmes qui aiment les femmes et tu me dis non. Hein, je te demande si tu aimes les femmes qui aiment les femmes et tu me dis non, en fait, oui. Oui, en fait, oui. Ah, tu vois, j'avais raison, donc. Oh, arrête de me faire manger. Ouais. Ah non. Non, mais c'est Gilou qui s'excite un petit peu tout seul. Quand on historise, on va jouer tous les deux la marraille. Elle aime les femmes qui aiment les femmes, Gilou, putain. Oh, tu pourrais pas me toucher un peu de... Non. Elle aime les femmes qui aiment les femmes. Voilà, donc c'est quand même pas compliqué. Ah oui, après tu prends le manche en main et puis tu guises. Hein. On n'a rien compris. Bon, c'est pas grave. Écoute, on va faire 100, hein, pas de problème. Bon, comment s'appelle l'heureux élu, Vanille? Elle s'appelle Malika. Oh, et tu penses à elle toutes les nuits comme ça quand tu... Non? Voilà. Quand tu te passes la main entre les jambes. C'est beau. Mais t'es avec un mec? Enfin, t'as toujours été homo ou pas? Non, j'ai pas toujours été. Ouais. Non, ça fait depuis quand? Parce que si c'est ta meilleure amie, c'est qu'à un moment vous étiez bah, juste pote. Non, mais en fait j'ai eu un long mariage et en fait j'étais dégoûtée parce que bah voilà. Et du coup t'as été voir chez les filles. Voilà. Tu t'es mariée avec Toff? Non, mais. Ah. Bah parce que seul, seul si lui peut. Ça me dérangerait pas. De Toff? Oh c'est bon ça, merci Vanny. Vanny, Vanny combien mesure? T'es sérieux? T'as vu sa tête? Combien mesures-tu Vanny? Je crois qu'elle nous a confondu. Vanny, le mec. Non, non, mais d'accord, merci, mais justement, Vanny, le mec se fait attacher sur des croix dans des caves à se faire enculer par un sextoy. Non, je ne fais pas. Offert pas. Passagedudésir.fr. Voilà. Je ne me fais pas enculer quand même. Et tu veux la voir, Vanny? T'es sérieuse? Bah ouais, je suis sérieuse. Ok, alors. Vanny, combien mesures-tu? Merde, pardon. Nous sommes dans un. Vanny, combien mesures-tu? Le livre de ce soir. Ouais. Comment? Depuis combien tu mesures, Vanny? Toff, la salope. Le livre. Toff, la salope. Ouais. Oui, mais combien tu mesures, Vanny? Toff et 5 points. Combien pèses-tu? 54 kilos. Cause toujours, enculé. Quel est ton tour de poitrine? 90 C. Et la taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Oh oui. Bah oui, mais bon, alors c'est incroyable que tu sois attiré par Toff. Bah, elle est où le problème? Bah, parce qu'elle le connaît pas encore. Ah, ouais, ça oui, ça, ouais. Mais elle va me kiffer, elle ouais, va bah, m'adorer. Ouais, ou pas. Hein. Bon, mais écoute, alors très bien, Vanny, y a pas de problème. Bon, ce qui est bien, c'est que t'appelles quand même à la base pour. Pour draguer ta meuf. Tu veux avoir un pack, Fan Radio ou pas? Vanny, tu mélanges tout, toi. Bientôt, ouais. Tu vas dire, je peux, on va bouffer? Je peux aller chier en même temps ou pas, là? Et ce qui est bon avec Vanny, c'est que je vais pouvoir avoir un plan à 3. Et ça, c'est bon. Ça c'est pas gagné, l'autre il est déjà en train de gérer des trucs, n'importe quoi, il est en train de faire des films. Il est prévoyant, Toff. Ah, moi je suis déjà dedans, là, moi je suis déjà dedans, Vanny. Il a un agenda à tenir, hein. Il faut mériter. Ah ouais, c'est pas gagné encore. Hein, le Toff Tour. Ouais, tu parles, et quel Toff Tour de merde. Ah bah c'est pour les vacances, là. Bon, Vanny, bah tu veux qu'on l'appelle maintenant, direct, alors? Ouais. Bon, tu lui fais direct, tu vas droit au but, hein. D'accord, ok. Bah oui, vas-y, droit au but, hein, Vanny. Bah si tu veux, mais t'appelles toi d'abord ou tu veux que j'appelle moi? Moi je te prête un doigt si tu veux. Toi d'abord. Ah moi d'abord? Ouais. D'accord, ok. Bon Toff, vas-y, démerde-toi. Je vais répondre quoi, après parce tout, que c'est vraiment improvisé. Non, moi j'ai dit que je voulais bien mettre un doigt, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Bon, écoute, alors on l'appelle Malika, c'est parti. Bon allez. voilà, parfait. Bon, tu vas où j'y vais Toff? Non, vas-y, moi je viendrai juste pour le plan 3. Oui, c'est ça. Et on fera le match d'impro juste après aussi. Et là, on sent, ça sent le répondeur. Il est tard. Bah, ça va, il est 11h30. Ah oui. Allô? Allô? À la fin de votre message, si vous souhaitez... Merde, c'est le répondeur, Fanny. Attends, on rappelle encore un coup. Au pire, on réessaye demain. Demain, on essaye début d'émission, il sera 8h, il sera plus tôt. Attends, on réessaye, là, pour être sûr. Ouais, parce que moi je veux mon plan à 3. Oh ta gueule Toff. Oh. Attends. Non, je pense qu'on l'aura dans le cul la Vanny. Ouais. Ça me dérange pas. Merde. Bon, c'est pas grave. Vanny, on essaye demain? Ouais. Mais un peu plus tôt, demain. Je sais, genre vers... Sinon, j'appelle quelqu'un d'autre et puis... non. Comment ça t'appelle quelqu'un d'autre? Ouais, faut faire sa déclaration à quelqu'un d'autre, comme ça c'est... Ah oui, déclaration à n'importe qui, Vanny. Le numéro de Toff. Complètement barré. Hein. Tu veux le numéro de Toff? Non. Ouais. 06. Alors... Je note, hein. 06. Le pire, c'est que je le connais même pas par cœur. 69. Ouais, il aurait bien aimé. Hein. Ouais, mais ça, c'était pas... Malheureusement, il est pris, hein, malheureusement, oui. Bon, Vanny, on te rappelle demain soir. D'accord. D'accord, je te fais des bisous, Vanny. Ouais, gros bisous. Je peux avoir un pack Fun Radio? Oui, tu vas gérer ça avec Sandro Standard. Ok, ça marche. Salut Vanny, ciao. Merci à toi. Allez, bye. On va se faire dans quelques minutes le match d'impro avec Dalia et avec Maud. Salut tout le monde. Salut Maud, salut Dalia. Bonsoir. Comment ça va les filles? Bien, ça va. Bon, très bien. Vous êtes toutes les deux de 3? Oui, c'est ça. Mais vous êtes pas... Vous connaissez ou pas? Oui. Ah bah non, Dalia et Maud, là, il faut prendre des inconnus, là. Il faut pas que vous connaissiez l'un l'autre, l'une l'autre en l'occurrence. Bah sinon, c'est trop facile. Vous êtes dans la même pièce, Paris, en plus. Non, elle s'est mise de l'autre côté. Oui, du côté de la pièce, ouais. Bon. Alors, Dalia ou Maud, laquelle laisse tomber pour laisser sa place à quelqu'un d'autre? Moi, je laisse tomber Maud. Bon, d'accord, ok. Maud, t'as dit que tu laissais tomber, oui. Et pourtant, j'ai une petite lumière de Dalia qui sont allumées. Elle a dit Dalia, je laisse tomber pour Maud. Ah, Dalia, tu laisses tomber pour Maud. Maud, elle laisse tomber. Ah donc c'est Dalia qui dit Maud laisse tomber. D'accord, ah, ok, très bien. Ça devient compliqué. Bon alors, le temps qu'on appelle, bon, si vous êtes un mec, vous voulez jouer ou même une autre fille éventuellement, 01 42 48 5000. On va jouer ensemble dans quelques minutes avec Dalia justement. Ne bougez pas de là. On a également Mickaël et Yann là qui voulaient parler des anecdotes et de ce qui peut vous dégoûter avant de faire l'amour justement. On en parle dans quelques minutes sur Fun Radio, restez là. Je vous l'ai promis, on se le met tout de suite, le son des Black Eyed Peas avec Shut Up. Et dans 30 minutes, je vous offre votre Samsung Galaxy Tab 3, c'est la tablette que je vous livre demain. Voilà, c'est-à-dire que si vous la gagnez, demain je vous l'envoie et vous l'aurez bah, soit mardi, soit jeudi ou vendredi, ça dépendra de la poste évidemment, mais quoi qu'il en soit, avant la fin de l'année, avant le 31 décembre. Le son des Black Eyed Peas avec Shut Up sur Fun Radio. Allez, on écoutera aussi tout à l'heure le son de qu'est-ce qu'on va se mettre bah j'avais prévu, j'ai oublié. Hardwell, voilà, avec Dare You. Oh, ça va bien se passer. Voilà, le son de Hardwell avec Dare You. Je vous le cale tout à l'heure avant de partir, avant minuit sur Fun Radio. Et puis si vous voulez choisir des titres pour demain par exemple, on sera de retour à partir de 20h demain, ne loupez pas le rencard, et bien vous balancez vos messages, hashtag et Mickaël sur le Twitter de l'émission, je viens d'en accepter plein d'ailleurs, hein. Je viens d'en suivre plein plus tôt, donc si vous voulez venir me rejoindre sur le Twitter de l'émission, et bien vous mettez M-I-K-L underscore, c'est le petit tiré en bas, M-I-K-L underscore officiel sur le Twitter, et puis bah voilà, pas plus compliqué que ça, hein. Vous me rejoignez, vous me suivez sur Twitter et je vous suivrai également avec plaisir, M-I-K-L officiel. Pour m'ajouter, je vous attends. Il y a Oya qui dit une petite dédicace. Eh bah, salut Oya. Megumi qui dit si Vanny veut essayer une fille, je suis là. Bah oui, on entend bien Megumi. Et Laurine qui dit salut, bon, je n'arrive que maintenant, pas le choix, désolé. Ah bah bravo Laurine. Ah bah oui, bah alors là. Ah bah, attends, eh oh. À la fin de l'émission, Laurine, t'as tout raté là. Il y a Mélie qui dit un SMS de bienvenue pour ma mère. C'est son anniversaire demain. Alors c'est pas un SMS de bienvenue, Amélie. C'est un message de bienvenue. Message de bienvenue comme celui-là. Cause toujours enculé. Voilà, tu vois, au bon accueil, bonjour, comme d'habitude. Bon, on va se faire le jeu, le match d'impro maintenant avec Dalia, avec Eric. Vous êtes là tous les deux ? Ouais, je suis là. Très bien. Bon, Dalia est toujours là ? Ça va faire croire qu'on est en train de braquer une banque. Dalia ? Non, c'était un exemple que je te donnais, ouais, Dalia. Oui. Dalia, tu es là ? Oui, je suis là. Très bien. Et Eric ? Ouais, je suis là. Oh putain, vous avez une voix qui se ressemble. Manquez plus que ça, tu es maintenant. Bon, ouais. Eric, tu peux pas t'acheter une voix avec des couilles ? T'inquiète pas, des coups j'en ai, mais une voix, c'est vrai que j'ai un petit ouais. Un petit problème, voilà. Ah ouais. Ouais. C'est marrant ça. Et Dalia ? Oui. Eric ? Ouais. Ah oui, ça se ressemble un peu. Ouais. Hein. Ah, ça se ressemble un peu. Bon, alors le principe du match d'impro, c'est facile, hein, c'est un match d'impro, c'est de l'improvisation. On va vous donner un thème et il va falloir pendant 2 à 3 minutes improviser sur ce thème. À vous d'être bon. Les auditeurs vont essayer de vous séparer en termes de voix, évidemment. Hein, c'est eux qui voteront, hein, pour savoir si c'est Dalia ou si c'est Eric qui doit gagner. Le meilleur des deux repartira donc avec le cadeau. Et le principe est simple. On va vous donner un thème et au milieu, on viendra foutre un peu le bordel. Hein. Hein. D'accord. Ouais, avec plaisir. Voilà. J'attendais que Toff réponde, mais je pense fou là. Pourquoi c'est moi qui devais répondre ? Bah parce que j'ai dit on viendra foutre un peu le bordel. Donc ouais. Nous. D'accord, ah, pardon, je pensais que tu leur parlais à eux. Voilà. Bah non, j'ai dit on viendra foutre le bordel. Voilà, ça se fait attacher sur des croix et ça perd ouais, ça perd ça, ça se fait enculer avec voilà. Voilà. Avec délire des croix là. Passage. Avec passage. Non, moi je me fais pas enculer, donc c'est pour ça que je... Oh cinéma, quel cinéma, n'importe quoi. Je vois pas de quoi vous parlez. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, allez, Dalia, Eric, le thème, c'est Noël. D'accord ? D'accord. Le thème, c'est Noël, et il faut jouer... en gros, on a enlevé le Père Noël. D'accord. D'accord. Donc à vous de jouer l'enlèvement du Père Noël. Soit vous jouez les mecs qui enlèvent le Père Noël, soit vous jouez ceux qui étaient avec le Père Noël et qui sont choqués, soit vous jouez ce que vous voulez, à vous de partir dans le délire. D'accord ? J'ai mes petites clochettes. D'accord, ok. Tout est là pour Noël. Le Père Noël est là. Oh. Et j'ai la petite musique. Oh, c'est mignon. Voilà, on mettra ça toute la soirée de mardi. Ah, oh, c'est génial. On va se marrer, hein. Toff se fait enculer sur une croix adorée. Oh, arrête. Stop. C'est pas Esprit Noël pour l'eau. Cause toujours enculé. Voilà. Bon, on va y aller. Je vais faire passer pour le Père Fouettard. Père Fouettard, c'est Saint-Nicolas, hein, pas Père Noël. Ah bah ça, ouais, bon, c'est ah bah oui, ouais. C'est con. Hein. Ouais, c'est, con. Ouais, c'est pas grave, s'est trompé de date. Oui, c'est ça, il s'est trompé de date, ouais. Bon, c'est soyez okay, bon, ouais. Vous avez compris le principe ? Ouais, oui, oui. Parfait. Bon, on y va, attention, c'est parti maintenant, le thème c'est Noël. Est-ce qu'on met une un petit truc compliqué ou pas en plus ? Enfin, enlèvement du Père Noël plutôt. Un truc compliqué. Bon, c'est déjà pas mal, hein, je pense, l'enlèvement du Père Noël. Hein. C'est vrai. Voilà, très bien. Bon, très bien. Et vous aurez évidemment droit à Toff avec qu'ils ont enlevé les deux, hein, bien entendu. Il y a deux Père Noël. À un moment ou à un autre. Bah, les deux reines. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça, les reines du Père Noël. Allez, c'est parti. Attention, écoutez bien derrière votre radio. Hashtag Emickel. Sur SMS également, en envoyant Emickel, suivi du prénom pour lequel vous votez. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Allez, 3, 2, 1, go! Et toi là, espèce d'enfoiré de Père Noël, viens ici, toi. Non mais le Père Noël, reviens ici, on a besoin de tous tes cadeaux là, reviens ici tout de suite. Oh, ils sont pas bons. je vais le tuer ce Père Noël s'il nous donne pas tout. D'accord. D'accord, tiens-le, attache-le, vas-y. Vas-y, prends les rênes, attache-les les rênes aussi avec. Allez, tout. Ça y est, je les prends et tout, y a pas de problème. Vas-y, prends tous les cadeaux. On t'offre, tu rentres. Dépêche-toi. Tu fais la porte. Et il est en train de se détacher, attache-le vite. Mais t'inquiète, je vais attacher une chaîne. Attends, je vais l'assommer, comme ça il va se traiter. Vas-y, Dalia, c'est bon, il bouge plus. Attends, ma porte. Non, mais vas-y, là. Moi, j'aimerais bien avoir plus de cadeaux, là. Pour le rattraper plus loin. Attraper tous les lutins, ils nous fabriquent d'autres cadeaux, là, vite. Attends, j'ai cherché la massue. Attache-le sur la croix. Mais qu'est-ce que vous faites? Attache-le sur la croix, oui. Vas-y, c'est bon. Mais qui les croix en plus? Regarde, le scotch, il tient bien. C'est du scotch, c'est du scotch. C'est mieux, prends une corde. C'est ça le problème de prendre une corde. Vite, demande à toi, tu vas nous aider. J'ai une chaîne, t'inquiète, je l'attache avec la chaîne. Ah oui, avec une chaîne, c'est encore mieux, vas-y. Ça y est, je l'ai attaché. Vas-y. Tu peux me mettre une sirène de police? Bien sûr. Fouette-le. Attends, j'ai attaqué. Vas-y. C'est la police. Vous êtes cerné, c'est la police. Dépêche-toi, il faut sauver. Ça a plus entendu. Regarde. Je suis au taquet là. Je suis vraiment au taquet là. Attends, je prends à gauche. Ça y est. Je prends à gauche. Moi j'ai pas fini, dépêche-toi, je suis bien là, vas-y vite. T'inquiète, vas-y, c'est bon. Dépêche-toi vite, on va se faire attraper, dépêche-toi. Allô, bonjour, c'est la police. Non mais vite, Qui est le coupable? Qui a enlevé le Père Noël? C'est pas moi. Moi j'ai rien fait. Attendez, vous vous foutez de ma gueule, il y a bien un des deux qui a enlevé le Père Noël. Non, c'est pas nous. Ah non, moi je suis sûr que c'est pas moi. Après, faut voir avec lui, hein. Si, attendez. Non, faut voir avec lui. Moi, j'ai rien fait, le Père Noël, je l'ai pas touché. Il y a bien un de vous deux qui a enlevé le Père Noël. Non, nous on l'aura jamais fait. Ah, peut-être, mais c'est pas moi en tout cas. C'est lui, c'est sûr. Non, c'est lui. Non, en tout cas, j'ai rien fait, je vais demander à lui maintenant. Bon, qui a enlevé le Père Noël? Non, c'est pas moi. Non, moi, c'est pas moi, on sait rien, monsieur. C'est terminé. Alors, à vous de jouer. Maintenant, hashtag et Mickaël, hein, vous me dites lequel des deux doit gagner, hein, lequel des deux était le meilleur en improvisation, Dalia ou Eric. Il y a Serge qui dit « Mais qu'ils sont mauvais ». Kalash qui dit « Mort de rire, quelle improvisation ». Il y a Renaud qui dit « Oh, qu'ils sont mauvais ». Dédé qui dit « Il sort de quelle école de théâtre, les deux auditeurs, car ils sont très mauvais ». Élise qui dit « Oh, putain, ils sont tellement mauvais que c'en est drôle ». Et alors Alexou qui dit « Putain, qu'ils sont pas bons ». Je pleure de rire, c'est Istoki. Julien qui dit « Il n'y a pas beaucoup de level, là, quand même ». Et alors Jer aussi qui dit « Toujours au top, Mickaël ». Merci, Jer. Bon, alors du coup, vous avez le temps de la pub. Hein. Lequel des deux doit gagner, Dalia ou Eric? On en parle dans quelques minutes. Restez là, Dalia ou Eric. Vous envoyez le hashtag Emickel sur le Twitter et puis vous nous dites. Ou alors par SMS, hein, vous envoyez Emickel suivi de Dalia ou de Eric. Vous mettez donc celui qui doit gagner à votre avis. Vous envoyez ça par SMS au 64 900 ou alors au 3044 depuis la Belgique. On va prendre Yann dans quelques minutes par rapport à une anecdote. Et puis on va s'écouter comme promis. De Hardwell. Ce sera Dear You dans quelques minutes sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Nos limites. Mickaël. Mickaël, nos limites. Nos limites. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, c'est la dernière ligne droite, c'est Mademoiselle Luna qui va débarquer dans quelques minutes pour mixer en live. Mademoiselle Luna de Fun Radio Belgique qui sera là de minuit à 1h du mat. Et puis on va également se faire dans quelques minutes, on accueillera Jean-Pierre Sauzet, on aura également les résultats du match d'impro avec Dalia et Eric. Et puis on aura Yann qui voulait nous parler d'une anecdote. Voilà, on fait ça dans quelques minutes, pépère tranquille. Il y a un message de Jérémy qui dit ils sont trop mauvais, je rigolais dans ma chambre tout seul. Mes parents sont venus, ils ont cru que j'étais fou. Oui, ils ont peut-être tu es fou aussi, hein. Once Upon a Time qui dit ah qu'ils sont mauvais, Stéphanie qui dit oh qu'ils sont mauvais, et enfin Renaud qui dit nul n'est même pas le mot approprié, ils sont merdiques. Ah oui, quand même, hein, cette violence gratuite quand même, là c'est pas mal. Bon ben continuez, vous balancez vos messages comme d'habitude. Maintenant si vous voulez balancer vos messages, vous pouvez le faire directement par SMS, hein, notamment vous envoyez votre message, vous envoyez Mickaël suivi du message, vous envoyez ça au 64 900. Voilà, c'est par SMS que ça se passe. Et sur le Facebook également, la Samsung Galaxy Tab 3 a gagné. Facebook facebook.com/mickaël officiel. On écoute Hardwell. Hardwell sur Fun Radio avec Dario et c'est Fun Radio. On est ensemble jusqu'à minuit. Je vous rappelle que demain on sera là également de 20h à minuit, ainsi que mardi soir, le soir du réveillon, puisque c'est une soirée familiale. On a donc décidé de la passer en famille, c'est-à-dire avec vous, de 20h, dès 20h plutôt. On sera là pour une soirée spéciale Noël. Il y a Megumi qui dit aussi moi Mickaël, j'ai déjà eu mon message de bienvenue, mais je peux avoir un message d'amour. Bah là j'en ai pas, on a que des messages d'insultes, donc ça va être compliqué le message d'amour là pour le coup. Mais je veux bien essayer à l'occasion, hein, si on en trouve, il n'y a pas mais de problème. Un vulgaire bien sale, c'est comme de l'amour. Mais ouais. Oui, c'est de l'amour à notre façon. Ouais, à notre façon, ouais. C'est une manière de voir les choses, en effet. Bon, alors attends, j'y suis là. Fais pas chier parce que ça va être vite fait, je vais te mettre sur écoute et tu vas voir quand j'aurai ton numéro. Je suis prêt à venir te casser ta gueule, toi. Espèce de pourri de bâtard. Pourculé de bâtard. C'est de l'amour, parce que c'est de l'amour. Ah ouais, ça c'est de l'amour, ah, effectivement. Bah, vu comme ça, ouais. De bâtard. Bah, vous le savez, toute la semaine, on appelle des gens pour, pas pour les faire chier, au contraire, c'est pour leur rendre service, pour leur donner des informations qu'ils ne connaissent peut-être pas. Et on avait appelé pour la journée de l'orgasme. Alors, c'est vrai que c'était samedi la journée de l'orgasme, donc on avait appelé jeudi soir. Pour les prévenir, c'était important la journée de l'orgasme. Pas à côté. Voilà, et du coup, bah, on avait appelé pour cette petite journée. Bah, faut fort sympathique. Allô? Oui. Oui, bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voilà, en fait, je vous appelle parce que le 21 décembre, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui. Et donc, du coup, je voulais être sûr que vous alliez faire l'amour à votre femme. Mmh. Vous ennuyez beaucoup le soir chez vous? Non, pourquoi monsieur? Alors déclinez votre identité. Je m'appelle Toff, monsieur. Mmh. Et voilà, donc je voulais juste être sûr que vous alliez faire l'amour à votre femme pour le 21 décembre. Ah, et là il avait raccroché. Et donc du coup, eh ben on avait la J'étais suite. Obligé de le rappeler. Ah, on avait été obligé de le rappeler et vous allez voir, c'est mémorable. Vous allez voir comment Toff se fait retourner la tête. Alors écoutez. Oui, monsieur, c'est pas très gentil de raccrocher comme ça. Oui, écoutez, si vous étiez un peu plus courageux, il n'y aurait pas appel privé, on aurait votre numéro, qu'on puisse vous rappeler. Bah, si vous voulez, alors, je vous donne mon numéro, monsieur. De trouver un autre numéro, s'il vous plaît. Mais je vous donne mon numéro, moi, monsieur, si c'est que ça le problème pour pas répondre. Hein ? Mon numéro, c'est le 01. Pourquoi vous me faites chier? Bah, parce que en fait, je veux être sûr que vous fassiez l'amour le 21, comme c'est la journée mondiale de l'orgasme. Et qu'est-ce que ça vous importe que ça soit le cas ou pas? Bah, parce que ça se respecte une journée mondiale, monsieur. Oui. Et donc voilà, donc c'était pour être sûr que vous soyez au courant et que vous respectiez. Oui, d'accord. Voilà. Donc vous allez faire l'amour, promis? Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie? Je comprends pas ce que vous dites, monsieur. L'intériorisation de la connerie. D'accord. Là, vous faites le kéké des plages, là, c'est bien gentil. Mais déjà, vous faites un appel anonyme, hein, ce qui prouve une petite acte de lâcheté. Vous devez être en haut-parleur avec je ne sais quelle connerie. Vous intériorisez votre connerie, vous changez de numéro de téléphone et vous allez faire le kéké ailleurs. D'accord. Mais vous me promettez de faire l'amour, alors, monsieur? Et vous, est-ce que vous me promettez d'arrêter vos conneries? Si vous me promettez de faire l'amour le 21, j'arrête les conneries, monsieur. Je vous n'avais pas d'ordre à me donner à qui que ce soit. Mais je vous ai pas donné d'ordre, monsieur, c'est vous qui m'avez proposé, alors je vous fais un deal. Si vous voulez, quand on veut jouer quelqu'un d'intelligent, il faut s'assurer que la personne destinataire le soit un petit peu moins. Oui. D'accord ? Je comprends. Oui, parce que là, vous jouez le gars qui assure un maximum. Vous êtes à niveau bac plus combien pour faire ce métier ? Allez-y, assurez. Bien sûr, mais en fait, mais c'est moi qui vous pose la question, donc en fait, vous répondez par où. Est-ce que vous gagnez de l'argent pour faire ça? Ah bah oui, heureusement, pas beaucoup, mais bon. Combien? Oh, pff, c'est minable. Vous voyez, t'as peut-être mieux à faire. Reprenez des études. Bah oui, j'aimerais bien, mais vous savez. Vous aurez des filles plus sympas dans votre histoire. Ah oui, vous pensez? Oui. Ah, c'est pas bah, je vais y prendre. N'oubliez pas, le 21, oui, c'est le soir de l'orgasme. Bah oui, je sais bien. Alors, essayez d'assurer un peu plus cette année. D'accord, bah je vais faire un effort, monsieur. Bonne soirée. Merci, monsieur. Ah, c'est le best. Voilà. C'est ce qui s'appelle se fait. Tout en politesse. Ah ouais, il est énorme. Ouais, non, il a tout en politesse. Et on aurait peut-être dû le mettre à 20h30, celui-là. Ouais. Mais tout en politesse. Ah ouais, franchement, c'est le meilleur. Ça se fait retourner le cerveau. Il est comme un con. Et voilà, et après, il termine en disant merci, monsieur. Merci, merci de m'avoir appelé pour dire que c'est le 21 décembre, je ne savais pas. Voilà, et donc ce qui c'est est quand bon, même c'est très fort. Et c'est à la fin qu'on lui dit oui, n'oubliez pas que le 21 décembre, c'est la fête de l'orgueil. Donc soyez meilleurs, soyez meilleurs. Bon, il y a Yann avec nous, là, de Clermont-Ferrand. Salut Yann. Salut. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, bienvenue à toi, donc, Yann. Tu voulais nous parler d'une anecdote, toi, Yann? Ouais, voilà. Alors, j'ai entendu tout à l'heure un mec qui disait que sa meuf l'avait trompé avec son frère. Ouais, tout à fait. Alors, moi, c'est encore pire que ça. Ah, bah alors, vas-y, explique. Alors, moi, j'ai des superbes jumelles, Alison et Jennifer. Ma femme s'est barrée au bout de 16 ans de vie commune. Ouais. Et pendant ce temps, elle m'avait trompé avec mon frère. Oh, c'est bon, ça. Ah, écoute, je t'assure, c'est véridique. Et mon frère, avec qui elle m'a trompé, il s'est fait baiser par mon autre frère qui a fait, qui a pris sa femme et lui a fait un enfant. Affolant. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Ah, je t'assure, c'est la famille Lebreu à Pertuis. Putain, c'est un truc de fou. De fou, mon gars. Ouais, et depuis aujourd'hui, toi, tu parles plus à ton frère, l'autre frère ne parle plus à l'autre. Voilà, je parle à personne, mais j'ai perdu ma femme et mes jumelles, Alison et Jennifer. Oh, putain. C'est un truc. Et là, je suis revenu à Clermont parce que ma femme, ça fait un an qu'elle m'a quitté. Ouais. Saison de vie commune. D'accord. Et voilà quoi, je me suis rapproché de mes jumelles qui habitaient à la Sauveté à côté de Clermont quoi. D'accord, ok. Et donc, quand j'ai entendu le mec tout à l'heure, ça m'a fait un peu rire, ça m'a fait réagir. Bah tu m'étonnes. Il y a des trucs de fou quoi qui se passent. C'est clair. Bah écoute, merci en tout cas, mais ça va mieux là aujourd'hui quand par même. Par contre, je voudrais une petite dédicace. Bah vas-y, profite alors. Un petit t-shirt de vous, je vous entends tous les matins quand je vais au boulot, tous les soirs. Un petit t-shirt au nom d'Alison Jennifer. Et puis je voudrais faire une petite dédicace à Jessica Cojon, à David Chantelot. Je leur souhaite un joyeux Noël. Eh ben très bien, joyeux Noël à toi aussi. Tu vas gérer ça avec Sandro, on va s'arranger pour le t-shirt. Je te remercie. Ça roule, je t'en prie. Salut à toi, merci Yann, hein, à bientôt. Salut les gars, et continuez comme ça, vous êtes bons. Merci beaucoup Yann, c'est gentil, merci à toi. Bon, alors retour avec Dalia et Eric là, du match d'impro. Alors on en est où, Toff, là? Eh ben, nous avons reçu des milliers de messages pour dire que c'était de la merde. Ouais. Et messages. C'est pas évident de kidnapper à Perle en plus de ça, il fait froid la peau. Oui, enfin bon, en Laponie. Donc nous avons eu des milliers de messages, donc on testait de la merde. 4 messages qui ont voté pour Dalia et 0 message qui ont voté pour Eric. Ah ouais, putain, quand même, c'est violent ça quand même. Hein. Bah, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Bah, il faut se dire ça, hein, il faut se dire ça. Bon, bah, bravo Dalia. Hein. Parce que entre mauvais et très mauvais, finalement, t'es quand même au-dessus, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Bravo Dalia. Merci. Tu retournes chez Sandro Standard à prendre tes coordonnées. Salut Dalia, à bientôt, gros bisous. Allez, vas-y, profites-en. Je fais une dédicace aux biquettes et à... Une seule personne, Dalia. Bah, les biquettes. Eh ben voilà, le message est passé, alors pas de problème. C'est les mêmes règles pour tout le monde. Salut Dalia, gros bisous. Salut. Salut Eric. Et sois meilleur la prochaine fois. Bah, je vais essayer. Bah, je vais faire le je t'emmerde. Ouais, c'est plus facile. Ah bah, c'est mercredi, mais mercredi, on sera pas là, donc ce sera quand on revient. Ouais, d'accord. Bah, de manière, t'as mes coordonnées. Bah, tu gères ça avec Sandro, pas de problème. Ça roule. Ok. Ça marche. Salut Eric, à bientôt. Hein. Allez, à bientôt. Allez, ciao à toi. Et pour terminer maintenant, nous avons Jean-Pierre Sauzet. On va également de tirer au sort le gagnant pour la Samsung Galaxy Tab 3. Je vous laisse encore 2-3 minutes là si vous voulez tenter votre chance. Rendez-vous sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Tirage au sort dans quelques minutes parmi ceux qui auront fait un like et un partage sur la photo où je suis avec le Samsung Galaxy Tab 3. Et tu sais qu'on reconnaît Jean-Pierre Sauzet, c'est le sifflement. Il n'y a pas de fake. Et là, tu sais que c'est lui. C'est le vrai. Ouais. Là. Salut JP. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, c'était comment la soirée là merde, c'était où El Paso de Compiègne. Ah, Compiègne. J'ai pas pu y aller parce que de toute façon, Vincent, il n'avait pas personne pour me ramener, voilà. Ah merde. Et j'aurais pu y aller parce que Evan, il aurait pu me ramener. Ah bah oui. Et du coup, tu t'es pas renseigné avant pour voir si... Si Evan, s'il pouvait te ramener? Non, mais Evan, il va les gérer avec moi après, il va me trouver des concerts, il m'a dit, voilà. Ah d'accord, ok, bah, très bien. Bah, c'est et pas... je suis surtout... toutes les plateformes de téléchargement dès le 1er février 2014. Ah bon ? Et sur iTunes. Sur iTunes aussi ? Sur iTunes. Voilà. Mais c'est le porno. Qui a géré ça ? Parce que moi j'étais sur le dossier là. Je suis sur Zimbala. Sur quoi ? Zimbala. Zimbala ? Oh, tu dois connaître, non ? Ah non. C'est quoi ? C'est quoi Zimbala ? Bon, je sais pas, c'est une sorte de plateforme. Ah d'accord, voilà. Mais sur iTunes, comment ça se... J'entends encore ricaner derrière, j'aime pas ça. Mais non, mais non, mais c'est Polo, c'est un connard. Ouais. Mais sur iTunes, comment ça se fait alors du coup? Parce que tu m'avais demandé de gérer, donc moi j'étais en gestion, bah ouais, là. Bah non, mais j'ai vu que mon compositeur, parce qu'il y en avait marre d'attendre, et voilà. Ah bah ouais, mais bon, parce que j'allais te proposer un plan, là, du coup, là, moi j'avais vu avec Steve Jobs pour iTunes, et puis il fallait qu'on partage, c'était juste ça le problème, en fait. Bah oui, mais c'est pas grave, laisse tomber ça. Ah bon? Parce que sinon j'avais un bon deal, c'était 60% pour moi, 40% pour toi. Ouais, tu peux pas m'offrir un Galaxy... Ouais. 3. Un quoi? Un Galaxy 3, là, un téléphone. Ah mais c'est pas un téléphone, c'est une tablette. Ah d'accord, tu peux pas m'en offrir une si... Ah bah non, parce que j'ai pas de téléphone, là. Ah d'accord. Bah ouais, non, là, je peux pas, hein. Mais bon, alors, sur iTunes, donc le 1er février 2014. Ouais, voilà. Bon bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et moi, j'aimerais que tu passes mes chansons entièrement dans le respect... Sans, mais je les passe. Se moquer de moi avec son drôle et toute ta bande, parce que sinon je passerai plus à ta radio, tu vois. Non mais attends, Jean-Pierre, on se moque pas, qu'est-ce que tu racontes? On en passe quasiment tous les soirs. Ça a quand même parti à la déconnade et je n'ai pas aimé. Hein. Qui ça? Ça a quand même parti à la déconnade et je n'ai pas aimé. Voilà. Mais c'est pour, non mais c'est parce que c'est fan radio, là. C'est une radio, on rigole. Mais on est dans la déconne, nous. Un artiste, ça se respecte, tu vois. Mais on te respecte avec le sifflement et tout. Non mais Jean-Pierre... Il y a Vince aussi qui n'arrête pas d'aller pleurer à Max, je sais plus quoi, bon, enfin bref. Ah mais ça c'est votre salade à faire, les gars. Ouais, voilà, c'est ça, parce que nous on passe les chansons, là. Non, vous passez. Je suis un écho de moi. Je suis un Wacky Wallman. Tu vois, tout ça, nous on passe, hein. Ouais, bien sûr, on faire mes chansons. Ouais. Mais oui, par contre, Zimbala, je trouve pas, ça s'écrit comment, Jean-Pierre? Ça s'écrit exactement Z-I-M-B-A-L-A-M. Zimbalam. Ouais, voilà, Zimbalam. C'est africain, c'est ça? C'est une plateforme africaine. C'est quoi Zimbalam? J'ai jamais entendu parler, moi. C'est un safari, c'est quoi? Mais c'est pour acheter des chansons. Vous avez trouvé, hein, sur Google. Bah attends, on est dessus, là, c'est pour acheter des chansons. Je me suis inscrit, voilà, j'ai financé et j'attends de voir ce que ça va donner, voilà. Ah ouais, d'accord, ok, sinon il y a ça aussi, hein. Super disco, super son, papam. Tempo d'acier et volume à fond. La sono fera vibrer tous les sports vont clignoter. Voilà, ça c'est super disco et puis on vous a fait découvrir aussi, hein, Jean-Pierre in Wonderland. Tu pourrais me passer, je cherche un producteur en version entièrement. Où est-ce qu'il est? Je cherche un producteur. Ah oui, il est là. Tu peux ouais, la ouais. passer, mais entièrement, tu vois. Bah entièrement, mais alors pas ce soir alors, hein, parce que là il est déjà minuit 4 et on est pris par le temps là. Ouais, mais bon, c'est pas. Non, parce que là on termine à minuit, normalement c'est on est déjà en retard. Près, hein. Bah si, justement. mais demain. Que parler moins, mais demain. Avec les éditeurs avant et faire le con, tu vois. Bah non, mais attends, mais il faut que, je parle avec les éditeurs. Ils sont là comme c'est quand même eux qui font l'émission aussi, hein. Ouais, bien sûr, mais bon, moi, trouve un moyen de me programmer, tu vois. Bon, et si jamais je te passe, est-ce que je peux prendre un pourcentage sur ce que tu vends sur iTunes? Non, t'as pas de pourcentage à prendre, mes chansons sont déclarées. Bah justement, à ce moment-là, tu me les déclares et on fait comme si c'était moi qui les avais écrites. Non. Non mais parce que mais attends, mais c'est un échange de bons procédés. Moi je te passe tes chansons et puis je prends un pourcentage. Il y a rien à prendre, c'est à moi. Toi tu veux les diffuser, tu les diffuses. Tu veux pas les diffuser, ben je. Non mais d'accord, mais c'est un échange de bons procédés là. C'est on fait de la pub. Non, mais je suis pas d'accord. Moi, mes chansons sur moi sont déclarées à la SACEM. Mais justement, alors tu mets 10%, allez 20%. Tu mets 20% pour toi, 80% pour moi et quand on les passe, hop. Ouais, c'est ça. Non. On y gagne tous les deux. Pour toi, moi. Non mais comme ça on y gagne tous les deux. C'est mon poing dans la gueule que je vais te mettre. C'est pour raison comme ça, t'es un escroc là. Mais je suis pas un escroc. Mettre, non mais Jean-Pierre. Hein. Mais Jean-Pierre. Non, moi je veux me faire connaître. Après si vous voulez jouer les cons, moi je passe. Mais on joue pas les cons, Jean-Pierre. Mais c'est Sandro, il rigole toujours comme une dinde. Ouais. Mais c'est juste. Il est fou, ta tête sous l'eau là. Dans la bah ouais. On va lui mettre dans le cul, on va lui mettre sa tête dans son propre cul. Jean-Pierre, c'est parce que tu prends ça comme un escroc, mais il faut pas prendre ça comme ça. Non mais écoute, moi je te demande de me passer, de me programmer, si tu veux pas, tu n'entendras plus parler de moi, puis voilà. Mais non, mais Jean-Pierre. Mais non, mais Jean-Pierre, faut pas le prendre comme ça. C'est un peu comme si t'achètes de la pub, tu payes pour de la pub, ah bah là c'est pareil. Au pire, on s'en fout si tu vas sur les autres radios, on t'a pas interdit. Mais non, après tu peux, on est libre. Y a pas de problème. Les radios plus correctes que ça aussi, parce que bon, si vous jouez les cons avec moi, mais on joue pas les cons, Jean-Pierre. Mais je mets pas derrière, fais gaffe, parce que tu vas être viré, parce que tu continues à me parler. Mais non, mais je vais pas être viré, Jean-Pierre. Evan, il est prêt, toi. Il va faire quoi? Il est prêt à faire quoi? c'est du grand patron, il m'a dit. Ah bah oui, oh là là. Bah oui, non mais d'accord, mais... Il faut me respecter, de toute façon, tu vois, Ivan, il va m'aider, mais il va pas me faire passer à la radio en Belgique. Il m'a dit, il veut pas de moi que je passe à la radio en Belgique. Ah, il veut pas. Ah, mais il a raison. Peut-être dans son émission à lui. Mais en même temps, tu sais que là, là tu passes en Belgique, sur Fun Radio Belgique aussi. Ouais, je sais que c'est rediffusé en Belgique. Ah, tu vois, et tu... Mais je passe le bonjour à Ivan, mais bon, après c'est à voir, parce que je connais pas. Ah, tu le connais pas. Bon. J'ai eu le téléphone, il est très sympathique, voilà. Ah oui, mais il est sympathique, bah, évidemment. C'est un gamin, il a quand même 44 ans. Tu vois. Ah ben oui, c'est plus un enfant, hein, ça c'est sûr. Hein. Moi, oui. Vous, bon, alors Jean-Pierre, on te reprend demain, bien, je mettrai la chanson en entier. Voilà, si tu me fais plaisir, ok, on t'appellera. Si tu te moques, tu t'appelleras. Mais non, Jean-Pierre, on n'est pas moqueur. Non, oh là mais là. En tout cas, je vais venir parler avec toi la fin de la Oui, bah on fait, mais écoute, essaie de venir le 31 décembre. Je sais pas, faut que je voie avec Vincent, puis je voudrais Marc aussi qui vienne, qu'on s'explique un peu là. Oui, oui, bah on fera un débat. Faire un débat avec lui, voilà. Fume-le, Max. Voilà, on fera un débat qui n'a ni queue ni tête. Très bien. Ouais, voilà, non, mais ouais. Je te dis ce que j'ai à dire. Parce que mais écoute, très bien. Je passerai plus, moi. Je mais il le faut. Bon. Il faut. Il n'y a pas de problème. Bon, Jean-Pierre. Avant, j'en ai pas, à ton avis, non ? Jean-Pierre, on te reprend demain. Bah, à quelle heure ? Pas trop tard. Prends-moi plus de bonheur. Non, mais on va prendre de bonheur. Il n'y a pas de problème. À quelle heure tu commences demain ? Demain, on commence à 17h. 17h ? Ouais. Ok. Voilà. Mais prends-moi sur le coup de 20h30. Ouais bah 20h30 ouais. Très bien. Ça marche. On fait comme ça Jean-Pierre. Allez à demain. Bon, c'est tout le monde se respecte, ça ira. Voilà. Ah bon, mais dans le respect, la joie et la bonne humeur. Je sais que ta radio c'est du deuxième degré, mais il faut pas prendre ça non plus avec moi le deuxième degré, parce que moi, c'est bah voilà. Moi comme son chanteur qui passe sur ta radio. Mais oui, j'ai mais pas bien sûr. De me laisser faire, tu vois. Mais t'as raison, voilà. Faut pas se laisser faire, c'est évident. Toi, Marc, j'ai pas peur. Voilà. Je crois évident. Je crois qu'on avait dit le respect et la sodomie, hein, mais après. Non, taf. Bon, salut Jean-Pierre, à demain. Ouais, voilà. Salut. Allez, à demain, Jean-Pierre. Bon, sinon demain. Oh putain, il y a plus de sifflement. Ouais, c'est bon. Qu'il est parti. Bah ouais. Bon, on va appeler le gagnant, les gagnantes. Maintenant, on fera le top tutos aussi. Là, top tutos, t'es prêt ou pas ? Je suis prêt. Bon, numéro 3, c'est le numéro 3 qui gagne. Numéro 5, on y va, c'est parti. Attends, parce que j'ai fait une petite faute. Ah, voilà, c'est bon. Ah, voilà. Voilà. Alors, attention, numéro 5. Numéro 5, c'est Julien Grégoire. Julien Grégoire. Numéro 4. Le prince Nadia, pardon. Très bien. Numéro 3. C'était Dédé. Numéro 2, du coup. Cédric. Numéro 1. Let's be free. Eh ben voilà. Et bravo à Tom, hein, qui devait être dans le top 5, là. Et qui est 2, 4, 6, qui est 10e. Ah, 10e. Il est encore régressé depuis tout à l'heure. Bah bravo, Tom Smile. Bravo, bravo. Bon, allez, c'est parti. On appelle le gagnant ou la gagnante pour la Galaxy Tab 3. Maintenant, celui ou celle qui s'est inscrit ou inscrite sur le Facebook de l'émission. Facebook.com. Vous êtes sur la messagerie orange de... Bon, on va laisser un message. Veuillez laisser votre message après le bip. Allez. Bonjour, c'est Mickaël, tu es en direct à la radio, on t'appelait parce que on t'offrait cette belle Samsung Galaxy Tab 3. Malheureusement, tu n'as pas décroché, ce qui est bien dommage, puisque bah forcément du coup tu ne repars pas avec cette Samsung Galaxy Tab 3. Ce n'est pas grave, du coup on va appeler un autre gars ou une autre fille, je ne sais pas, pour lui offrir cette Samsung Galaxy Tab 3. Tant pis pour toi, en plus on te la livrait demain et tout, t'aurais été on l'a déposée à la poste demain, elle sera arrivée mardi, peut-être allez jeudi avec Noël en plus, ça aurait peut-être traîné un petit peu là. Ah c'est dommage. Bon bah tant pis, bah passe une bonne soirée quand même, passe de bonnes fêtes également. Et puis bah c'est pas grave, hop, on appelle quelqu'un d'autre là maintenant. En attendant, il y a Adrien qui est avec nous là de Roubaix. Salut Adrien. Salut. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Bon, ça va tranquille. T'as appelé pour la chanson toi, pour faire la musique, le générique de fin ? Ouais, je vous préviens tout de suite, si je raccroche ou si je ne réponds plus à rien, c'est que je me fais gauler par mes parents. D'accord, donc tout va bien. D'accord, ok, très bien. Bah, surtout avec cette chanson-là, tiens, c'est parfait. On y va, on la chante, c'est parti. On appellera le gagnant juste après, le temps de prendre un autre numéro de téléphone. C'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi, l'enculé. L'enculeur. L'enculeur, je cuis ton nom qui a vraiment pas fait un gag comme ça. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu trouves des vidéos, t'es un enculé. Tu peux plus dormir ou bien manger, tant que je ton nom toute la journée. Pas mal, pas mal. Allez, attention. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? On trouve toujours enculé. Est-ce que vous pourriez intérioriser votre connerie ? Épilez vos poils de cul. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ferme ta gueule, fils de pute. Que veux-tu ? Ils sont canadiens. Toi, espèce de gros temps que tu es de ta grand-mère, je vais te péter tes côtes. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Ferme ta gueule de merde, toi, l'enculé. Tu bouffes des bites, t'as te sucer, toi, l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Toi, ton nom, c'est l'enculé. Oui, on est des enculés. C'est vrai, des Eh ben voilà, merci Lilou, même en vacances elle est là et ça fait plaisir. Eh ben voilà, bravo, sans même te faire gauler, dis-moi Adrien, c'est pas mal. Ah ouais. Ouais. Bah, félicitations. Bah, merci à toi d'être passé. Bonnes vacances et bonne fête de fin d'année. Bah, toi aussi, hein. Et bah, merci, joyeux Adrien. Noël et bah, bonne année. Ouais. Et bah, voilà, et bah, très bien. Bon, on fait tout comme ça alors. Ça marche. Salut Adrien, merci à toi. Salut. À bientôt. Allez, on appelle le gagnant, la gagnante là maintenant. C'est parti. En espérant que cette fois-ci ça décroche. Alors, ce serait con quand même de passer à côté de la table 3 là. Donc, je les vois déjà sur Facebook. Enfin, j'en ai pas vu, mais je les imagine. Ouais, en fait, c'est de la triche. Ils appellent exprès un numéro qui décroche pas, etc., etc. Oui, certainement. Croyez ce que vous voulez, c'est pas grave. Allez, on appelle. Ah putain, vous la voulez pas cette tablette ou quoi? Les cons, elle est là, là. Allô? Bonjour, oh, vous putain. Êtes sur la messagerie 06. On est pas mal, là, on est pas mal. Bon, bah, on va laisser un deuxième message, c'est un truc de ouf. Allez, hop. C'est bon. Votre message, après le signal sonore. Une fois l'enregistrement terminé, oui, on va faire ça. Raccrocher. Allez, salut, bonsoir, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio. Et on t'appelait donc bah, pour t'offrir cette magnifique tablette Samsung Galaxy Tab 3, puisque tu as été tiré au sort sur le Facebook de l'émission. Malheureusement, tu ne décroches pas, c'est dommage. On va donc appeler quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On va bien finir par parler à quelqu'un. Quelqu'un quand même. Hein. Bon, attention. Allez, voilà, je te laisse même sur le répondeur, comme ça tu pourras entendre le nom du gagnant ou de la gagnante. Ou pas. Je rappelle que c'est le deuxième répondeur déjà là qu'on se prend. Allô? Allô? Ah. Bonjour, comment tu t'appelles? Sarah. Salut Sarah, t'as fait un petit like et un partage sur une magnifique photo où je suis avec une Samsung Galaxy Tab 3? Oui. Eh ben c'est gagné. Bravo Sarah! Trop cool. Eh ben voilà, mais toutes les félicitations Sarah. Tu peux même remercier, bah, je sais pas comment il ou elle s'appelle, mais le répondeur, parce qu'il écoute encore là. Tu peux dire merci de m'avoir laissé gagner. Merci. Eh ben voilà, tu vois, comme ça il aura bien la rage. Bon ben voilà, Samsung Galaxy Tab 3, elle est pour toi. Félicitations Sarah. On va prendre toutes tes coordonnées. Et t'habites où, dis-moi Sarah? À Bordeaux. À Bordeaux, très bien. Eh ben écoute, demain matin, on ira la mettre à l'expédition. Et puis avec un peu de bol, tu l'auras mardi, mais sans certitude. Et puis sinon, tu l'auras pour la fin de la semaine, comme il y a Noël au milieu, avec le jour férié et tout ça. Donc normalement, tu l'auras jeudi ou vendredi, la tablette. Dis-moi, bravo Sarah. Merci, vous déchirez, trop cool. Eh ben avec grand plaisir Sarah, je te fais des bisous. Et puis on va mettre ton nom aussi sur le Facebook. Comme ça, les Colombos pourront aller vérifier, etc. quoi. D'accord. Ok, ça marche. Allez, bonne fête et gros bisous. Merci. Salut. Ciao à toi, Sarah, je t'embrasse. Merci. Eh ben voilà, nickel. Il y a Yona également qui est avec nous, là, de Dole dans le Jura. Salut Yona. Salut. Comment ça va? Ça va et moi? Eh ben super bien, Yona. Bon, Yona, vu l'heure, tu imagines qu'on n'a plus le temps, mais on peut te rappeler éventuellement demain soir? Bah oui, y a pas de soucis. Tu voulais nous parler de quoi? Bah c'était pour vous poser. S'il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. C'est drôle ça. Oui, pour parler de quoi? Pour poser une question, en fait, pourquoi les mecs prennent les meufs pour des connes, pour le cul, quoi, en fait. Ah, mais ah bah, ça tombe bien, t'as appelé à la bonne adresse, là. Hein. Toi, va pouvoir te répondre en long, en large et en travers. Les rois pas, de la bite. Complètement, ouais. Bon, surtout en travers. On te reprend demain, Yona, d'accord? Ok, pas de soucis. Ça roule, gros bisous. Gros bisous. Allez, salut Yona. Bon, bah voilà, bah, bravo à Sarah également pour la Samsung Galaxy Tab 3. Et puis, puis on va se retrouver nous demain aussi en pleine forme, évidemment, à partir de 20h. Oui, j'en suis presque perdu, dis donc. Demain 20h et puis mardi 20h minuit également, on sera là. Merci à tous ceux d'avoir été connectés. DJ Dana qui dit ce sifflement est atroce avec Jean-Pierre Sauzer. Shippers Baby qui dit mais Mickaël, personne va te virer, on est tous là. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas Jean-Pierre qui va y arriver. Megumi qui dit après Pimp My Ride qui tune les voitures. Il y a E2Nex, c'est pour faire la chirurgie. Sur ton ex, c'est une idée effectivement. Ouais. Il ouais, bon. y a Zambala aussi. Hein. Ouais, il y a Zimbala aussi. Bon, bah, merci en tout cas à tous ceux d'avoir été connectés ce soir, d'avoir participé à l'émission hein, sur Facebook, sur Twitter notamment. Il y avait Shippers Baby, il y avait Dédé, Megumi, il y avait Sarah, il y avait Isnoki, Mathieu, il y avait Cédric, qui s'y avait d'autres GTR aussi qui était là. Il y avait Jojo, il y avait Fabienne, il y avait Julien et tous les autres évidemment. J'ai pas le temps de tous vous citer, mais merci beaucoup d'avoir tous été là ce soir. On se retrouve demain à partir de 20h. No limites, Mickaël. Mickaël, nos limites sur Fun Radio. Et c'est notre amie Mademoiselle Luna qui va débarquer maintenant sur Fun Radio en pleine forme avec Adrien qui va pousser là jusqu'à 6h. Ah ouais, ça va être la folie totale, ça. Jusqu'à 6h du mat en pleine forme. Et puis bah voilà, Mademoiselle Luna donc que vous allez pouvoir découvrir ce soir, qui mixe sur Fun Radio Belgique toutes les semaines et qui bah, mixe également là ce soir dans un party fun spécial vacances d'hiver. Mademoiselle Luna que qui a déjà dû essuyer les avances de Toff. Bah évidemment, évidemment. Voilà, essuyer parce que bon, il s'est fait rembarrer comme une merde, hein, comme ce qui est normal. Mais je suis très déçu. Bah, ce qui est très déçu, c'est normal. Donc, si vous voulez voir à quoi elle ressemble, Mademoiselle Luna, hein, ce que Toff n'a pas réussi à avoir, vous pouvez aller taper sur Facebook Mademoiselle Luna. Voilà, vous allez voir et puis vous pourrez liker la page si vous voulez, il n'y a pas de problème. On se retrouve demain sur Fun Radio à partir de 20h, ce sera juste après la radio. 20h minuit, demain soir sur Fun Radio. Pareil pour mardi, évidemment, avec d'autres cadeaux, notamment des tablettes. Il y aura des netbooks aussi à vous offrir. Gros bisous, bonne nuit tout le monde. C'est le mix de Mademoiselle Luna avec Adrien jusqu'à 6h. Now, let's go.